500 euros, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Salut, c'est Mister V. Cet été, ça fout quoi? Ça va louer le gamin, ça va payer des tailles, ça va sortir en club, ça va se bourrer la gueule, ouais. Et tu comptais rentrer comment après? Tu comptais conduire? T'es con, Didier, bordel! Non, fais plutôt confiance au poteau Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Comme ça, tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le groupe sur scène. Alors dis merci à Sam. Allez, merci Sam, c'est vraiment sympa. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile, tu peux te mettre au sport, changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Il n'y a pas que les enfants qui ont peur du noir. Quand j'éteins la lumière, il y a une femme. Elle déteste la lumière. Moi aussi, je la vois. Découvrez Dans le noir, le nouveau frisson de James Wan, le réalisateur de Saw et Conjuring. N'éteignez jamais la lumière. Tout le monde a peur dans le noir. C'est de ça qu'elle se nourrit. Dans le noir, maintenant dans les salles. Avec Skyrock. Maman, au 71777, le destin vous joue parfois des tours. Et la vie peut prendre plusieurs routes. Maman, M-O-M-E-N-T, au 71777, nos astrologues vous donneront les clés de votre avenir. L'amour, le quotidien, le travail, vous pourriez tout savoir. Envoyez Maman au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Hit it. Skyrock. 21 Pilots. 21 Pilots. So I'm taking my time on my ride. 21 Pilots. Taking my time on my ride. 21 Pilots, l'album. Ça veut dire quoi une rentrée cool pour Darty? Une rentrée cool, c'est ne pas avoir de choix difficile à faire, ne pas devoir choisir entre deux choses alors qu'on veut les deux. C'est une rentrée sans restriction. Et ça, c'est cool. La rentrée est cool chez Darty. Du 17 août au 15 septembre, profitez de notre offre HP. Un PC Pavilion X370-13U avec l'imprimante DeskJet 3630 et la souris X1200 pour seulement 649 euros. Et en plus, HP vous rembourse 100 euros. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Darty choisi par Romano pour sa nouvelle télé d'ailleurs. Ah bah, certifié. C'est quoi une rentrée cool pour Darty? Bah, Romano qui a sa télé qui explose. Ça fait 699 euros de plus sur le chiffre d'affaires de Darty. Bravo Romano, félicitations. Et merci Darty. Il se fait travailler l'économie française. Exactement. Vite Darty, vite. La relance de l'économie, c'est parti. Darty avec un Y, comme Sky, pareil. Eh ouais. Allez, Skyrock, c'est parti. Radio libre, on y va. Tous les soirs, 10 full radio libre. 0153 40 30 20. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys. You know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Dream, I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G and step on the gas. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Give me what I asked for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus, flow a genius, smoking Phoenix, you never seen this, I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending, so I'm tryna ride out, slide out, Rally Stripes, send me 500, bye-bye. You waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, 'cause I'm ready to go. I'm ready to go. Give me the green light, red light, green light. Everybody take a shot. Everything you got. Sur Skyrock, il est super ce morceau. Il fait beau, c'est l'été, vous êtes sur Skyrock. Il faut voter Romano. Surtout pas, surtout pas. Et on écoutait Florida et Pitbull. Gueule. À son retour en direct, Diffoul. C'est un bronzage classe un peu que j'ai. Classieux. C'est la classe, c'est le bronzage des vacances. Je suis désuvé aujourd'hui. Romano. T'as vu, on dirait un dalmatien au-dessus. Oui, c'est ça. Il est tacheté, c'est dalmatien. J'ai une maladie, c'est les cheveux. Cédric. Comme un t-shirt croix rouge, c'est pas grave. C'est drapeau de l'Angleterre, tu connais. D'accord. Celui-là, je l'ai acheté en vacances. Tu l'as payé en plus. Bah ouais. Ah ouais, t'es con. Marie. Moi je brille. T'es brillant tellement, t'es bronzé, c'est impressionnant quoi. Oui, tu es luisante. Voilà. Samy. Moi j'ai un bronzage régulier quand même. Oui, bah t'es blanc. Ouais. Mais, Et Karim. Karim est là aussi, les mains dans les poches, ouais, tranquille, là en plein travail, comme d'habitude. Ça va, Alhamdoulilah, tranquille. Come on. 21h minuit, la radio libre de Difool. Seulement sur Skyrock. Oui, oui, oui, c'est nous, dernière radio libre Summer Edition, dernière radio libre de l'été pour cette saison, pour cet été. Oh. Et avec, vous avez vu, on termine la radio libre de l'été avec des températures maximales. J'avais demandé qu'il y ait des températures au top pour cette semaine, dernière semaine de Radio Libre de l'été. Ouais, écoutez, ça me permet de faire mon slogan, il fait beau, il fait chaud, votez Romano. Voilà, Romano avait demandé également à la météo de super température. On a eu ce qu'il faut, qu'est-ce qui fait chaud. Ah ouais, ouais, c'est, mais à Paris c'est trop. Ah non, il y en a ras le cul, moi, j'arrive pas à dormir. Tu vois les gens qui sont jamais allés en Asie, et ben aujourd'hui c'est vraiment le temps qu'il fait en Asie. Quand tu vas en Asie, c'est exactement ce, ouais, cette lourdeur. Quand il fait chaud, ouais, il fait lourd comme ça. Ouais, c'est ça, tu sais, cette humidité. Bah tu marches, tu transpires tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et après tu pues la mort. C'est ça. Oh ouais, comme moi. Bonjour Cédric, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ça va, nickel. Ça va, t'es prêt? Ouais, moi j'ai bien ronflé, ça va. C'est bien. Ah, on est content de ça. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'il est en forme. J'ai réussi à ronfler, moi. Appelez-nous au 01 53 40 30 20 dès que vous avez un truc à dire, une question que vous vous posez. Si vous voulez parler à la France entière, il n'y a pas mieux. Vous êtes sur Skyrock, la première radio libre de France, tous les soirs, en direct entre 21h et minuit. Vous nous passez un coup de philo, 01 53 40 30 20. Et vous tombez sur la Marie qui est là. Je suis là, bonsoir tout le monde. Oui, oui, oui. Vous tombez sur Samy qui est là aussi. Je suis là devant le match de l'OM. Déjà les yeux sur son match 0-0 au bout de la 17e minute de jeu, 18e même précisément. Parce que pour l'instant on perd pas, tu vois. Alors c'est OM Lorient, ça se joue au Vélodrome. Ouais, ça se joue à Marseille, au Vélodrome Marseille à la maison. On va suivre le match d'ailleurs. On remercie les Marseillais. Skyrock est la première radio musicale à Marseille. Merci les Marseillais. Toujours. Allez OM, bien joué les Marseillais, ça fait plaisir. Oui. On a reçu des bonnes nouvelles pendant cet été. Première radio urbaine mondiale déjà, ça fait plaisir. Et les Marseillais aussi. Et surtout première radio à Marseille. Et ouah, vive ce Skyrock Marseille. Forcément. Et ouah. Samy, je t'ai dit bonjour. Je suis là. J'ai oublié Karim, voilà. Ouais, je suis là, man. Voilà. Salam alaikum. Évidemment, Romano est là. Bonsoir. C'est marrant, tu as un t-shirt qui est de la même couleur que ton bronzage, c'est-à-dire orange. Oh, le but magnifique. Et ben voilà. Les gars, on est champions cette année. Ouais, t'as vu. Je rigole. Et un but de l'OM pour démarrer l'émission. Tu vois, je t'avais dit. T'avais la magnifique. Faut y croire. Skyrock est premier sur le foot. Et bien sûr. Bravo, l'OM. Un but de l'OM. 1-0 but sur coup franc direct. Magnifique. Et voilà. Champion, mon frère. Ah, pas encore. Même les Parisiens vous félicitent. Vous avez vu, champion, mon frère. Et 1-0. Oh, et on va suivre le match en direct. Désolé pour les Bretons de Lorient. Ah ouais. Il y a 1-0 pour Marseille à Marseille. OM Lorient, match qu'on suivra ce soir en direct sur Skyrock. Car on est en direct. C'est pour ça que vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment sur le 41-759 et le skyrock.fm. C'est marrant, on va voir venir les uns après les autres tout au long de la semaine. Il y a Écolier, 23 ans, qui nous dit: ah, vous nous avez manqué. Alors, on t'a manqué depuis hier soir, ou alors parce que tu reviens de vacances, mais en tout cas, on est content de vous retrouver et content d'être avec vous tous les soirs sur Skyrock. N'oubliez pas lundi, la grande rentrée de Sky, grande rentrée de Skyrock. Ça démarre à 6h du matin, lundi, avec nous. Faut se lever, hein. Faut pas qu'on s'oublie, hein. Parce qu'après, après deux mois de vacances. C'est bon, les réveils sont prêts. Les réveils, toi aussi, j'ai préparé les réveils, tout ça. Lundi matin à 6h, et en plus, on vous offrira 1 500 € toutes les demi-heures. Oui, c'était toutes les heures avant, on a décidé pour démarrer la rentrée. 1 500 € toutes les demi-heures, c'est à gagner, c'est sur Sky. Et c'est, si vous répondez Skyrock, dès qu'on vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ton petit téléphone sonne, Romano, il fait ting-ting-ting-ting-ting-ting. Et je décroche. Oui, bonjour monsieur Romano. Bonjour. Bonjour, vous êtes chauve, dites donc. Non mais ça tu peux pas le dire parce que dans le téléphone tu le vois pas. Ah oui c'est vrai. Alors bonjour, vous n'avez pas de cheveux? Ah si, énormément. Ah très bien. Et quelle est votre radio préférée? Skyrock bien sûr. Mais c'est magnifique. 1 500 € pour 1 500, vous monsieur Romano. Merci. Inscrivez-vous d'ailleurs hein, si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Vous inscrivez au 7 20 20. Sinon il suffit d'avoir un téléphone, on a tous les numéros de France. Et lundi matin dès 6h du matin, toutes les demi-heures, 1 500 € à gagner juste en répondant Skyrock quand on vous appelle. Skyrock et c'est 1 500 € dans la poche. Yes. Tout simplement. Bah oui, histoire, parce que je sais que la rentrée coûte cher, je sais que les vacances ont coûté cher, toi, tout coûte cher. 1 500 €, ça fait jamais de mal. Il y a Omer qui est prêt là, je suis trop pressé pour le morning. Tout comme pour la radio libre. Bah la radio libre, t'as la dernière radio libre de l'été, écoutez ce soir. Profites-en en direct avec nous sur Skyrock. Bon, 21h06, on va démarrer avec vous. Il y a Charlie qui nous attend. Les familles du double appel, sélectionnez quelques familles, on va les appeler. Yes. Ah, on va leur passer un petit coup de fil. C'est d'ici. Juste autant de dire bonjour à Charlie. Et on s'y jette. Et n'oubliez pas aussi le clash de la drague, dernier clash de la drague de la Radio Libre Summer Edition. Bon bah c'est pas une finale hein, parce que bon j'ai déjà gagné la semaine quoi qu'il arrive. Ouais mais le dernier c'est toujours très important. Tu vois quand tu t'en vas avec une victoire c'est mieux quand tu t'en vas avec une défaite. Qu'est-ce que t'en penses? Pas de m'embobiner. Non mais de toute façon le but c'est de faire le triplé. Hein. Qu'est-ce que tu sur rien Cédric? Qu'est-ce que t'en penses Cédric hein? De partir avec une victoire c'est quand même. Ah ça serait bien ouais. Ça serait bien. Ah franchement ça effacerait toutes les défaites que t'as eues avant. Presque. Ouais ça me dérange pas. C'est-à-dire pas quand même. Déjà les deux de la semaine depuis qu'on est revenu. Ouais c'est ça ouais. Ouais, il est en forme. Hein. C'est ça. Puis comme ça, je passerai un bon week-end et puis lundi, une bonne rentrée comme ça. Alors, plusieurs questions que vous nous posez. D'ailleurs, on va saluer ceux qui sont, je vous ai pas salué, tiens, ceux qui sont sur les réseaux. Vous allez donc sur tous les réseaux, Skyrock FM pour nous rejoindre sur Snap, sur Facebook, sur le skyrock.com, partout, vous allez dire. Hein. Et vous pouvez nous laisser des messages sur le 41-759, c'est bien, ça arrive directement dans le studio. Et sur l'appli Skyrock, vous la téléchargez, vous envoyez des messages, ça arrive aussi directement ici. Alors, plusieurs messages que vous nous posez. Plusieurs questions que vous nous posez, plusieurs messages que vous nous laissez depuis tout à l'heure. Ouais. Hallucinant, ils sont dopés à l'OM. Ah. C'est vrai que. Ça met une question, ils sont dopés à l'OM, c'est le message de Léo sur SMS. Ça fait au moins 2 ans que j'ai pas vu un beau but en fait dans ce club. Et là, il était beau. Ouais, un joli coup franc direct et tout. Voilà, ouais. Un tir cadré, un but pour l'OM. T'as vu des belles stats. Et ouais. Bon, ça c'était une petite question. Qu'est-ce qu'on dit? Je me suis inscrit pour les 1 500 €, j'ai trop hâte. Soit là lundi matin. C'est Lamborghini qui nous laisse un message. Même les riches peuvent s'inscrire. Lamborghini, t'as le droit, il n'y a pas de problème. Pouvez-vous dire à Difool de taper Romano ou Cédric juste pour rigoler? Si vous voulez, les deux. Cédric. Hein, commence par Romano, vas-y. Romano, voilà, et Cédric. Voilà, chacun son tour. Bon, trop bien tout le monde. Ah, ça fait une année entière que je ne vous ai pas écouté. Cédric était toujours aussi moche. Mais oui, qu'avant. On respecte les fondamentaux dans les musiques. On change pas une équipe qui gagne, de plus en plus dégueulasse. Bon retour à Wazy, là, qui vient de nous laisser un message. Salut à toi, Wazy. Bon, vous êtes en forme, nous aussi. Et je vous disais, on a Charlie au téléphone avec nous en direct de Paris. Salut Charlie, premier de la soirée. Wesh les filles. Salut les filles. Salut les filles, Charlie, bonjour. Comment va Charlie? Ça va et vous? Ça va bien, donc toi t'as 22 ans, t'es parisien Charlie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, ouais. Alors parle bien dans ton téléphone pour qu'on t'entende bien. Et tu vas nous proposer, tu vas nous poser une question d'ailleurs. Et puis tu vas nous proposer peut-être une sortie pour ce soir. Ah. En tout cas pour ceux qui sont plus du côté de la région parisienne. Donc si vous êtes parisien, francilien, ou alors si vous êtes en vacances à Paris, vous allez peut-être pouvoir aller faire la fête. Faire la fête, je ne sais pas Marie, mais en tout cas découvrir un lieu assez sympa que t'as visité, pas pour nous Charlie, non t'as pas visité encore. Non, justement. Ah que tu veux visiter. En fait, ouais je voulais y aller, c'est pour ça. Alors où est-ce que t'as envie d'aller? c'est au bois de Boulogne, tu vois. Au bois de Boulogne. Je veux savoir si là-bas il y avait vraiment peut-être des traves ou si c'était une légende, quoi. C'est vrai. Ah non, mais qui détrave, ça c'est ça. Ah ouais, c'est le paradis. Le paradis du trave. Ah ouais, le paradis sur terre, c'est là-bas. Voilà, trop beau. Le bois de Boubou. Voilà, il y a des grosses stubs et des grosses seins. Mais Romano, il se fout de ma gueule, il passe ses week-ends là-bas. Ouais, c'est vrai. Ouais, les week-ends, pas entiers, hein. Je dormais pas là-bas non plus. Hein. J'ai pas une camping sauvage. Ah, tu prenais pas le temps, t'es allé dormir là-bas. Non, mais. J'ai là-bas. Ouais, il y a une période, tous les samedis soirs, j'y allais. Alors, tiens, j'allais tourner en voiture. On va faire deux trucs. Gros cochon. Deux trucs. Ceux qui sont déjà allés au bois de Boulogne ou qui y vont régulièrement, racontez-nous ce que vous allez y faire. Alors, vous allez peut-être. Faire des pique-niques. Juste pour le. Oui, ouais, vrai. La nuit, c'est sympa. Non, mais en journée, c'est vrai, t'as des gosses qui jouent avec les capotes laissées par les travailleurs. Moi, je suis jamais allé la nuit. Ah, mais t'en croises, hein. Bah, ils jouent avec des capotes. Hé, maman, c'est quoi ça? C'est joli ce ballon. Il y a du yop dedans. Il y a du yop. C'était trop. Non, mais faut faire attention si vous amenez des gosses au bois de Boulogne, il y a des trucs qui traînent le matin. Donc, si vous êtes déjà allé au bois de Boulogne, si vous y allez régulièrement, racontez-nous un petit peu pourquoi, ce que vous avez fait, ce que vous avez découvert. Vous avez des potes qui vont faire des tours au bois de Boulogne. Cédric nous raconte souvent une histoire avec un pote qui irait soi-disant régulièrement au bois de Boulogne. C'est comme moi si j'étais là, tous les soirs. Oh putain, je connais un mec, mais alors c'est un pote à moi. Vraiment, il est super, il a un grand nez. C'est dingue. Ah ouais. Ou Cromano était là, au bois beuillant. Je connais un mec, il a pas de cheveux. C'est ouf. Donc Cédric nous raconte toujours cette histoire de ton copain. Il y va toujours au bois de Boulogne ? Non, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon pote. Ah, c'est entre temps, il s'est cassé. Ouais, moi aussi. Non, je te jure. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Et donc lui, il allait au bois de Boulogne. Ah bah en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous avait amené un soir au bois de Boulogne. Oh ouais. Et c'est le plus beau cadeau qu'on a pu me faire. Non, c'est le mec qui s'arrête. Il dit attendez, je reviens, je vais vite faire voir une meuf. Ouais. Donc le mec qui va, en fait, bon, on voit tout ce que c'était un traf, tu vois. Ouais. Et c'était une meuf mal faite. Ouais, voilà, elle était vraiment mal faite. Ouais. Ça se voyait, c'était cramé, quoi. Ouais. Elle avait de la barbe, de la moustache. Non, il touche ses seins, il me dit quoi? Il me dit, il revient, il vient voir, il me fait, c'est quoi? Je vais la niquer, je reviens. Ah, le bâtard. J'aimais pas, je fais, on était trois dans la voiture, je fais, putain, c'est. Ouais, bah vas-y, alors je vais vous sucer les gars en attendant. Il n'y a pas le choix, faut bien passer le temps. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Donc il va la niquer dans le bois ici. Voilà, moi je suce mes potes. Il revient, putain, il m'a sucé de ouf. Et je l'ai baisé. Je fais, mais t'es au courant que c'est un trave. Il me dit, non, je l'ai baisé par sa chatte et tout, machin. C'est une femme. Bien sûr. Arrête, avec une chatte qui pue le trou de cul. Ouais. Non, je te jure, j'ai baisé par la chatte et tout, machin. C'est une femme. Voilà, fais voir ta queue, je vais la sucer pour goûter. Donc lui, dans sa tête, tu sais quoi, dans sa tête, il est resté persuadé. Il faisait une. Jusqu'au bout, il nous avait fait croire que c'était genre une femme, quoi, tu vois. Non, mais ouais, il s'est auto-persuadé que c'était une femme. Il s'est menti à lui-même, ouais. Ouais, il s'est menti à lui-même, parce que nous, on le voyait, le truc, tu vois. Voilà, parce que je me l'étais tapé avant. Alors, je confirme, c'était bien un cum. Avec un bon trou du cul. Cédric est arrivé en faisant. Salut les filles. Salut les filles. Bon, toi, tu vas aller au bois de Boulogne, mais pourquoi tu vas aller au bois de Boulogne? Pour baiser? Bah, je pourrais essayer, tu vois. Ça fait longtemps que t'as pas tiré ton coup? Ça fait deux mois, c'est au mois de juin, là. Ah ouais, ça commence à dater quand même. Ouais. Ouais, donc j'imagine. Ah, t'es ancien, j'imagine que tu fais des petites vidanges, mais ça remplace pas le real. Ouais, voilà, pour essayer, tu vois. D'accord. Vas-y, essaye un homme, gros, je t'en bats les couilles. Non, mais alors admettons, une travestie, donc un ex-homme mais femme aujourd'hui, bien fait, tout ça, sans la bite, sans les couilles, mais juste avec. Ah, dans ce cas-là, déjà, c'est pas un travestie, c'est un trans. C'est un trans, ouais, déjà. Ouais, non, c'est bizarre. Excusez-moi, messieurs, dames, les spécialistes. C'est Romano, le spécialiste, c'est un coupé direct. Il faut respecter les trucs. Excusez-moi, les spécialistes. Bon, alors admettons, elle a plus de bite, elle s'est fait opérer, tout ça, donc c'est un trans. Ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais, toi, Charlie? Non, c'est bizarre. T'es sûr, même sans bite? Comment? Même sans bite. Avec chatte reconstituée, hein. Ouais, quand même, il y a un trou, il y a un truc. Ouais, je sais pas, vas-y, à la guerre M6, toi, je sais pas, mais. Tu vois, t'hésites quand même, hein. Ah, non, mais écoute, pourquoi pas? Je sais pas. Non, je sais pas, moi, j'hésiterai, hein. Et alors, la même question, moi, j'imagine que tu vas me répondre non, mais réponds franchement. Ouais. La même question, je sais pas, elle est super mignonne, tout ça, mais bon, elle a des seins, et quand tu descends un petit peu en dessous du nombril, par contre, elle a une grosse paire de couilles. Oh non, c'est mort. Et une grosse tub. Oh, ouais, non, c'est mort. Quelle bonne surprise. Voilà, tu m'avais caché ça, chérie. Ah non, mais horrible. Non, c'est mort. Ça, tu m'aurais pas. Ouais, t'as tort. Et même si, puisqu'on est dedans, on y va à fond, hein. Et même si elle te suce. Non, même ça, c'est mort. Non, à part si je suis bourré, peut-être, je sais pas, mais sinon, non, c'est mort. Ah, très bien. Non, ah. Mais faut vraiment que je sois, tu vois, non, sinon, c'est mort. Ah, bah, moi, je peux dire. Oh là, je suis bourré ce soir, je sais pas ce que j'ai trop bu. Ah, bah, ouais, ouais. Oh là, j'ai trop bu de la bière. Ah, même bourré, gros. Oh là, je suis complètement bourré. Ah, ouais, moi, pareil. Ah, tu t'en rends compte. Ah, bah, oui, tu vois une bite, Marie, ouais. Ah, ouais. Romano, même ivre mort, tu ne te laisserais pas tenter. Ah, même ivre mort, même en galère, je me taperais pas un mec. Même si elle te. Et même si ça fait un an que t'as pas de drapeau. Déjà, elle, c'est même pas elle, c'est il, quoi. À partir du moment où elle a une bite, c'est il. Oui, c'est vrai, il. Non, c'est messieurs dames, parce qu'il y a des uns, gros. Donc, ouais. Ah, ouais, il y a quand même la bite en bas, quoi. Bon, alors, les questions que tu te poses sur le bois de Boulogne, après, on va mater vos messages. Donc, vous dites si vous êtes déjà allé au bout de Boulogne, tout ça. Et puis, juste après, on fera un petit point sur ce que vous avez envie de faire ce week-end, parce que c'est vrai que c'est un des derniers week-ends des vacances, juste avant la rentrée. La nôtre, c'est lundi matin dans le morning. Ouais. Et puis, puis toute la journée après sur Sky. Donc, qu'est-ce que tu voulais savoir, toi, Charlie? Bah, je voulais savoir s'il y avait vraiment que des hommes, ou si c'était vraiment vrai, ou s'il y avait vraiment des femmes dans des coins. Non, mais il doit y avoir des meufs, je crois. Ouais, il y a des filles, il semble qu'il y a des meufs. Mais tu vas y aller tout seul? Non, avec un pote à moi. Avec un pote à moi. Mais sucez-vous entre vous, c'est mieux, les gars. Non, non. Direct. Au moins, c'est gratuit, il a raison. Bah ouais. Non, non. Même pas besoin d'aller au bois de Boulogne. C'était chez moi. Bah oui, oui. Alors, non, non. Vous nous dites, vous nous donnez les maximums de renseignements possibles pour Charlie. Et puis on avec Cédric, la dernière fois on y allait, on a même vu un travelot en train de chier. Donc, ah ouais, mais non. Ah là là, horrible. Putain. Top sexitude. Oh, bah, il est chié après. Pour non, non. Il avait mal au cul, je crois, il est parti chier. Non, mais non, mais il chiait sur le chemin. On passe. Le mec, il faisait la purge, quoi. Il était accroupi, il était en train de chier, quoi. Donc il y a, mais non, mais il y a des vraies femmes, puisque nous, je me rappelle qu'on était arrivé en retard un soir, on avait été bloqué, on avait fait un détour par le bois de Boulogne. Parce que tout Paris était bloqué. On a profité un peu, il y avait la Marie, et on s'est arrêté dans une camionnette, enfin à côté d'une camionnette, pour demander à la dame par où il fallait qu'on passe. Dans une camionnette. Et la dame. C'était une vraie dame. Qui nous a expliqué, mais elle était pas toute jeune, hein, quand même. Ah, c'est ça, il y a des vieilles. Il y a des vieilles dans les camionnettes, toi. Ouais, avec des parapluies et tout, c'est sur les camionnettes. Taper de la granit, là. Alors apparemment, d'après Romain des réseaux sociaux, qui est quand même le spécialiste du cul de l'émission. C'est un gros dégueulasse. Non, dis-le, gros. Il lutte avec Marie. Non, parce que je regardais des reportages. Et dans la ouais, bien sûr. Que dans la rue éclairée, c'était des vraies femmes. Et dans la rue qui n'était pas éclairée, c'était des travaux. Et des toi, t'es allé dans la rue sombre, toi. Non, t'es pas sombre. Ouais. Avec ta lampe de poche. Avec ta petite lampe, ouais, ça torche. Et toi, un trave, ça te brancherait ou pas? Non. J'aime bien. Non, mais genre, c'est, femmes, genre mais... si elle est bonne, tu vois, t'as l'impression que c'est une meuf, toi, elle est bonne. Genre, tu lui dis, vas-y, suce-moi. Même bourré. Non, même bourré. Tiens, une question, Charlie. Entre une, je sais pas, une granny, mais très granny, hein, tu vois, très très abîmée, dégueulasse, ouais. Flétrie dans une camionnette, et un travesti, mais super, bonne, ouais. Super belle gosse dans une camionnette, tu prends qui? Oh, je prends la granny, hein. Romano, tu prends qui? Bah, choisir. Putain, on peut rien prendre. On t'offre un truc, t'es obligé de choisir. Prends la porte. Alors, je prends la granny. Hein. Pour la granny. Ah ouais. Cédric, tu prends qui? Ah, la granny. Moi, je prends les deux, moi. Cédric, les deux, ouais. Samy. Ouais, la granny aussi, ouais. Karim. Ah, la granny, gros. La granny. Tout le monde la granny. Mais si, ouais. Mais attends, mais si on change, c'est juste pour se faire sucer. C'est ce que j'ai. Bon. Ah bah la granny aussi. La granny aussi. Ouais, la granny parce qu'elle a pas de dents. Ouais, elle enlève ses dents, c'est mieux. Ouais. Surtout, elle a pas de bite. Oui, elle a pas de barre. C'est surtout le principal argument, c'est qu'elle est pas de tub. Boum. Voilà, comme ça, tu tires ton coup. Voilà. Ouais. Très bien. Bon, bah alors pour Charlie, vous nous dites, les spécialistes du bois de Boulogne, tout ça, vous nous racontez. Nous, on est partis en dîner de classe au bois de Boulogne. Oui, bonjour, je suis votre professeur. Ah, mais il y a des restos, hein, dans le bois. Eh bien, nous allons faire un petit pique-nique. Ouais, il y a un truc sur une île. Non, ouais, ouais, mais il y a. L'île de la Jatte. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, non, non, non, c'est l'île de. Je sais plus quoi. Il y a un espèce de truc. Ouais, ouais, mais je vois, il y a un resto. Mais c'est classe, mais je m'en souviens plus. Très bien. Bon, Marie va chercher, elle vous donnera la réponse l'année prochaine. Ouais, c'est pas très grave, hein, Marie. Même heure, même radio. On s'en fout un peu. Skyrock. Dans un an. L'île de Ré. Voilà. L'île de Léron. Ouais, c'est ça. Ni l'une ni l'autre. Bon, vous nous dites pour le bois de Boulogne, puis dites-nous ce que vous faites ce week-end, si vous avez des trucs que vous avez prévus. Faites-nous signe. Tu te ferais mieux d'aller boire un apéro au bord de la Seine, nous dit Momo. Ah, ça c'est bien. Mais il y a la Seine au bord de Boulogne. Passe, non? Ouais, ouais, bah il y a un lac là. Voilà, bon, bah c'est pareil. Ça dépend les coins, ouais. Bah, c'est grand, hein, le bois de Boulogne. Dany ouais. Veut aller aux catacombes. D'accord, chacun son truc. Ah, je suis jamais allé, moi. Ça. C'est les catacombes, c'est les. J'aimerais bien voir, mais il y a des rats, là. Ouais. Ah bah oui, il y a des rats, ouais. C'est dégueulasse. Ouais. Ça me rappellerait ma ville, tu vois. Au moins il fait frais, c'est pas mal. Tiens, sur l'avenue de Longchamp, il y a également des traves et sur l'avenue de la Muette, également. C'est ouais. Maxime, c'est 20 ans. À côté de, c'est au bois de Boulogne, hein. Porte Dauphine. Maxime, 20 ans, un spécialiste qui te donne quelques petites adresses. Ah mais Charlie, pourquoi vous allez pas dans la rue des branleurs là? Tu sais, il y a des voitures qui s'arrêtent et tu te branles sur les vitres. C'est Porte Dauphine entre la Muette et. C'est les mecs qui se branlent. Bon, ça existe à Paris au bois de Boulogne, mais ça existe également dans toutes les villes de France. Il y a des travelots partout, non? Ouais, nous il y a des parkings à Marseille. C'est pas très loin du stade Vélodrome. Ah, dans mon appart. Ah ben voilà. Là, ce soir, il y en a 11 sur le terrain. Ah non, pardon. Je rigole. Bon, on fait un petit point sur l'OM. Toujours 1-0 face à Lorient. Le match qu'on suit ce soir en direct sur Skyrock, c'est la Ligue 1, le retour. Alors, démarré la Ligue 1 il y a la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, on domine bien. 15 jours. C'est la troisième journée. Ce soir. Voilà, 33 minutes de jeu, 1 pour l'OM, 0 pour Lorient et match à suivre en direct et domination des Marseillais. Ouais, grave, on a eu pas mal d'occasions, ça joue plutôt bien. Eh bien, on vous tient au courant. Dans un instant, double appel avec les familles de France. On le fait juste après Shai, nouveauté Skyrock que vous avez découvert cet été. Shai qui nous fait un son qui s'appelle BMW. Ouais, c'est ça. C'est pas BMW, hein, c'est PMW. Oui, c'est un P. Écoutez bien Shai tout de suite sur Sky et Radio Libre jusqu'à minuit au 01 53 40 30 20 pour nous appeler pour tout ce que vous voulez jusqu'à minuit en direct. Lundi matin, ils vont tous se réveiller sur Skyrock. Hi, this is Rihanna. Maître Gims. Hey, it's Beyoncé. Salut, c'est Romano. Wesh l'équipe, c'est Jules. C'est Sabrina. Hey, this is Justin Timberlake. Salut, c'est Difool. Salut Difool, c'est Momo du 4-2. This is Bruno Mars. Bonjour, c'est Pamela. This is Eminem. The Morning Show. Toi aussi, rejoins-nous lundi matin en direct de la part dès 6h pour le retour du Morning de Difool avec 1 500 € à gagner toutes les 30 minutes si tu réponds que ta radio préférée c'est Skyrock. Skyrock. 6h-9h. C'est le Morning de Difool sur Skyrock. Salut, c'est Mister V. Cet été, ça fout quoi? Ça va louer le gamin, ça va payer des takes, ça va sortir en club, ça va se bourrer la gueule, ouais. Et tu comptais rentrer comment après? Tu comptais conduire? T'es con, Didier, bordel! Non, fais plutôt confiance au poteau Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Comme ça, tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le groupe sur scène. Alors dis merci à Sam. Allez, merci Sam, c'est vraiment sympa. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. Son problème, c'est la victime du lycée. Faut que ça change, Stéphane. Il faut qu'on soit des mecs en place. Son plan, prendre un correspondant. Pas looking extrême, ascenseur social, réputation mythique. Mais rien ne se passe comme prévu. Chérie, on a un gros problème avec la petite boche. Le correspondant, la comédie de l'été avec Jimmy Labeu, actuellement au cinéma. Un film Skyrock. Samuel se prépare à aller chez McDo. Mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. SCH. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, repos. SCH, allô, nouvel maman. Album disponible. Allô maman. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Et sur Skyrock, c'est reparti. Et oui, on n'attend pas là. C'est Shai tout de suite qu'on écoute avec PMW. C'est sur Sky, découvert Skyrock. 21h, minuit. Radio libre sur Skyrock. Hey, c'est chaque canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent l'engager. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Qui peut niquer ma santé? Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchons dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Tu vas gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à deux, trois heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. top, même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blame pour. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches comme la ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blame pour. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Bien, c'est un Shai, S-H-A-Y, pour ceux qui voudraient savoir comment ça s'écrit. Shai, c'est elle qui chante et c'était PMW sur Sky. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. C'est nous en direct jusqu'à minuit au 01 53 40 30 20. Appelez-nous pour cette dernière soirée de la semaine, pour cette dernière radio libre de l'été, la toute dernière radio libre de l'été. On va la vivre ensemble jusqu'à minuit. Ouais. Jusqu'à la dernière goutte. Oh là, je vais sucer jusqu'à la dernière goutte. Écoute, sans problème, Cédric. On fait un tour au Bois de Boulogne pour Charlie. Alors, plein de réactions que vous nous avez laissées. D'abord sur ce que vous allez faire ce week-end, et puis sur le Bois de Boulogne et les endroits à travestir en général. Charlie, la question que tu te posais, parce que tu as envie d'aller faire un petit tour au Bois de Boulogne, ça fait 2 mois que t'as pas baisé, donc t'en peux plus. Ouais. 22 ans, hein, Charlie. Tu veux tester, en fait. Je le présente. Ouais, tester le Bois de Boulogne, pas forcément tester les travestis, d'après ce que je t'ai demandé. Hein. Non, jamais fait ça. Jamais essayé ça. Donc, est-ce qu'il y a que des travestis? La réponse est non par le message du spécialiste. Ah, spécialiste du Bois de Boulogne, 20 ans dans le 9-2. Ah, tiens, 9-2 comme le Bois de Boulogne. Ouais, là-bas, c'est qui tout double quand et même. Qui, hein. Et qui nous dit qu'il y a des hommes et des femmes, des travestis. En fait, faut bien miser quoi. Faut miser sur la. Et il nous dit par contre, parfois les travestis sont plus jolies que les vraies femmes. Ouais, possible. C'est le message du spécialiste. Moi, j'ai eu un Cédric au standard qui habite à côté du Bois de Boulogne. En plus, c'est vrai, il s'appelle Cédric. Ouais. Il m'a dit qu'aller de Longchamp, c'était des vraies prostituées, c'était des meufs en tout cas. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Ah, bah, c'est bien, parce que si tu vas au Bois de Boulogne, Toshi du 54 qui nous laisse le message, tu vas pouvoir choper des champignons. Bah, voilà, c'est bien ça. Bah, c'est super. Génial, ça. Tu vas en cueillette. Voilà, tu vas partir à la cueillette, tu vas revenir avec plein de champignons gratuits, pas cher. Non, mais mets des capotes en tout cas, si vous allez dans des trucs comme ça, mets des capotes. Il y a plusieurs messages que vous nous laissez sur ce que vous allez faire ce week-end. Et on a deux spécialistes des travestis en ligne avec nous. Ah, et dans un instant, on aura une fille qui. Une fille ou une. Je sais pas si c'est une vraie fille ou c'est une fille. C'est une vraie fille. C'est une vraie dame. Ouais. Une vraie fille qui a travaillé au Bois de Boulogne, qui est avec nous et qu'on va prendre au téléphone en direct. Ou qui travaille au Bois de Boulogne, je sais pas. Donc on en saura un petit peu plus d'ici quelques instants. Nos deux spécialistes des travestis sont là en direct avec nous. Je vous présente Big Flo et Oli. Ce sont deux Toulousains que je sais pas si vous les connaissez. C'est deux travestis qui sont au Bois de Boulogne. Vous êtes travestis, les gars? Vous avez fait une opération cet été? Oui, tout à fait. Oui, nous sommes spécialistes des travestis. Oui. Bon, bienvenue Big Flo. De voix de pointeur. Gros. Ouais, ça c'est Flo. J'ai reconnu, il a une voix de pointeur. Ah ouais, direct. Big Flo et Oli, il est où? Il est à côté de toi? Ouais, il est à côté de moi là. On va rejoindre des potes, on va se faire un McDo là ce soir. Ah bah super. C'est ça, McDo juste avant d'aller au bois. Ouais. Est-ce que vous avez d'aller au petit Bois de Boulogne, ouais. Oui, c'est ouais. Ça. Est-ce que vous avez déjà rencontré des travestis tous les deux, vous? Est-ce qu'on a déjà rencontré des travestis? Ben ouais, il y a moi j'en ai rencontré un. Non, c'est vacances. Ces vacances, j'étais aux toilettes pour hommes, du coup. Il m'a mal au cul. Ah, t'as une meuf qui arrive avec des gros seins, c'est ça? Et je vois une meuf et je dis, waouh, c'est quoi ça? Et la personne se retourne et effectivement, c'était un. Elle va dans les pistes pistotières, là. Elle sent sa grosse bite. On en croise plein aussi les travestis à la radio libre, quoi, toute l'équipe, quoi. Exactement, d'ailleurs, je vous présente. Toi. Je vous présente également ce soir Pamela qui est avec nous. On est vendredi. Bonsoir. Je vous avais pas parlé, mais c'est le grand retour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Big Flo. Salut la belle. Bonsoir l'équipe. C'est le grand retour là. C'est le grand retour. Ah oui, c'est le grand retour ce soir. Je suis toute bronzée. Wow. Ouais, le grand retour pour la dernière de la radio libre de l'été. Ben, content de vous avoir tous les deux. Comment ça s'est passé cet été, Big Flo et Oli? Très très bien. On s'est reposé, on a profité. Mais en fait, au bout de 3 jours, ça nous manque déjà de faire du son et de faire des concerts. J'ai la voix cassée. Ah oui, Oli a la voix cassée. Pourquoi il a la voix cassée? Il a trop crié cette nuit. Sa gueule. Ouais, allô, je la vois complètement cassée. Oh putain, la voix de merde. Qu'est-ce qui t'arrive, Oli? C'est le travelo, il m'a trop fait crier. Ouais. Justement, pour le coup, j'ai une voix de travelo. Ah, c'est bien, on a bien fait de vous appeler ce soir-là. Ça va tout le monde, ça fait plaisir. Eh ben, nous aussi, ça nous fait plaisir. Tiens, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Big Flo et Oli, qui se brancheraient sur Skyrock pour la première fois ce soir, écoutez bien, Big Flo et Oli, c'est pas des gangsters déjà. Non. Je tiens à vous donner c'est pas deux des gangsters. Non, c'est deux frangins de Toulouse. Donc cet été vous avez quand même profité du soleil, profité de la plage, ouais. Vous avez bossé pendant 2 mois. On a fait vraiment une grosse tournée, on a enchaîné. J'ai vu. Ouais, ouais. Et ça y est, on a fini la tournée, donc on a fait plus de 100 dates là depuis un an. Putain. Ah, c'était canon, moi, je vous ai vu. Putain, on s'est pris des sous les gars. Nous on s'est pris 5 semaines de vacances, je peux te dire qu'on a rien branlé pendant 5 semaines. Rien du tout. Et moi je continue. Et d'ailleurs on a vu Marie qui est venue nous voir. À Nîmes, ouais. Ouais, on s'est vu, ouais. Ah, pas cher les places. C'était cool. Super cool. Et Flo qui courait derrière les Pokémon Go, là. Ouais, ouais. C'est lui qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Ah. On a fait une petite partie avec Marie, là. C'est drôle. Et c'est là où il y avait les Pokémon Go qui étaient cachés derrière les Pokémon qui étaient cachés derrière la scène. Ouais, il y en avait un peu partout en plus, des rares et tout, c'est un peu drôle. Mais il est vraiment complètement drogué au Pokémon Go, Big Flo. Mon frère est complètement fou. Voilà, il va devenir geek, méfie-toi. Hein. En fait, le mec, des fois, je le vois, il se réveille la nuit et il va se faire une session dans les rues non, avec ses parents. Carrément. Pour jouer au Pokémon Go, donc il est accro. Ah oui, il a un problème. Ah ouais. Ouais, là, c'est... Voilà, si vous voulez savoir ce qu'on fait Big Flo et Oli pendant les vacances, on sait que Big Flo est complètement drogué, complètement geeké au Pokémon Go. Ça y est, c'est parti. Et d'ailleurs, je suis vos aventures sur Snap là. Je rigole bien, je vous ai ajouté il y a quelques temps. C'est bien, allez faire un tour sur le Snap de Skyrock, c'est Skyrock FM. Vous pouvez nous laisser des messages en privé si vous voulez passer dans l'émission. C'est comme le standard, c'est pareil. Vous laissez vos messages, vous dites de quoi vous voulez parler. Et on vous rappelle. Et on vous récupère sur Snap. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu pour la rentrée, Big Flo et Oli? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, là, on est en train de bosser l'album comme des fous, là. Mmh. Ouais. Et voilà, on travaille. On est aussi, attention, petite annonce. Mmh. On est jury, c'est assez bizarre. Ah, je sais, attention, accrochez-vous. Attends. Je parle notamment à nos amis belges, hein, c'est ça que toi tu veux. Oui, c'est fait déjà. On est jury de The Voice Belgique. Voilà. Oh, ici The Voice. Waouh. Vous allez être sur le même fauteuil. The Voice. Beau gosse ou pas? Ouais, on a un fauteuil pour deux. Un fauteuil pour deux. Bonjour, que c'est Big Flo et Oli qu'on va retrouver dans The Voice Belgique. Alors que, attention. De toute manière, oui, il prend pas de place pour le fauteuil, donc en fait, ils vont m'en donner un. Ouais, c'est vrai. Oui, il est tout maigre, oui, c'est vrai. Là-dessus, on avait eu Big Flo et Oli à The Voice Belgique. Vous allez être mignon. Et on va essayer de vous choper. On va regarder c'est ça. Incroyable. Mais ils ont proposé, on pouvait pas refuser. Mais il y a qui d'autre dans le jury? Ouais, il y a qui avec vous? Dans le jury, il y a Quentin Moziman, tu vois, c'est un DJ. Oh, Moziman. Ah ouais. Oui, un ex de la Star Academy. Star Academy. C'est lui qui met une chaussure des pariés, là. Ouais, c'est croisé cet été, lui. Ouais, lui, il met une chaussure à talons à droite et une basket à gauche. Une à gauche. Et après, il boite. C'était à l'époque, c'est un mec vraiment cool. Il y a aussi BG, c'est une chanteuse américaine qui est vraiment cool aussi. Ouais, qui galère tellement aux États-Unis qu'elle est partie faire une carrière en Belgique. Et il y a aussi deux mecs très, très talentueux qui s'appellent Paco et Juan. Mais eux, je les connais, c'est des amis de Big Flo et Oli, c'est les Argentins de Toulouse. On va regarder. Et aussi, un petit truc à dire aussi, il y a un truc qui. Une petite surprise qu'on va annoncer bientôt, c'est petit indice, c'est dans le ciné. Voilà, j'en dis pas plus. Vous allez faire du cinéma. Allez, bon. Waouh. Mon frère, il me dit chute, il me tape là, il est en train de me taper. Voilà, bon, on ne dit rien alors. Qu'il a fait chier le monde, qu'il a joué au Pokémon Go. On appellera Skyrock est la première radio sur les news, bien sûr. Eh ben, on est première sûr. Pas de soucis. Merci à vous, les gars, Big Flo. Vous êtes où, là, actuellement? Yes. Vous avez pas demandé. Là, on est à Toulouse, là. Tu veux pas dire quel McDo vous allez? Comme ça, on fait une petite émeute. Oh là, non. Plus on fort est au McDo de Skyrock. Allez, c'est dit. Allez, les Toulousains, allez faire un tour au McDo. C'est comment il s'appelle? Esquirol. Ouais, Esquirol, il y a des gens déjà. Ah, il y a des gens déjà. Ah bah, voilà. Allez, McDo Esquirol, Big Flo et Oli. Et on salue tous les auditeurs qui nous écoutent à Toulouse sur 100 FM. Merci à vous. Les grattez, famille, vous faites des gros bisous. On vous embrasse. Avec gros bisous, chérie. On vous embrasse. Vous allez nous donner de la force quand on se réveille tôt le matin, tout ça. Il faudra nous en donner aussi à nous, attention. Bah ouais, t'inquiète. Dès lundi, c'est reparti pour le morning. Merci Big Flo, merci Oli. Salut. Salut les gars. Ciao. Big Flo et Oli avec nous en direct sur Sky. Hier c'était Serge qui était avec nous. Ouais, c'est ça, ouais. On écoutera Serge d'ailleurs avant minuit, on se fera plaisir. Bon, moi je vous le dis, moi je suis un thug, moi. Alors méfiez-vous. Ah, toi t'es un thug, carrément, quoi. Faut pas déconner. Hein. Bon, on finit avec. C'est la mi-temps pour l'OM. Oui, on finit avec la première mi-temps de l'OM. Alors, c'est la folie, quoi. 1-0, l'OM mène. Alors, je vais te dire une stat qui est marrante. Magnifique. Ah. C'est la première fois depuis le 13 septembre 2015, donc depuis un an, ouais, que l'OM mène un match à domicile. Bravo, bravo. Elle est hallucinante la stat. Ah ouais. Mais le match n'est pas fini. C'est un truc de fou. Ça fait un an qu'on n'avait pas mené au score un match à domicile. Bravo, l'OM. Bravo. Félicitations l'OM. Bravo. Reprise de la deuxième mi-temps, deux buts. Voilà, ouais. Champion, mon frère. Presque. Bon, on suit le match, on suivra la deuxième mi-temps tout à l'heure. Dans un petit quart d'heure, c'est reparti. On était sur le week-end au Bois de Boulogne. Au Bois de Boulogne de Charlie. Donc Charlie, 22 ans, tu vas aller au Bois de Boulogne dès ce soir d'ailleurs, parce que t'en peux plus. Il y a des filles qui ont laissé des messages, Charlie. Il y a Gwen qui nous a laissé un message pour toi. Il dit qu'il a une très jolie voix, il a l'air sympa. Pourquoi il va au Bois de Boulogne et qu'il va pas choisir des vraies meufs? Alors, le problème qu'on a, c'est qu'elle est du 83. 83, c'est Toulon. Ah ouais, c'est un peu loin. Ouais. Et elle voulait une petite description. Pourquoi pas? On peut faire comme sur Smax, hein, pareil. Ah ouais, vas-y. Alors, je fais 1m75, je suis antillais, métisse, je suis clair, et voilà. Mais il est clair. Bah, Marie, il est pas clair ce soir. Non, je viens de te le dire. Ça va, je suis qu'à la 8e bière. Alors, sur les travestis, plusieurs messages que vous nous avez laissés. Alors, il y en a qui n'ont pas laissé leur numéro, mais t'aurais dû laisser ton numéro. C'est PC qui nous a laissé un message sur le 41, non, sur l'appli. Sur l'appli Skyrock. Et PC qui nous dit, moi, je me suis déjà tapé un travelot, c'est comme une femme. Ah ouais, c'est comme avec une grosse bite, quoi. Et des grosses couilles aussi, hein. Ouais, et puis il y a pas de chatte, quoi. Pareil, une grosse voix, une grosse pomme d'Adam. Bah ouais. Il y a Jozo. Jozo de Saint-Étienne, parce qu'on parle du Bois de Boulogne, mais je disais que ça existe dans toute la France. La preuve, regarde, il nous dit, Jozo, je suis allé à Saint-Étienne, il y en a plein des travelots de ouf, j'en ai croisé, elles sont super sales. Ah, mais il y en a plein, ouais. Et elles t'aguichent en te disant, elles t'aguichent en te parlant avec un vieil accent. Salut toi. L'accent de Saint-Étienne. Ça fait rêver. Vengeur, tu veux que je te taille une pipe? Non, ça va bien. Merci, madame. Sexy. Messieurs, dames, messieurs, baby. Alors, on a avec nous Shaina de Roubaix qui a travaillé au Bois de Boulogne. Et donc, je sais pas, peut-être qu'elle vendrait des frites au Bois de Boulogne. Hein. On n'est pas forcément prostituée quand on est au Bois de Boulogne, on va lui demander. Donc, Shaina, travaillait au Bois de Boulogne, et elle va donc pouvoir répondre à toutes les questions que tu te poses sur le Bois de Boulogne. Elle est enseignée. Oui. Salut, Shaina. Salut Diffoul, salut Marie. Salut Shaina, t'as 29 ans toi et t'es à Roubaix dans le Nord. Voilà. Et tu as travaillé au Bois de Boulogne, mais on peut te demander ce que tu faisais au Bois de Boulogne? En fait, c'est pas une fierté, mais je faisais la prostitution. Voilà, salut bébé. Voilà, c'est combien? Salut, c'est Cédric. Et t'as fait ça longtemps? Vous connaissez avec Cédric ou pas? Non. Non. Ça va aller. Non, mais c'est marrant d'avoir une. Ouais, bah ouais. Bon, toi, t'es une vraie femme, t'es pas travestie, toi. Ah non, du tout. Donc, pour répondre à la question de Charlie, il n'y a pas que des travestis au Bois de Boulogne. Ah, ça va alors. Okay, là, il y a des secteurs. Il y a des secteurs. Ah oui, faut dire. Je connais Marie aussi. Comment ça marche? Il y a des secteurs, il y a quoi? Bah, en fait, ce qui est exactement ce qui se passe en prostitution sur Boulogne, c'est que ça se passe beaucoup dans les quartiers. Ça veut dire 16 arrondissements, dans les camions. Après, bon, il faut voir. Donc, c'est vrai que t'as des quartiers, des coins du Bois de Boulogne, coins avec des meufs. Mais après, il faut se méfier beaucoup parce qu'il y a beaucoup de travelots là-bas. Ah, bah, ça oui, ça. La proportion. Le sujet de ce soir. Ça penche plus. Il y a plus de travestis. Il y a beaucoup plus de travelots que des femmes réelles qui font ça. Hey Charlie. Ouais. Ah mais tu vois des fois parce que tu passes au bord de la route et ils se mettent à poil quand tu passes. Ouais, ils ouvrent leur manteau. Bah, c'est même pas ça, c'est que si je peux me permettre, Charlie, choisis la bonne parce que la plupart là-bas, ils sont vraiment des crasseuses à Boulogne. Ah, oh, sympa. Voilà, je voulais dire bonjour à mes copines. Oh, ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté actuellement parce que c'est vraiment, c'est de pire en pire. Mais t'es tombé sur des embrouilles, t'es tombé sur des moments un peu chauds ou alors l'ambiance est plutôt cool? Sincèrement, je suis tombé sur vraiment des gosses super gentils parce que voilà, après il faut être honnête envers les gens, après il faut voir comment ils sont pas wesh-wesh parce que la plupart des gens de Boulogne ils sont wesh-wesh. D'accord. Mais si tu tombes réellement sur des personnes 40, 30 ans ou même ceux de 60 ans, t'as jamais de problème avec eux. Ah ouais. Toi, ouais, parce que bon, avec la canne, quand il si pas s'il veut te voler un truc, il peut pas courir. Mais tu faisais ça où? Dans le bois? Dans une camionnette ou? Ça se fait dans le bois, le plus souvent, c'est dans le bois. Mais contre un arbre? Dans les camions, ou après dans les voitures. Ah ouais, le mec, il t'aguiche, non, c'est toi qui l'aguiche, mais le mec, il t'accoste en bagnole, tu montes dans sa voiture. Ça va, c'est combien? De là, on donne le tarif. S'il voit qu'on est bonne, entre guillemets, comme ils disent, et ben dans ce cas-là, il me dit, bah monte. On prend le paiement avant, on monte et après on fait la prestation. Et c'est combien? Ça dépend. Moi, je tournais à la fellation à 30 euros, fellation embrassée à 50 ou après je faisais... C'est quoi 50? Embrassé. Seul et embrassé avec piercing à la langue. Ah ouais, ça. Ah. Et après, je faisais l'amour pour 70 euros pour une heure. Tu sais quoi, j'aurais du mal à embrasser une meuf moi aussi, qui a sucé d'autres mecs avant. Ah ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, il y a peut-être un goût de bite. Et alors? Entre nous, t'es un mec, il y a une meuf qui vient, qui t'allume. Ouais. Qu'elle fait ça, dis-moi pas que tu vas pas dire non. Non, mais moi, si, je dis non, moi. Cédric, je sais très bien que vous allez dire, bah ouais, vas-y, continue, hein. Cédric, continue. Ah ouais, vas-y, continue. Ouais, ouais, continue, je masturbe. Non, ça va aller, tranquille. Non, ça va, tout se passe bien actuellement. T'as pas l'air à l'aise, Cédric. Si, si, ça ouais, je te sens mal à l'aise. T'as pas l'air bien. Casse-toi. T'es mal à l'aise, pardon, à cause du sujet, là. Et t'as fait ça longtemps, Shaina? Non, j'ai fait ça un an parce que malheureusement, j'étais dans une galère. Ouais. Mais tu as bien gagné ta vie avec ça? Ah, sincèrement, ça tourne bien, ouais. Tu peux avoir entre 500 et 1000 euros quand même dans la journée, hein. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ça dépend après les heures que tu fais. Hein. Ah genre tu peux faire. Bah ouais, 30 000 euros. Tu sais, tu suces 10 bits à 30 euros, ça te fait déjà 300 balles. Ah hein. Oh, Karim, je vois que tu. Ah j'ai fait le calcul, vite fait, bien fait. Je crois que je vais aller me prostituer après, ouais, au bois voilà, ce soir, dépend, je vais aller sucer des tubs. Après tout le monde fait pas les mêmes tarifs que moi. Après il y en a, ils demandent 150 ouais. pour faire l'amour ou 70 la fellation, voilà. Et là t'as tout arrêté, c'est-à-dire que t'es à Roubaix, mais tu fais plus ça, même à Roubaix. Non, je fais encore de temps en temps, mais je fais juste des fellations et fellations. Ouais, comme ça. Histoire de. Et à Roubaix, c'est moins cher ou plus cher? Ça dépend. Ah, Romano, t'as envie aussi. C'est comme le logement, je crois, c'est moins cher. Je reste dans les mêmes tarifs que je donne avant. Ah ouais, tu dois être cher pour Roubaix, non? Non, ah non 30 balles la 30 pipe. Balles la pipe, c'est pas cher. Hein. Après, ah ouais tu sais, putain, je croyais que c'était 10 balles. Non. Maintenant, c'est pas l'argent, parce que l'argent, tu vas le faire cher. Après, il va venir une fois, mais derrière, si tu veux du régulier. Ah, tu fidélises la clientèle. Ah, ils ouais. ont une carte de membre. Ouais. Au bout de 10 pipes, une pipe offerte. Ah, c'est des cadeaux. Non, et puis après, t'as la concurrence, t'as les autres qui cassent les prix. Ouais, non, bah, c'est vrai, ouais. ouais. Et bon. Ouais. Ben en tout cas, Shaina, et dans la vie entre guillemets normale, même si t'as une vie normale aussi. Hein. Ouais. Mais dans la vie normale, tu travailles, tu fais quoi? Alors je travaille sur l'île dans une agence de mannequinat pour des photos en maillot de bain. D'accord. Ah ouais, donc c'était plutôt mignonne avec ton maillot de bain. Maillot de bain. Ah bien. Et ben c'est. Et t'avais un mec quand tu faisais ça. Guifou le Cédric, je vous invite quand vous voulez. Hein. Allez hop, t'as c'est gentil. Mais ramène 30 balles avec moi, bah, j'arrive. Ah bah ça tombe bien, je voulais passer à Lille ce week-end. J'ai 30 euros sur moi. Et Samy te posait une question intéressante. Je vais te chercher directement à la station. Viens chercher Cédric, viens. Ah, ça va pas être déçu. Cédric, il me dirait pas non. Non, il dirait oui. Oui, vas-y. Ah ouais. 300 euros. Vas-y, viens tout de suite. Tu le connais bien. Ouais, Shaina, j'avais une question. Est-ce que quand tu faisais ça ou même sur la fin, t'avais un mec ou? Non, je l'ai toujours fait célibataire parce qu'après les mecs, quand t'as un mec derrière, c'est compliqué. Ouais, déjà, faut qu'il accepte. Ouais, il prend mal des bites et tu vas l'embrasser. Ouais. ouais, c'est vrai que c'est pas super. Bah, c'est gentil en tout cas pour le témoignage, Shaina. Et faites de belles photos. C'est à mon avis, c'est moins dangereux. Et puis bon, si tu vis comme ça, c'est bien en tout cas. On te fait un gros bisou, Shaina. Eh ben, bon courage, Shaina. Bisous, Shaina. Et on va avoir une dédicace de vous. Oui, mais on va même t'envoyer le t-shirt Skyrock, Shaina. On t'envoie ça à la maison. Ah, je veux bien. Si vous voyez une meuf au bois de Boulogne avec un t-shirt Skyrock, c'est Shaina. C'est une vraie fille, hein, on vous le dit. Hein. C'est Shaina. On t'embrasse, Shaina. Ciao. Ciao, bisous. Salut, Shaina. Ciao, ciao. Sinon, tiens, on peut nous dire, on te donne quelques petits conseils pour ce week-end pour toi, ouais. Charlie. Mais fallait les mettre en contact, Charlie et Shaina. Peut-être que 30 balles. Charlie. Via Lyon, Charlie, c'est la capitale du tapin, nous dit Chaud Bouillant. C'est vrai que sur les quais de Saône, qui est du Rhône, il y a pas mal de quais de Seine, non? Non, de Saône. Parce que la Seine ne passe pas à Lyon. Mais la Seine, c'est pas partout? Non. C'est... Ah non, mais... Ah non, il y a quand même des coins de France où ah, ça putain, passe mais je pas, croyais ouais. que la Seine, genre à Lyon, ça s'appelait la Seine, mais c'est la Saône, tu vois. C'est non, quelle Seine? C'est la Saône. Non, tu c'est vois la Saône, oui. Ah. Le fleuve et la Saône, oui. Ah, c'est le fleuve, voilà, moi, je confondais fleuve et Seine. C'est bien. Je crois qu'à Marseille, on se baille dans la Seine. Tu sais que tu es très intelligent, Karim. Tu es presque aussi bête que certains membres de l'équipe que je ne citerai pas. Moi, je vais les citer. Ah, Romano. Non, je me sens pas visé. Bon, tu vas faire quoi alors, Charlie, pour ce week-end? Je vais aller faire un tour, je vais voir un peu. Ça t'engage à rien. Hein? Ça t'engage à rien. Non, mais tu peux faire une visite gratuite. Comment? Profite de la visite gratuite. Ouais. Voilà, rince-toi les yeux. Et si je vois une petite meuf qui ressemble à une meuf, je crois que je vais lui faire salut les filles, c'est combien? Moi, je suis déjà tapé un travelo, nous dit Max sur SMS, mais je m'en fous, personne le sait. Bah, maintenant si. Oui. Ah, bah, là, on est plusieurs à le savoir. Ouais, un peu, ouais. On sait. Bon, et puis sinon, qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end? Faites quoi dans l'équipe ce week-end, Romano? Tu fais quoi? Bonjour, bois de boulot. Ah, bah là, j'ai rien de prévu, ouais. Non, je pense que tu vas sucer ta télé tout le week-end, comme t'as une télé toute neuve qui t'a coûté 699 euros, tu vas l'amortir. Ouais. Ouais, mais je l'utilise modérément. C'est vrai? Il veut pas d'usine. Ouais, j'ai peur de la petite galère. Je sais pas, non, je le sens mal. Non, mais t'es complètement taré. T'as acheté une télé, vas-y, suce là juste. Non, mais je la regarde, mais hein. Elle est garantie, profites-en. Ouais, ouais. En garantie. Plus, t'as 15 jours d'essai, scène-là sa mère. Et dis-leur, elle marche plus, putain, il y a une galère. Il t'en donne. Ouais, non, mais ça va, je vais quand même dormir. Tu sais, je vais pas passer ma vie à regarder la télé. Non, faut que tu la regardes pendant 15 jours. Dites-nous ce que vous faites ce week-end aussi. Tu fais quoi, toi, Marie, ce week-end? Moi, je pars en Avignon, moi. Ah, tu vas voir un festival? Non, parce qu'il est fini, je vais visiter des musées. Non, j'ai l'anniversaire d'une copine demain soir. Oula. Donc je pars pour le T'oublies week-end. Pas qu'on est une émission lundi soir. Oui, non, je sais, t'inquiète pas, c'est je serai rentrée, là. C'est la rentrée, attention. Je serai là. Cédric, t'as prévu? Non, je sais pas. Les putes, je vais voir. Demain, viens, elle est belle, demain, viens avec moi, non? Non, demain soir, j'ai un truc de prévu, je crois, je vais aller voir des potes. T'es des potes au bout de Boulogne. T'es trompé de lettres, ces putes. Non, des potes. C'est pas dire. Samy, tu vas fêter 8h37 la... Marseille demain. Et donc comme tu vas fêter la victoire de l'OM. Ouais, certainement pendant deux jours. D'accord. Non mais tranquille, je vais aller me baigner, je vais aller nager. Pour l'instant l'OM gagne 1-0. Boire des coups au soleil. À 0, t'as raison, t'as bien de la chance. On pensera à toi, Romain. Ouais, c'est ça. Et toi, ouais, bah Avignon, Marie, tu vas te baigner où? Ah non, Marie, tu risques de galérer. Tu vas pas aller à la plage des Masses, hein. Ah, Marie, tu sais. Non mais moi je préfère la mer de Samy. Ah bah la mer, moi aussi. Caler les calanques. Je préfère la mer de Samy. Vas-y, gros. J'avais pas capté ta phrase. On va rester cool. Non mais la mer Méditerranée. Ah, quoi. Ok. Et toi, Karim? Et moi, bah Charlie, je vais garder ton numéro. Je crois demain on va aller faire un petit tour. Hein. Vas-y gros, je t'attends. Soirée prévue. Tu es capable de le faire en plus. Bah, c'est clair. Ouais, Darka, moi j'y vais, y a pas de problème. Bon bah tu nous tiens au courant, Charlie. Raconte-nous un petit peu. Bah, on te reprend la semaine prochaine. Tu nous raconteras ta soirée au Bois de Boulogne. T'inquiète. Vas-y, je dirais. On fait ça. Donc, on aura la soirée de Charlie au Bois de Boulogne. Pas loupé. Salut, Charlie. Vas-y. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock. Salut, Charlie. Ciao, Charlie. Et Tim Romano ce soir. Ah, merci. Ah, non. Clash, je vous l'annonce dans moins d'une heure. Vas-y, les mecs. Ça clash dans moins d'une heure sur Skyrock. Préparez-vous. On le fera avant 11h parce qu'on les a fait tard, les clashs cette semaine. Ah, moi, c'est quand vous voulez que je le prends le vrai. Moi, je vais essayer mon truc sur Romano, là. De quoi donc? Que j'ai découvert pour son rhume. C'est cette merde. Ah, Marie a une solution pour ceux qui sont. Je voudrais tester sur toi. Et celles qui sont enrhumées. Ouais, et ça fonctionne sur d'autres trucs aussi. Vas-y, dis ce que c'est ton truc. Bah, en fait, c'est de l'aluminium. Voilà. Non, en fait, pour les. Alors, c'est assez simple. Tu prends un rouleau d'aluminium et tu le manges. Non, non, c'est même pas après, ça. Tu finis aux urgences, non, mais... hein, et ils te soignent pour toutes les maladies que t'as, y compris l'empoisonnement à l'aluminium. Non, mais je voudrais vérifier le truc parce que j'ai trouvé un truc. Alors, c'est pour plusieurs choses, mais pour les rhumes aussi, en fait, il faut que je t'enroule les pieds. Ouais. Avec 5 ou 7 couches d'aluminium pendant une heure. Voilà. Et normalement, ça va aller mieux. Voilà. C'est complètement allumé, ma peau. Mais écoute, c'est les ravages moi de l'alcool. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Non, mais t'as essayé? Bah, non, j'ai pas essayé, j'ai pas de rhume. C'est donc, de la merde. J'ai essayé sur Romano. Voilà, Romano, t'es cobaye. Ah, bah, c'est super. J'ai mon aluminium. Ah, bah, ouais. Elle est bien, la tata. On fera le test, donc on va t'enrober les pieds dans de l'aluminium. Ah, bah, là, le rêve absolu. Mais t'es toujours enrhumé ou pas? Un peu, ouais. Bon, j'ai une oreille de boucher. Ah, bah, on verra si ça te débouche l'oreille. Bah, attends. Et je pense que oui. Ah, bah, je suis sûr que ça solutionne tous les problèmes du monde. Bah, plusieurs trucs, hein. Donc, on va voir si ça te débouche l'oreille. J'ai la bite, elle va doubler de volume et j'ai les cheveux qui vont repousser. Romano va changer ce soir. Non, on va essayer. Alors, un petit message. Mais oui, bah. Marie, tu es complètement ravagée. Mais message non, mais ça vient de pas Dark de moi. Par l'alcool, ouais. Il y a une tarée sur l'antenne qui nous prévient AlexXXXXX, 17 ans. Elle est complètement galbée, la Marie, ce soir, pour Toche, là. Ah, ouais. Ouais, c'est un site. C'est un site. C'est pas vrai. Drogueetalcool.com. Ils ont des bons conseils. Et non, et sinon, il y a Dark Ripex qui, lui, nous dit un bon punch des Antilles. Un bon punch. Des Antilles et plus de grippe. Il paraît que ça marche. Mais ça, c'est une méthode d'alcoolique. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, mais j'ai bu du vin, mais ça va pas mieux. Et une blague qui déchire, parce qu'on aime bien rigoler. Et c'est vendredi soir, et c'est la dernière radio libre de l'été. Donc, on va en profiter pour rigoler comme des oufs. Je vous le dis, je vous préviens. C'est quoi le caca vert? Le caca vert de Marie qui nous dit Romano a une oreille de boucher et l'autre est charcutier. Ouais, pas mal. On rigole. Ah bah ça je vous ai dit hein. Grosse soirée ce soir sur Skyrock. Et Denise qui s'inquiète, qui nous dit mais vous tournez à quoi dans l'équipe? Le pire c'est qu'à part Marie qui boit de l'alcool, les autres tournent à rien hein. Moi je bois du café là. Ouais, rien, café, coca, Red Bull. Non, et sperme. Et pipe pour certains. Romano. Très bien. C'est parti pour le match de l'OM. 1-0 pour l'OM face à Lorient. On suit le match en direct. Et là c'est parti pour le double appel. Voici le rendez-vous des familles. Allez. Mon téléphone il déconne. Ouais, puis alors, qu'est-ce que je n'en fous que ton téléphone il déconne? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah bah je sais pas moi. Le double appel de Difool sur Skyrock. Depuis lundi, les familles du double appel sont déchaînées. Hier soir, on a eu une dame qui était super, qui a discuté pendant 5 minutes avec Patrick. Ah ouais, t'es en forme. Magnifique, Patrick était en pleine forme. Mais elle aussi, elle a discuté avec des bouts de conversation qu'on a repris dans les On a repris dans les conversations qu'on avait eues avec Patrick. Bien sûr. Et Patrick le pervers. Vas-y. Eh bien, tu fais bien de le dire, Patrick. On va y aller tout de suite. Donc, les numéros qu'on a testés, on va les appeler en direct maintenant. On les met en contact et on voit qu'est-ce qui se passe. Est-ce que t'es prêt, Salut? Ouais, c'est parti. Chez qui on va ce soir? D'ailleurs, si vous avez des numéros que vous voulez qu'on appelle, envoyez. Vous envoyez. Même si on les appelle pas ce soir, on les appellera la semaine prochaine pour la grande rentrée de la Radio Libre lundi soir. Grande rentrée de Skyrock. C'est lundi matin. Chez Yannick et Jean. Allô? Ah. Oui. Comment va? Va bien, et toi? Comment va? Ça va? Bonjour. Nous sommes dans l'impossibilité de vous répondre pour le moment. Oui, allô? Parlez après le long signal sonore. Mais allô? Il y a qui m'a parlé, je sais pas qui c'est. Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Je vais pas mal. Bah, très bien, là, bon. Pas mal. Moi, je suis Patrick, hein. Et toi, t'es qui? Hein? T'es la femme de Bob Marley? Moi, je suis Patrick, hein. Ah oui, c'est Patrick. Je suis Patrick. D'accord. Salut. Oui. Oh là là, je suis un peu perdu, hein. Salut les filles. Hein? Ah, c'est bon, là. Salut les filles. Le caca, c'est bon. Ah ouais, je suis à poil, là. Ah ouais. Le caca, c'est bon, je crois que ça l'a acheté. T'as vu? On met le caca, c'est bon, Cédric. Je crois que c'était l'hôtel. Ah ouais. L'hôtel se barre direct. Bon, on n'a pas pu faire un double appel, vous avez remarqué, parce que. J'avais un joint au bec. C'était du Bob Marley. Ouais, t'entendais derrière. Elle écoutait du Bob Marley au bon tant pis. C'est clair. Donc, double appel. Malheureusement, il faut que les deux familles répondent. Il y en a eu qu'une, mais elle était sympathique quand même avec son Bob Marley derrière. Ouais, je comprends pas tout, là. La dame. C'est Jacques et Stéphane maintenant. Allez, un autre. Allô? Ouais. Aïe. Allô. Salut les filles. Allô. Allô. Oui. Allô. Allô. Allô. C'est quelqu'un? Bah devine. Allô. Oui. Oui, comment vas-tu? Bah ça va. Bah très bien là. À qui, c'est qui au téléphone? Moi, je suis Patrick, hein. Patrick. Ouais, je sais pas. Ouais, je suis à poil, là. Patrick est à poil. Hein? Ouais, je suis à poil, là. Non, mais à qui ai-je affaire? C'est Patrick. Patrick. C'est Patrick. Moi, je suis Patrick, hein. Ouais, moi, je suis Jacques. Salut Jacques. Bah attends, il n'y a aucun problème. Hein? Je suis pas défoncé, non? Mais quel Patrick? C'est Cédric. Patrick, Cédric. C'est Cédric. Je cherche, mais je vois pas. Cédric, ouais. Bonsoir, ça va, bébé? C'est quoi cette histoire, là? Mais c'est qui, Patrick, Cédric? Salut les filles! Non, mais c'est qui au téléphone, là? Patrick. Patrick. C'est Cédric. Cédric. Ok. C'est Cédric. Patrick. Ouais, Patrick. C'est quoi cette histoire, là-haut? Le caca, alors, c'est bon. Moi, je suis celui que vous croyez? Ou vous faites erreur? Ah, c'est bon, là. C'est bon. Ouais, mais moi, c'est moi aussi, mais... C'est bon. Il est en érection ou pas? Pardon? Il est en érection ou pas? Moi, je suis décaloté complètement. Ah, je vais jouir. J'ai vidé mes couilles, là. Et je peux te dire que je vais te baiser, Je suis en train de bander, là. Là, je suis à poil, là. J'ai un petit sec de 21 cm. Oh là, moi il fait 12. Ça va durer 20 minutes. Ah non, je suis pas sûr. Bon, deux, trois nouvelles dans le cul. Bon. Tu disais quoi? Bonne soirée, hein. Ben, deux, trois doigts dans le cul. Deux, trois doigts dans le cul, et puis la soirée sera bonne, t'inquiète pas. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Ah, en plus, oui, oui, ben, je sais, je sais. J'ai vidé mes couilles, là. Oh, oui, ah, oui, oui, oui, il va falloir vider. Elle bave, là, bah, c'est bien, là. T'es en train de te faire baiser ou pas? Ah, ouais, ouais. Bon, eh ben, écoute. Rien compris, là. Ah, bah, je sais pas, c'est Denis-là, moi, j'adore ça. Ah, bah, voilà. Ah, c'est bon, mais il était sympa, le monsieur. Bah, oui, oui, oui. Bon, très sympa. Et bon, c'est bon qui va, ça va lui prendre la nuit, je pense. Ah, ouais, ouais, Patrick, c'est qui? Patrick Cédric. Bon, et on n'a pas réussi à mettre deux familles en contact. Ça arrive parfois dans le double appel, hein, c'est ce qui se passe. C'est en direct, c'est du live, c'est sur Skyrock. Nos belles familles seront de retour, peut-être avant minuit d'ailleurs. Parce ouais. On s'est bien marré, on aimerait bien en mettre deux en contact quand même. Hein. Et, ouais, puis, bah ouais. Et puis les laisser faire, parce que le but du double appel quand même, c'est nous, on s'assied, on est avec notre casque sur les on oreilles. Les écoute. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre voiture, vous êtes au taf, vous êtes n'importe où. Et on écoute ce qui se passe. Ouais, ouais. Et c'est la liberté totale, puisqu'on les laisse s'exprimer et dire des choses très très intéressantes. Vous avez entendu des choses très intéressant dans ce petit coup de fil. T'es en train de te faire baiser ou pas? Par exemple. Merci Patrick. Bah moi je suis à Wolpé là comme d'habitude. Mais tu as bien raison Patrick. Je suis en train de bander là. Ah il parle jeune hein, je suis à Wolpé. Ouais c'est vrai ouais. Patrick à Saint-Jones. Et merci Cédric pour ta part. Magnifique. Ouais, magnifique. Rien. Magnifique Cédric. Ah on a bien rigolé. Hein. Oh bah ça. Bon, et c'est pas fini. Eh ben. Double appel, peut-être avant minuit. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un clash de la drague d'ici une petite demi-heure, même pas. Bah, oui. Quand l'autre, il est prêt, hein. Préparez les méthodes. Toujours prêt, moi. T'es prête? Ouais, moi, je suis prêt. C'est bien. Ah. Et Romano, t'es prête? Ouais, je suis prêt, moi. Prêt. Et dans un gagner. Instant, on aura Karim en direct avec nous. On va le prendre. Il est à Albi. Karim, 14 ans, Albigeois. Ça, ils ouais. D'Albi. Coucou. Salut Karim, comment vas-tu? Salut Karim. Ça va, gros? Écoute, ça va bien. T'as entendu ce beau double appel, sympathique comme tout, hein. Oh oui, il excite. Ah oui, toi aussi ça t'a excité, moi aussi j'en peux plus. Bien hein. Sûr. Truc de fou. Bon, et. J'ai vidé mes couilles là. Et t'entends ça, on n'est pas les seuls à être excités. Merci Patrick. Bon, Karim, on te retrouve. Toi, c'est rapport à la relation que tu as avec ta meuf. Ouais. Eh ben on arrive. Tu bouges ah bah pas. Oui. Reste avec nous, le temps d'écouter Justin Timberlake. On écoutera aussi Drake et DJ Khaled avant minuit. Il y aura du SCH, j'avais promis, du designer, Panda. Et pas que d'ailleurs, mais tout de suite, Can't Stop the Feeling, un des sons de l'été, une découverte Skyrock. Justin Timberlake. Maître Gims fait sa rentrée sur Skyrock. Retrouve-le tous les soirs à 20h dans l'émission rap numéro 1, Planète Rap. Planète Rap. Et gagne tes places toute la journée pour voir Maître Gims en concert Skyrock dans toute la France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. C'est trop bien. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Écoute Skyrock à tout moment. On voit Roulette au 7-20-20 et Skyrock t'envoie sur la tournée de Maître Gims avec 200 places à gagner. Super, merci beaucoup. Skyrock. Premier sur Maître Gims. 65 centimes plus coup d'un SMS. Salut, c'est Mister V. Hey, cet été, ça fout quoi? Ça va louer le gamin, ça va payer des textes, ça va sortir en club, ça va se bourrer la gueule, ouais. Et tu comptais rentrer comment après? Tu comptais conduire? T'es con, Didier, bordel! Non, fais plutôt confiance au poteau Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Comme ça, tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le groupe sur scène. Alors dis merci à Sam. Allez, merci Sam, c'est vraiment sympa. C'est Jaja et Gina. Ouais, c'est Jaja et Ginaz. Le duo du moment présente, on se promet, leur premier album dans les bacs. Jaja, on se promet, Jaja et Ginaz dans les bacs. À la ville, à la campagne, à la mer, à la montagne. Amour au 6-20-70. Faites de nouvelles rencontres par SMS pendant ces vacances. Envoyez Amour, AMOUR au 6-20-70 et accédez à des centaines de profils qui vous correspondent. De nouveaux amis, l'amour de votre vie. Amour au 6-20-70. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Il n'y a pas que les enfants qui ont peur du noir. Quand j'éteins la lumière, il y a une femme. Elle déteste la lumière. Moi aussi, je la vois. Découvrez Dans le noir, le nouveau frisson de James Wan, le réalisateur de Saw et Conjuring. N'éteignez jamais la lumière. Tout le monde a peur dans le noir. C'est de ça qu'elle se nourrit. Dans le noir, maintenant dans les salles. Avec Skyrock. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir.

falloir se lever. Je sais pas dans quel état. Ouais, je pense qu'on va être dans le cul. Soyez là dès 6h pour voir dans quel état on est. On va être dans un cul phénoménal à 6h du matin. Voilà, j'arriverai à 7, moi. Mais non, ça commence à 6h. Cédric, ça commence. Bah oui, Cédric, ça commence à 6h. Ah, t'inquiète, je serai là. Bon, vous êtes là ce soir, ça fait plaisir. Bonjour à Louloute, bonjour au Caca Vert, bonjour à Poto, à Cerveau, à Camille qui vient d'arriver. Salut Silou. Salut le joint du cendrier qui nous écoute. Mais oui, on voit des messages, le joint du cendrier, 15 ans, c'est un vieux joint. Salut à toi, le joint du cendrier, Mister K, qui vient d'arriver. Quel plaisir de pouvoir vous réécouter. Et oui, c'est la rentrée. Vous voyez que ça a du bon, la rentrée. Si vous nous avez quitté pendant les vacances et que vous êtes de retour là, on vous salue. On est content de vous retrouver. Et on revient avec du gros son à écouter aussi ce soir. Avec le grand rendez-vous avec Pamela et les pervers. On les a pas encore écoutés, mais on écoutera les pervers de l'été. Pas de problème. Les tout derniers. Pamela est là. Elle est là depuis le début de l'émission. Mais alors, c'est bizarre. Elle se cache derrière les écrans qu'on a dans le studio. Pourquoi tu te caches derrière les écrans? Il y a toujours un mec au fond. Le mec au fond. Mais c'est Cédric. Tu le connais, il est gentil. Il est gentil, mais il est pas beau. Il est imposant, mais. Il est pas beau, la beauté, ça passe. Oh, qu'il est vilain. Mais viens sur mes genoux. Ah, certainement pas, là. Ah, tu vois, elle se recache derrière. Elle s'était. On va faire un petit câlin. Elle se recache derrière l'écran. Elle veut pas le voir. Voilà. Pourquoi tu te fais filmer par Romain des réseaux sociaux? Je sais pas, il fait des trucs de merde. Pour changer. Avec ta gueule. Bon, toute l'équipe est là. Il fait des trucs de merde. Pamela, Cédric, Lamarie, Samy, qui fond sur son match, toujours 1-0 pour l'OM face à Lorient. Karim qui attend qu'une chose, c'est que Lorient J'attends que ça, bon. Depuis tout à l'heure, on vous tiendra au courant. Et puis, tiens, au programme, je vous disais, du gros son, on aura. Tiens, DJ Khaled, écoutez. C'est bien ça. Avec la voix de Drake. Is it just me? Just me. Is it just me? Just me. Is this sex so good I shouldn't have to... For free, c'est le son que vous avez découvert sur Skyrock, un son qui déchire tout ça. DJ Khaled, écoutez du Jul également. Qu'est-ce qu'on se met de Jul? Jul et Vita, tiens. Ça les dérange. Ça les dérange. C'est bien ça. Jul. Je sais que ça les dérange. Ouais, Pamela. Oui, you. Rien à foutre. Bon, on découvre ça. Il y aura du panda aussi. Ah ouais, panda. Le petit panda, le gros son de panda designer. I get broads in Atlanta, chasing the penis, sipping fun. Credit cards in the scam, wake up beside you, let it sound. Designer, gros son, je m'en lasse pas. Moi non plus. Je vous le dis. Et puis des surprises également, retrouver avant minuit, on a d'autres choses à se passer. Restez bien dans le coin. Jusqu'à minuit, c'est Radio Libre et c'est au 01 53 40 30 20 si vous voulez nous appeler. Vos messages au 41 759, allez-y, faites péter tout ça. Et le skyrock.fm. Le double appel, c'est géré, on essaiera d'en faire un autre avant minuit. Le clash de la drague, ça c'est pas géré et on va y aller dans un instant. Bah, je vais le gérer là. Ah, tu vas gérer le clash. Je vais le plier en deux, bam. Quelle est ta méthode pour plier en deux? Tu veux plier en deux qui? Bah, Cédric. Ça sera pas facile parce que c'est large. C'est clair, ouais. Accroche-toi, mon pote. Ah, bah ça, oui. Tiens, ouvre ton micro, tête de con. Non, mais il a un problème parce que chaque fois que j'appuie dessus, ça soupe pas. Ça alors, c'est bien. Tu préviens la technique? Bah, ouais. Sale botard. Préviens-les, toi. Bah, moi, j'étais pas au courant. Bah non, tu l'es. Ah, mon micro, il fonctionne parfaitement. Aussi, mais... Et c'est l'essentiel pour toi, Romano. Ouais, c'est clair. Quelle est ta méthode pour draguer ce soir? Bah, moi, vu qu'il fait bien chaud, là, je vais proposer une nuit à la belle étoile. Ah ouais. Peut-être la dernière nuit de l'été. Oh. Pour baiser sous les étoiles dans un pré ou. C'est bien, je suis romantique. Soit un parti. Dans un pré, il a dit. Non, mais je pense que si tu baises à la belle étoile, tu te fais bouffer par les moustiques, c'est ton. Ah ouais, c'est clair, tu te fais dévorer, ouais. Dévorer. Donc, la méthode de la nuit à la belle étoile, méthode originale, on l'a jamais faite, celle-ci. Eh ouais. Et toi, Cédric? Et moi, c'est la méthode du routier. Ah ouais, du routier, je passe à côté de chez la famille. Non. J'ai pas de couchette dans le camion et du coup, je vais squatter chez la famille. D'accord. Méthode du routier, d'accord. Ah ouais, je peux pas dormir dans mon camion. Et méthode de la belle étoile. Pas Christophe qui m'a envoyé la méthode par mail. De d'autres. Merci. Ah, je ne savais bien qu'elle était pas de toi, celle-ci. Pourquoi? Merci, Christophe. Parce qu'elle est pas mal. Si, j'ai remixé un petit peu, mais tranquille. Ah bah, elle devait être mieux au départ. Mais écoute, c'est vrai, elle l'a remixé parce que l'ancienne, c'était la mienne, donc bon. T'as remixé un peu, quoi. Ouais. Bon, bah, le clash, on va attaquer j'ai dans un camion. Instant. Moi, j'ai pas de camion. C'est ma méthode. On prend les familles au hasard dans l'annuaire, on les teste et vous devrez les séduire en direct avec nous. Peut-être t'as une gastro, c'est qui a une gastro? Ah, j'étais en train de l'appeler, ouais. Cartman, 21 ans. Ah ouais, ça, c'est pas de bol, ouais. Mais il y a plein de maladies d'hiver qu'il y a maintenant là, c'est bizarre hein. Pourtant il fait super beau, mais je connais plein de gens, ils ont des rhumes. Tu as toi, Romano? Ouais. C'est bah là ça va un peu mieux, mais un rhume des foins. Non mais là c'était un vrai rhume. Je me suis endormi avec la clim comme un connard. Ah, bah, c'est ça, c'est la clim. Un connard. D'ailleurs Marie a une solution pour toi. Il faut que tu te mettes pendant une heure les pieds dans du papier d'aluminium. Non mais ça va mieux, Marie. Tu sais, j'ai pris du Mex, j'ai plus confiance qu'au papier d'alu. Et tu veux pas alors? Non mais vas-y Marie, ça te fait plaisir. Oui. Mettre tes pieds dans de l'alu. Savoir si ça fonctionne. Très bien. C'est bien Marie, fais-lui plaisir. bizarre. Non mais je sais, elle est débile. Oui. Oh, vous êtes détendre. Mais, on est, mais Marie, oui, tu vas pouvoir t'amuser. Voilà. Eh bien. Les méthodes pour se soigner, c'est également dans la Radio Libre et exactement. Ça, c'est super. Ah, bah, et puis celle-là, je pense qu'elle est fameuse. Ouais. Je vous demandais ce que vous alliez faire ce week-end. Moi, je vais passer le dernier week-end avec mon chéri, rencontré en vacances. Comme c'est mignon, c'est Mélanie qui nous envoie le message. 20 ans, Mélanie, elle a fait. Ah ouais, donc tu vas partir de vacances, tu vas le laisser. Marie. Après, tu ah vas ouais, chialer. Là, c'est triste. Tu vas pleurer, je pense. Ah, bah ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Moi, je chialais. Un dernier petit coup avant de partir, quand même. Mais tu chialeras quand même, quoi. Ouais, c'est clair. Le petit coup. Les vacances, ton mec. Avant leur voir, c'est bien. Fibra du 69 qui, à lui, vient de partir pour l'Italie à Ascoli Piceno. C'est la ville où il y a eu le tremblement de terre. Ah ouais, terrible. En Italie, dans le centre de l'Italie, à Ascoli Piceno, pour les funérailles nationales des victimes du tremblement de terre. Je connaissais deux personnes qui ont péri là-bas. Ah, si vous avez vu ça, c'était la ville rasée du. Ah ouais, c'est hallucinant. Ouais. Rasée de la carte, moi, c'est vrai que ça fait bizarre. Ça dure 10 secondes. Enfin, il y a eu plusieurs tremblements de terre, mais le premier. Bah là, il y a eu plein de répliques depuis hier. Il a duré 10 secondes et en 10 secondes, ça te détruit toutes les maisons, tout le petit village qui était joli d'ailleurs. Ouais, bah, c'était. Ouais, ils disaient que c'était vachement visité et tout. Justement, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à savoir combien il peut y avoir de personnes encore. Ouais, sous les pierres et tout. Bon, bah, en tout cas, toutes nos condoléances à tous nos amis italiens. Courage. Et qu'est-ce que vous nous dites d'autre pour ce week-end? Ah, moi, demain, je largue mon mec. Il préfère passer ses soirées à jouer au Pokémon plutôt que rester avec moi. Ah, c'est devenu un geek. C'est devenu un geek de Pokémon Go. Eh ben, c'est bien noté. C'est Belle sur SMS qui nous envoie le message. Salut ma belle. Ce week-end, vous faites quoi? Nous, on va se bourrer la gueule, faut s'hydrater. C'est bien noté. Ah, bah, ça, ouais. Merci Reda. Faut pas oublier de s'hydrater, c'est très bien important. Sûr. Ah, bah, Reda, il va mais se. Mais le disent, en plan canicule, faut s'hydrater. Exactement. Mais pas avec de l'alcool, normalement. Ah, voilà, c'est ce que d'ailleurs, je voulais dire. D'ailleurs, il déconseille l'alcool pendant les canicules. Bah, regarde, j'allais vous le dire. Par exemple, il y a 80% d'eau dedans. Donc, Oui, mais il y a 20% d'alcool. Ah ouais. Bah, moi, je filtre. Je prends que les 20% exactement. D'alcool. Putain, j'ai bu du vin à 17% d'alcool, c'est beaucoup, non? 17 degrés, voilà, je veux ça, dire. Ouais. Ouais, c'est degrés. Ah, ouais, je connais pas grand chose. Ouais, il est un peu fort, ouais. Ça commence à attaquer. Ouais, c'est-à-dire que tu bois deux verres, t'es défoncé, en fait. Ah, peut-être pas deux verres, mais. Bah, moi, si. Bah, ouais. Vrai, je suis pas un alcoolique, hein. Bah, moi non plus, hein. Moi, si. Non, mais ouais. Désolé, monsieur Bédo. Ouais, ouais. Ouais, si. Sous le soleil et tout. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu? La plage demain. Ah, mais dès demain matin jusqu'à demain soir. C'est pour Erwan qui nous laisse. Putain, t'as bien de la chance. Qui nous laisse quoi. Un message. Erwan qui est dans le 44. Est-ce qu'il va faire beau demain sur toute la France? Ça ouais, demain sur toute la France, il fait beau. Ouais, ça ouais continue, demain, la canicule. Ouais. Parce que ce soir sur Paris, il commençait à y avoir un ciel voilé tout pourri, tout blanc. Ouais, je me suis dit, super, les orages arrivent, ça va être tranquille. Non, ils ont, bon, ils peuvent se tromper, hein. Ça arrive régulièrement. Jusqu'à mais là, après, ça va baisser quand même, dans la semaine. Je fais du VTT ce week-end, nous dit Thibaut. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Clem du 83. Moi, je suis arrivé à Fréjus en revenant de Paris. Je suis malade à cause de la clim. Toujours la clim, non, c'est vrai. Hein. Hein. Non, mais souvent, hein. Mais écoutez, moi, la clim, j'aime pas ça non plus. Bah, bon, les avions et tout. Alors, c'est bien pratique quand on fait de la radio, parce que c'est vrai que nous, on est bien ce soir, c'est climatisé, c'est pas mal. Mais c'est le meilleur moyen pour tomber malade. Ouais, mais moi, je la mets pour le chien. Ah oui, c'est vrai que le chien, quand il fait trop chaud, le chien, il fait des malaises, il est tout raide. Ouais, non, mais là, aujourd'hui, par exemple, il a eu très chaud. Ah ouais, mon chien. Il était un peu carpette dans le salon, quoi. Il en a marre. Ah bah ouais, en plus, il est très poilu. Bah, faut lui raser les poils, comme Marie. Ouais, mais là, il a son coiffeur en vacances. Non, moi, j'ai donné une douche à mon chat, ça allait mieux, mais. Elle aussi, il était fatigué. Ouais, elle aussi était dans un état. Ah ouais, ouais. Elle cherche la fraîcheur, quoi. Qu'est-ce que vous nous proposez pour ce week-end? On va à la piscine avec tous mes potes demain matin. Il y a encore Paris Plage à Paris. Matin. Oui, il y a encore Paris Plage. Ouais. Jusqu'à quand, ça d'ailleurs? Début septembre, je crois. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je crois que c'est début septembre. On m'a dit que c'était jusqu'à. Pas de but, l'OM. Il est beau, celui-là. But. Ouais. Deuxième but pour l'OM. Quelle soirée, dis donc. Dingue. Qu'est-ce qu'il va faire, la Panthère ou pas? L'OM. Champion, mon frère. Deux buts pour l'OM au Vélodrome. C'était pas arrivé depuis plus d'un an. Il joue de quand, depuis quand, là, l'OM? Depuis trois matchs. Et ben, ouais. Ah ouais, d'accord. Bah, bon, il était à Lyon, lui. À Lyon et à Saint-Etienne. C'est un ancien Stéphanois. C'est pour ça qu'il joue bien. Ouais. Bravo. Il est passé en Angleterre aussi. Là, il est venu d'Angleterre. Et ben, bravo, Gomis. Ouais. Félicitations. Son premier but à l'OM. Gomis, c'est ses grands cheveux, ses grands. Baffé, Gomis. C'est baffé. Baffé comme ça, hein, Romano. Ah, j'ai bien compris. Gomis. Donc 2-0 pour l'OM face à Lorient en direct du Vélodrome. Putain, on va peut-être gagner un match. Et ça, c'est magnifique. Ah, c'est la folie. On va gagner un match. Mais ça fait combien de temps, ouais? Ah bah à domicile on en a gagné que 1 ou 2 l'année dernière, je crois. Oh putain, mais vous allez voir les Marseillais, s'ils commencent à gagner 2, 3, 4 matchs d'affilée, ça va être la folie, ils vont être là. Alors on est champion. Champion du monde. C'est champion du monde cette année. Les Parisiens, c'est fini les Parisiens. Le jour où on est racheté, ouais, peut-être qu'on Le Qatar, terminé le Qatar. Ouais, c'est les Bouches du Rhône aujourd'hui. Ah, c'est bon de rêver. Hein. Allez, ouais, mais je me balance un petit pastis au fond de la au fond du gosier pour fêter la victoire de l'OM. Petit Janot. Et voilà. Et but de l'OM donc. But de Bafé Gomis. Yes. Bafé Timbi. Comment il s'appelle Bafé Timbi Gomis. Bon. Mais il est vide le stade là. Il est vide. Ouais, ouais on l'a dit tout à l'heure. Ils ont bien fait de le refaire et de l'agrandir. Ouais, c'est ça, t'as vu. c'est vrai. Un bon investissement. Les trucs de ce week-end, on voulait faire un foot avec des potes, mais avec la chaleur, c'est pas sûr. Ah bah ouais, ça je te comprends. Ouais, faire un foot avec les potes, c'est Barnet qui nous laisse le message. Salut à toi, Barnet, du 92. Ouais, petit foot, ça va être compliqué. Moi, je vais me branler en pensant à la victoire de Romano de ce soir. Ah. Clément. Bah, j'espère te l'offrir. Il a pas encore gagné, c'est pas fait. Pas sûr, rien n'est joué encore. Bah, il va falloir voter Romano, comme ça on le pile, on n'en parle plus. C'est pas fait, c'est pas fait. Moi, demain, je m'achète un chien. Ah, tu vas t'acheter un chien pour démarrer la rentrée. C'est les bonnes résolutions pour la rentrée. C'est pas mal, ça. C'est super. Ouais, non, mais c'est bien. Ouais, ouais, c'est cool. Mais moi, je sais qu'après celui-là, on n'en aura plus. Chacal 42. Oh, ben il est encore là pendant un petit moment, il va tous nous enterrer, Romano, tu le sais, je te le dis tous les jours. Chacal 42, ouais, j'espère 20 ans, pas quand même. Hein. Qui nous dit. Écoutez, ce salaud, il veut que son chien il meure. Ah non, mais logiquement, je préfère qu'il meure avant moi. Sinon, oui, ça serait plus logique. C'est méchant, ça. Bah non, c'est pas méchant, c'est la vie. Souhaiter la mort de quelqu'un comme ça, bah ça me. Non, mais je souhaite pas de mourir, bien entendu. En plus, son chien, en plus. Ah, puis c'est l'horreur du père d'un animal. Ah, bah voilà, t'entends ce qu'a dit la Marie. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que nous disait Chacal du 42? Ah oui, lui, il travaille demain, il se réveille à 4h30. Je sais pas ce que tu fais, Chacal, bon courage. Tournoi de foot demain pour Maël, moi je vais putain, crever. Il allait crever de chaud. C'est ce qu'il me dit, ouais, je vais crever, mort de rire. Je rentre de Salou en Espagne. Ouais. Après 3 semaines de vacances demain, tu nous écoutes à Salou. Eh ben, bon retour. Salou, ouais, bon retour, ouais. Bon, Salou, ouais, t'as une semaine de vacances de plus que nous, toi. Armor du 22 des Côtes d'Armor qui me dit, moi je finis mon job de saisonnier demain 19h, donc après t'es en vacances au moins pendant tout un week-end, c'est bien. On va pêcher la palourde avec ma chérie. C'est Warrior qui va pêcher la palourde. La palourde, tu sais ce que c'est, Karim? C'est le sud-ouest, à mon avis. C'est un poisson. Non. Alors, non. Tu penses que la laissez-le trouver. Tu penses que la palourde est un poisson? Un poisson de quelle tête il a, le poisson? En tout cas, elle doit être palourde. C'est un poisson léger. Alors là, on va faire le test ultime. Est-ce que tu es plus con ou moins con que Cédric? Cédric, ah ouais, c'est quoi la palourde? Il est en train de regarder sur Google. Sur Google. Attends, même pas. Il regarde sur Google. Mais même pas, je suis sur les familles. Ouais, c'est ça. Il a changé derrière, il y a quoi? Regarde, tiens, derrière, le truc de l'Europe, la carte de l'Europe. Ouais, genre, il l'a enlevé. Ah ouais, il y avait avec le drapeau de l'Allemagne. Ouais, mais t'es bizarre, gros. Ouais, c'est pas trop. Mais tu vas sur la carte de l'Europe. Je sais pas, c'est quoi ce drapeau? Ah, ce que je veux, on parlait de l'Europe, c'est pour ça. Quand? Il y a 2 jours. Ah bah, Cédric, en fait, a le cerveau qui marche avec 2 jours de retard. Ah non, parce que j'avais ouvert une page. Vous lui posez une question, c'est comme si lundi matin, on vous appelle pour les 1500 euros, je sais pas, par exemple, à 6h30. On appelle pour les 1500 euros et vous nous répondez 2 jours après. Eh ben, je peux vous dire, vous gagnerez pas. Tiens, là, il t'a enlevé à l'instant. Faut répondre vite. Non, je suis en train de checker pour les familles. Alors, une palourde, c'est quoi, Cédric? Non, mais Karim, il a dit un poisson, il a proposé quelque chose. Parce que c'est dans l'eau, c'est pas des coquillages. C'est des coquillages. Quoi, c'est un coquillage, oui. Ouais, c'est un coquillage. Ouais, bref, bravo, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, bon, Karim, t'es plus con que Cédric. Merde, sur le merde. Désolé de t'annoncer ça. Tiens, il y a un boucher qui travaille tout le week-end. Il travaille demain matin 6h jusqu'à 19h. Et au moins, tu seras au frais. Plains-toi pas. Bah, il faut espérer que ce soit climatisé, ouais. Momo, lui, il a demain un mariage en Gironde et il va faire 37 degrés. Ça va être l'horreur. Putain. Ah, ouais, ouais. Ouais, week-end. À la maison, enfermé dans ma chambre, dans le noir. C'est là où il fait le moins chaud. Ah bah c'est sympa. Non mais c'est vrai, il faut vivre les volets fermés. Hein. C'est Mister Pige. C'est vrai, ouais. Mister Pige qui nous laisse le message. Moi aussi, je vis dans le noir. Hein. Mais c'est glauque. Tu vis dans le noir. Je vis dans le noir. J'ai pas de lumière. T'as pas de lumière? Bah non, la journée je la mets pas, non, parce que ça chauffe. La lumière ça chauffe. Mais ça chauffe moins maintenant les lampes. Non, non, tu rigoles. Attends, non, ça chauffe. Ouais. Ça chauffe. Ah donc tu vis dans le noir. Et après t'as chaud. Non mais la journée, ouais, je ferme les volets, j'ouvre les fenêtres. Ouais, pareil que toi. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire pour avoir moins chaud. Non mais sinon laisse tomber, moi j'ai le soleil l'après-midi. Bah, c'est 50 sinon. Ouais. C'est pas possible. Et Mina, elle a 23 ans et elle nous dit, moi ce week-end je suis en Californie. Ah oh, bah ça va tranquille. Oh, ouais, et d'ailleurs dimanche à 21h j'écouterai la reprise du morning avec nos 9h de décalage. Ah, c'est ah, bon. Bah, ouais. Ah oui, en fait le morning il est à l'heure de la radio libre chez c'est toi. Ça. Ah c'est marrant ça ouais. Donc on t'attend donc à 21h heure de Los Angeles, l'heure de la Californie et 6h du matin à Paris. Pour le morning. Et pour les 1500 euros, je vous rappelle, vous envoyez 1500 au 7-20-20 si vous voulez gagner des sous. C'est pour augmenter vos chances de gagner. Qui sera le premier ou qui sera la première gagnante de cette année? On découvrira ça lundi entre 6h et 9h. Ouais. Dans le tout nouveau morning dès lundi matin. On a Karim Dalbi avec nous et juste après on attaque le clash. On a vos méthodes. Déjà, on fera le clash dans 5 minutes. Le temps d'écouter Jules et Vita, tiens, par exemple. Ouais. Salut Karim. Re-salut Karim. Salut Karim. J'ai un camion pizza au feu de bois sans Land Provence, je meurs. Mon pauvre Jérémy. Laisse tomber. Ce week-end, camping avec ma femme et ma fille dans la Somme. C'est pour Alex, 22 ans dans le Nord. Pas mal. Romano a pris l'habitude de vivre dans le noir avec la gothique, nous dit Armor. C'est vrai? Mais non, mais moi je suis moi, dans le noir, tu sais, je ferme pas complètement, il y a quand même un peu de lumière, mais je vis dans la pénombre. Et bah ouais. Dans la pénombre. Et même qui nous écoute en direct d'Amamet, il fait moins chaud à Amamet qu'à Paris. Non, mais c'est vrai. Possible, mais sur la Côte d'Azur, il fait moins chaud qu'à Paris. Hein. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Bon, il fait chaud à Albi, oui, j'ai vu qu'il faisait chaud dans le sud-ouest aussi, hein, Karim. Un truc de fou chez toi aussi? Ah ouais, je suis dans mon lit, je bouge pas, moi. Ah, toi, t'sais, ce week-end, tu fais quoi? Puisqu'on parlait de ce qu'on faisait ce week-end, tu fais quoi, toi? Ah, je vais me branler. Oui. Ouais, classique. Je vais dormir. Oui. Après s'être branlé, on dort. Branler. Et te rebranler. Voilà. Très bien. Et voilà. Parfait, Karim. Donc, un week-end bien chargé et bien déchargé, surtout. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi? C'est une histoire de couple, hein, que tu voulais nous raconter, toi et ta meuf, je crois. Ouais. Eh ben, genre, ça fait bien dans 5-6 jours, je sais plus, là. Ça va faire 6 mois que je suis avec ma meuf, mais je veux la quitter, ah, en fait. Ah, tu veux là? Acquitté. Bah, ah bah, je crois que c'était pour un cadeau, moi. Bonne rentrée. Ah bah c'est super cadeau. Oui. Non mais c'est vrai que la rentrée, c'est souvent la rentrée, c'est comme la bonne année, tout ça. C'est des moments où on décide parfois de changer sa vie. Moi j'ai un ami personnel qui, par exemple, a changé de vie le jour où il est sorti le 1er janvier avec une meuf. Ouais, c'est vrai. La gothique. Ah ouais, c'est vrai en plus. Et là ta vie a changé pendant 3 ans et demi. Tout a basculé. Eh ouais. Tout a basculé, l'amour. J'ai perdu mes cheveux, les dents pourries. Une super vie, quoi. C'est génial. C'est vrai que tout est arrivé super en même effet. Temps. Hein. Ouais, ouais, avec elle, ouais. Et donc, toi, t'as même vachement réussi. Hein. T'as décidé de ça parce que tu t'es dit, c'est la rentrée, je suis plus vraiment amoureux d'elle et il faut que je prenne des décisions et hop. Ou alors, tu l'as fait cocu cet été. Un peu de. Donc, tu l'as fait cocu cet été, donc t'as décidé de redémarrer l'année différemment. Sans elle. Ouais. Bah, t'en avais déjà marre si tu l'as fait cocu. Mais elle est super amoureuse ou alors c'est comme toi, elle en a un peu rien à battre de toi? Non, franchement, elle est tarpin amoureuse. Ah, tarpin amoureuse, ça veut dire qu'elle est très très amoureuse, ouais, à Albi. Ça, c'est toujours plus chiant. Ah bah, t'es dans la merde. Non, mais faut le faire gentiment, non? Merci, Romano. Non, mais il a raison. Non, mais ouais, non, mais. C'est tout simple quand les deux sont d'accord. Non, mais puis que tu lui dises n'importe comment, la meuf, elle va chialer, obligée, de toute façon. Si tu le fais gentiment. Même le plus gentiment du monde. Quoi qu'il arrive, tu te fais larguer, bon, ça te fait jamais... Évite de lui dire que tu l'as trompé, parce que là, ça va être l'horreur. Ouais, t'es pas obligé de lui dire ça, ouais. Oui, voilà, passe les détails. Oui. Ça t'évite. Ouais. Mais de toute façon, elle va morfler, c'est forcé. Si ah, elle ça, est elle va morfler. Mais, son souvenir, elle de sa rentrée 2016. Que... Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'elle a, tu lui as envoyé des signes? T'aurais dû commencer à être distant déjà, ouais. Ouais, j'ai déjà commencé. Genre, des fois, je lui parle pas pendant 3 jours. Et là, elle t'appelle, elle te dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ouais, genre elle m'appelle, tout à l'heure elle m'appelle, j'étais en voiture, elle m'a appelé 20 fois, et genre je l'ai bloqué son numéro et tout. Ça y est, c'est fait déjà. Ouais, non, je pense qu'elle commence bien à la comprendre là, ouais. Ah ouais, elle a capté. T'es en train de la préparer, ouais, c'est non, bien. Mais c'est pas cool, elle doit morfler. C'est bien, tu la prépares en plus soft, quoi. Non, mais il vaut mieux que tu lui dises directement, elle est en train de se poser des questions, c'est l'horreur. Si tu devais être largué, t'es vrai qu'il te le dise comment? Avec sa bouche. Si oui, bah, il va pas te le dire avec son cul, Marie. Ah, pourquoi pas? Bah, ça pue après. Non, mais je préférerais, chose que je ne fais pas, qu'il me le dise directement. Pas qu'il me laisse galérer. Ouais, que ce soit cache, quoi. Ce que moi je fais. Tu veux faire quoi, toi, Karim? Là, franchement, je sais pas. Justement, je vous appelle pour ça, pour des conseils. Non, mais il faut lui dire. Ouais, il faut lui dire. Faut être le plus franc. Ouais, mais un peu lâche, quoi. Alors, je l'appelle, je lui dis, enfin, en face d'elle, je lui dis, je sais pas. Tu la respectes, c'est mieux, quoi. Tu la respectes, tu l'aimes bien, tu. Ouais, je la respecte, je l'aime bien en amitié, mais après par l'amour. D'accord. Quoi. Donc il faut faire un truc sympa. Je suis d'accord avec Romano, faut lui dire en face. Ouais, c'est mieux que par SMS. Elle peut mal le prendre. Bah ouais. Tu voulais pas le faire par SMS. Fais un FaceTime, gros. Je sais pas, moi je m'en bats les couilles. Oh, oui, non, mais c'est pas bien. Imagine que toi tu sois amoureux. Okay, ça t'arrivera peut-être un jour, hein. La vie est longue, hein. Tu es amoureux d'une meuf, puis la meuf elle en a assez de toi et elle te fait galérer ou elle te le dit pas bien. Bon, au final, le résultat est le même, t'es largué dans les deux cas. C'est mais faut quand même mieux que ça se passe de manière soft, c'est plus gentil. C'est un peu propre. Ça sert à rien de faire du mal aux gens, surtout si on les aime un peu quand même. Bah, déjà, ouais, tu vas lui faire du mal. Je suis romantique en cette fin d'été, je trouve. Un truc de ouf, ouais. Non, mais bon, vous avez quand même passé 6 mois ensemble, et c'est mieux d'y dire en face. Le pire étant le SMS. Après, bon, si t'as pas de courage, tu l'appelles. Le pire, c'est que tu donnes pas de nouvelles. Le numéro et tout ça. Ouais, il y a ça aussi. Et le pire, ouais, tu donnes pas de nouvelles. Comme ça, elle se fait. Elle se fait toute seule. Ouais, ouais. Ah non, la pauvre. Moi, je dirais en face. Parce que j'ai des couilles petites, mais j'ai des couilles. Moi aussi, Karim, je dirais en face. Donc, essaye de. Je sais pas. Ah, c'est le meilleur truc. T'as prévu de la voir? T'as prévu des trucs avec elle ou pas? Non, elle est dans ma classe l'année prochaine. Ah oui, en plus, donc raison de plus pour que ça se passe bien. Putain. Mais il lui invente pas des mythos du style je suis pas assez bien pour toi et tout ça, parce que ça c'est l'or. Ah bah ça tâche, ouais. C'est pas mal ça, Marie. Non, mais sinon, tu lui dis cet été j'ai eu un déclic, je me suis rendu compte que mes sentiments n'étaient pas les mêmes que les tiens. Ouais, voilà. Voilà. Je vais pas te rendre malheureux. Bien, comme ça, je vais dire t'as été cocu. Non, ne lui dis pas ça, t'es con ou quoi. Bah, dis-lui ça si tu veux. Mais non. Il rigole, Marie. T'as rien fait. Il rigole, Marie, à bout de nerfs. Direct, tu sais, moi je cours. Excuse-moi. Non, mais tu lui dis, ouais, tu lui dis gentiment. Mais le truc, je suis trop bien pour toi, c'est un truc à la cour, mais c'est pas mal. Hein. Tu sais, tu peux lui dire, moi je suis ouais, pas prêt. Ouais, mais c'est quand même une excuse de merde. Ouais. Non, mais je te dis, je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour, ça va trop vite, donner, pour te donner tout l'amour que tu me demandes. Ça va trop vite mieux. Entre ouais, nous. Et je dois me concentrer sur les études. Voilà. Ça, c'est bien aussi. Parce que mes parents, ils commencent à s'énerver. Voilà, ça, c'est super. Mais si tu dis que je me concentre sur les études, pour elle, c'est une blague. Ouais. Ah non, mais justement, avant, c'était une blague, là, t'as envie d'être sérieux. Ouais, tu dis, je vais essayer. Tu te concentres sur les études? Non, je vais essayer, tu peux dire. Essayer, ouais. Je vais essayer de me concentrer sur les études. Mais voilà. Vous êtes dans le même bahut? Bah oui. Ouais, même classe. Ah merde. Entendu? Même classe. Tourne. Non, les sourds. Oh la merde. Subouré, non, subouré. J'avais pas entendu. Hein. Ah, oui. Alors, ah ouais, non, là, pourrais savoir pourquoi il appelle ce monsieur Hakim? Il y a un problème, c'est Karim. La rentrée, ça va être chaud. Oui, c'est Karim. Tu règles ça avant. Ouais, je pense que c'est mieux de régler ça avant, parce que si tu vois. Bah voilà demain, puis voilà. Demain ou dimanche, ouais. Oui, quoi, non, oui, non, bah, t'as le week-end. Non, demain, absolument. Bon, Romano, il veut demain. Mais moi, pourquoi tu fais pas le mort directement? C'est pas bien. Mais de toute façon, tu vas pas pouvoir faire le mort longtemps, hein, parce que, ouais. Elle est dans sa classe, en plus. Dans moins d'une semaine, tu vas l'avoir retrouvé, donc. Ouais, donc c'est de la merde, ton idée. Ouais, excuse-moi de te le dire aussi brutalement. Et décidément, c'est de donner des idées à la palme du con. Fais gaffe, Cédric, tu te fais détrôner par. Putain, je vois ça, ah ouais, fais gaffe, gros. Voilà, vous avez raison, il faut être gentil. Faut lui dire face à face. Il y a Florentin qui pense le contraire. Si tu lui dis que tu la trompes, alors dans ce cas-là, ne lui dis pas en face, tu risques de te prendre une tarte dans la gueule. Mais ça, il faut pas lui dire qu'elle a été cocu, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est lui faire du mal pour rien. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu te fais chier avec elle, mort de rire. Message de Abdou du 63, 24 ans. Salut à toi, Abdou. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre sur cette histoire? C'est horrible de se faire larguer. Autant essayer de le faire proprement. Je te dis ça parce que j'ai souffert cet été. Angela qui nous laisse un message qui a souffert cet été. Non, mais il faut que tu lui dises, voilà, il faut que tu lui dises que tu la respectes et que tu préfères arrêter la relation, ça sert à rien. Oula, par contre là, t'arrives à finir ta phrase ou pas? Non, mais elle a fini sa phrase, heureusement. C'est pas con. J'ai cru qu'il n'y arriverait jamais. Non, mais voilà, essaye de faire ça proprement, Abdel, et puis bah, bon courage à toi, parce que c'est jamais très drôle de larguer, mais c'est encore moins drôle de se faire larguer, donc surtout bon courage à elle. La pauvre. Voilà, et puis bon week-end de branlette. T'interromps ton week-end de branlette au lit. Oui, histoire de l'avoir, histoire de l'avoir un peu, et pour ne pas craquer, fais-le juste après t'être branlé, c'est vrai. ouais. En y pensant pas bien comme ça là. Bon, bon courage, Karim, merci à toi. Du full. Oui. Je peux passer une dédicace. Allez, vas-y, fais péter la dédicace dans un instant. On aura Cartman avec nous et on lance le clash de la drague de ce soir. Allez, les deux beaux gosses. Moi, je suis prêt. Dédicace à Yacine, Ruben et vous tous. Eh ben, écoute, c'est gentil. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison et puis bon courage pour le largage. Hein. Merci. Salut. Salut Karim. Ciao Karim. Et dans un instant, le clash de la drague avec les deux méthodes que vous avez entendues. La méthode du routier qui n'a pas de cabine qui n'a pas de couchette et il est bien embêté, Cédric. Hein. Je vais squatter chez les femmes. Et la méthode du clair de lune. La nuit à la belle étoile. Et de la belle étoile. Et j'espère qu'elle aura une belle lune, la femme. Claire de lune, belle étoile, romantisme. Taper dans la lune à la belle étoile. Romantisme à 100% et le romantisme atteindra son maximum dans la soirée. C'est promis, puisque Pamela viendra nous rendre visite et on vous présentera les pervers qu'on a chopés sur le net, sur tous les réseaux. Ils sont là pour toi, Pamela, ils débarquent. J'espère bien, je suis là pour vous, mes amours. Et la question qu'on se pose, arrivera-t-elle à séduire ce soir? Eh bien, on verra ça d'ici la fin de l'émission, avant minuit, c'est promis. Et puis tout de suite, c'est Jules et Vita qu'on écoute sur Sky, ça les dérange. Salut, c'est Mister V. Cet été, ça fout quoi? Ça va louer le gamin, ça va payer des tailles, ça va sortir en club, ça va se bourrer la gueule, ouais. Et tu comptais rentrer comment après? Tu comptais conduire? T'es con, Didier, bordel! Non, fais plutôt confiance au poteau Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Comme ça, tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le groupe sur scène. Alors dis merci à Sam. Allez, merci Sam, c'est vraiment sympa. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur.

seulement sur Skyrock. Et ouais, Radio Libre en direct, dernier Radio Libre de l'été. Profitez-en en direct avec nous. Je vois que vous en profitez. Vous êtes tous là, ça fait plaisir. Allez-y, oui. Profitez. Bonjour à Naïvo, à Forza Valley qui vient d'arriver. Bonjour à FDLB. Salut à Silou. Salut à ceux qui sont encore en vacances, sur vacances jusqu'à mercredi. Eh ben, profite bien jusqu'à mercredi. Sifour les plages. Allez. C'est où Sifour? Pas très loin de Marseille. Très bien. Ouais, ouais, c'est dans le sud. Ouais. Dans le Var, ouais. Salut Sifour. Salut Sifour les plages. Et salut Syl qui nous a laissé le message de Sifour. Salut à toi, profite bien. Du gros soir retrouvé. Drake sera le prochain. Drake avec DJ Khaled qu'on retrouvera tout à l'heure avant 11h. Et avant 11h, on aura droit à notre beau clash de la drague. D'ailleurs, on va attaquer tout de suite. Il est 22h33. Si Cédric est prêt. T'es prêt? Je suis toujours prêt, moi. Allez, c'est parti, on y va. Toujours ma gueule. Allez, on y va, oui. Attention, attention. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Et il y a des bouchons, on nous dit là ce soir. Vous nous écoutez dans les bouchons. Ouais, bah, écoutez, et demain aussi, déjà, c'est rouge. Ah bah bon courage, branchez-vous sur Skyrock. Comme ça, ça passe plus vite, c'est plus sympa. Alors, le clash de ce soir, on a les deux méthodes. Cédric, tu nous as donné ta magnifique méthode du routier. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ça. Voilà. Putain, t'es complètement con. Ah ouais, mais là, mais ça appuie sur le bouton. Voilà, on a tous un bouton devant nous pour ouvrir le micro. Regardez, je le ferme. Voilà. Non, on n'entend plus là. Je l'ouvre comme ça. Moi, ça marche très bien. J'ouvre. Ah, moi aussi. J'ouvre. Ah, ça marche très bien. Voilà, il n'y a que Cédric. Wallah! Wallah, il marche pas. Vas-y, bah, appuie ça là. Ça marche pas. Ça marche une fois sur 12. Donc, ta méthode du routier. Et c'est Romano, ça. C'est ta méthode de l'amour à la belle étoile. Ouais, c'est ça, je lui tape dans la lune à la belle étoile. Et on va voir qui aura la meilleure méthode, qui va arriver à séduire et qui va gagner ce dernier clash de la Radio Libre de l'été. C'est le tout dernier avant la grande rentrée de Sky, lundi, grande rentrée dès 6h avec nous dans le morning. Et 1500 euros à gagner toutes les demi-heures pour vous. J'ai préparé une couverture pour mettre sur l'herbe dans le pré. Ah, tu fais pas directement l'amour sur l'herbe? Ah non, non, ça pique. Ça pique. C'est romantique pourtant, ça. Ah non, mais ah non, ouais. Ça pique et puis il y a des bêtes qui te courent dessus. C'est l'air. Ouais, dégueulasse. Fais ça dans une fourmilière, tu vas voir. Ah. Bon, on appelle en direct des familles, on espère qu'elles sont pas parties en week-end ou qu'elles sont revenues de vacances. Et que Cédric n'a pas la loose. Et que Cédric n'a pas la loose. C'est pour toi d'ailleurs, Cédric, le premier coup de fil. Ouais, ce soir. Ça. Et on va chez qui, Samy? On va chez Loïc. Chez Loïc. Et prépare-en tout de suite un autre parce que Loïc, on en est à la sixième sauderie. Sur la boîte vocale. Et je l'avais senti, on est sur la boîte vocale de Loïc. Un autre pour Cédric. Qui, Arnaud? Ouais. Allez, c'est parti chez Arnaud. Monsieur le routier, Cédric, prépare-toi. Allez, le routier. Allez. Cédric, t'as l'air d'avoir du mal encore ce soir. C'est quoi ça? C'est le klaxon de Cédric. Ah, il est super. Bienvenue sur la boîte vocale. Eh ben moi, j'aurai un type qui arrive avec un klaxon pareil, c'est clair. Je lui envoie la boîte vocale dans la gueule. Ça fait un peu... Ouais, pareil, Jackie. Allô? Allô, on est chez qui? Eric. Allô, Eric? Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? Eh ben, je me présente, je m'appelle Michel et en fait, je suis routier. Ce soir, j'ai pas d'endroit où squatter pour dormir. Ouais. Je te connais pas, salut, au revoir. Non mais je suis juste à côté de chez toi, on pourrait faire connaissance au moins. Salut. Bah attends, raccroche pas Eric. Eh bien si. Ah oh, putain. Non mais c'est bien, au moins on perd pas de temps. Romano, à toi. Allez, c'est reparti, on y va. Aucun commentaire, de toute façon il y a rien à commenter. Oh, on pourrait faire des petits commentaires. Un désastre. On va pas être désagréable. C'est un désastre. Ne te la raconte pas trop. Attention, c'est parti. On y va pour le coup de fil de Romano. Gigi. Après le magnifique coup de fil de Cédric. Franchement, une démo une fois de plus. 10 secondes, géré. Tu te la racontes, c'est abusé, gros. Non, je me la raconte pas. Ah bon. Si, tu te la pètes. Il y a Tampax qui nous dit t'as la loose, Cédric, sur le coup. Tampax des Côtes d'Armor. Allô? Oui. Allô? Ouais, oui, c'est. Ça, ouais. Allô? Ouais, Gilles? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va. Ça va, ça va. Et ta petite femme, toujours aussi mignonne? Ouais, c'est, je reconnais pas qui c'est, mais. Moi, c'est Jean-Louis à l'appareil. Là, vu que ce soir il fait bien chaud, là, je me suis dit, tiens, je vais t'appeler, je vais t'emprunter ta femme pour la nuit. On va aller faire l'amour à la belle étoile. Qui c'est, Jean-Louis? Jean-Louis, ouais. Jean-Luc David, le coiffeur. Ah, je connais pas. Bah, je peux passer à la maison, de toute façon. Ouais. Ouais. Je passe à la maison, éventuellement, tu me la suces. La bite. Allô? Ah, excuse-moi, ah, Romano. Excuse-moi. Je suis désolé. Oh, pas faire commentaire. Attends, c'est toujours mieux que toi, gros. Je suis invité à aller à la maison. Hein. T'as rien invité du tout. On est en plein dans le clash et le match de l'OM vient de se terminer. Alors, miracle. Ah ouais, l'OM a gagné à 2-0. Bravo! 2-0. Alors, vous voulez me tracer? claquer. Ben non, ce soir c'est bah, pas possible. Bah, pas. Champion l'OM, ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Putain. Une victoire par 2-0 à domicile. C'est clair, de fait. Je m'en souviens même pas. Bah, dites-nous, tiens, si vous êtes des spécialistes de l'OM, dites-nous depuis quand l'OM n'avait pas gagné 2-0 à domicile. Ça fait plus d'un an. Un an, bah ça fait un an. Un an. Ouais, ouais. Un an. Bah, bravo l'OM. Félicitations, victoire de l'OM, nous dit Raph du 71. Vive l'OM, wesh l'OM aussi également, les messages qui défilent. Wesh soutient la crime qui nous dit ouais, l'OM. Ouais. C'est bien noté. Romano, Difouli, t'as niqué ton appel, mort ouais, de rire, nous dit le prisonnier. Je vais prendre un rappel. Tu veux le rappel tout de suite? Bah ouais, allez, je parle pas de demain. Hein. Non, mais c'est quand je demande. Trop bien, parce que demain on n'est pas là. Donc, je vais prendre ma demain on prépare. Comment c'est quoi le prénom? Gilles. Gilles, ouais. Gilles, tu rappelles Gilles, celui qu'on vient d'avoir là. Ouais. Que t'avais presque serré là. Bah, il m'a invité, presque maintenant j'aimerais conclure aussi, sexuellement. Toi. Oui. Allô Gilles? Ah putain. Ah bah dis donc. En plus, j'ai niqué un rappel. Un rappel dans le cul. Cédric, à toi, on fait un deuxième tour. Allez, ouais, parce vas-y. Que moi, t'as rien fait au premier. Ouais, exactement. T'as rien fait non plus. Non, mais j'ai eu une invitation. Bah, arrête de mentir. Bah, si, bah, le mec, bah, il l'a dit. C'est pas grave, Cédric, sois honnête. Il y a rien. Il y a eu une invitation. Après, allô ça va allô, pas plus c'est loin. Qui allô. Allô, bonsoir, Jacques, il est là. Oui, c'est, oui. C'est de la part de Michel, le routier. Tu dis que je suis garé juste à côté, s'il te plaît. Oui. Merci. Là, c'est pour toi. De la part de Michel, le routier. Oui. Allô. Ouais Jacques, comment ça va? Oui, ça va. Ah ben nickel, dis-moi, je t'appelle parce que je suis garé juste à côté. Et le problème que j'ai ce soir, c'est que j'ai pas de couchette dans mon camion. Ils m'ont filé un camion sans couchette. Donc du coup, je voulais squatter un petit peu chez toi. Mais vous êtes qui? Bah, je suis Michel le routier. Ben oui, ben c'est bien pour vous. Moi je connais un peu ta femme, hein. J'ai déjà vu deux trois fois. Oui, ben moi aussi. Bah écoute, génial, ben, on pourrait faire connaissance toi et moi alors. Oui. Bah écoute, ce que je fais, c'est que je viens sonner à ta porte dans deux trois minutes. Et puis ben, à la limite, on fera un petit truc ensemble. Oui, ben on verra tout à l'heure. Ah ben génial, j'arrive dans 3 minutes, dis à ta femme de se préparer. Je vais lui faire l'amour ce soir. Hein. Oui. Je suis chaud, hein. La route ça m'a surexcité. A tout de suite. Et voilà. C'est pas mal, c'est pas et mal. Voilà. C'est pas mal du tout. Hein. Ah. Là, ils aident pas mal hein, aujourd'hui. Hein. Franchement, ouais. Ouais. On peut faire mieux. Romano, essaye de faire mieux tout de suite. À toi, ton deuxième coup de fil. Allez, vas-y. Tu veux pas de rappel, Cédric hein. Chez Aurélien. Oh, non, ça va, tranquille. T'es sûr, pourquoi tu veux pas de rappel? Bah, les rappels, c'est pour les mecs qui sont pas sûrs, tu sais. Ouais, ou pour ceux qui veulent finir vraiment bien, parce que bon, on a eu. Ah non, moi je suis sûr de moi. T'as bien moi, démarré, on s'est dit il va aller plus loin, mais pas du tout. Ouais, il y a pas grand chose. Tu vas aller où plus loin? Je vais faire l'amour à sa femme. Bah oui, bien sûr. Bon, tu m'expliqueras ce que tu veux faire de moi aussi. Je vais y aller aussi d'ailleurs. Moi, je passe après. Moi. Bah, je suis pas sûr. À toi, Romano. C'est qui? C'est toi, Romano. Alain. Ouais, mais là, mais la personne qu'on appelle. C'est qui, Romano? Romano, c'est toi. Tiens, on te retrouve tous les matins et tous les soirs sur Skyrock. Alain. T'es au courant quand tous même. Les matins, dès lundi, hein, donc. Alors. C'est vrai, il y a des plaintes, Cédric. Cédric, il s'arrête en plein milieu, nous dit Kintoff 92. Ah non, pas du tout. Ah oui, je vois. Merci, Kintoff. 23 ans. Salut, Kintoff. Là, c'est encore les gens de la team Romano qui se plaignent. Blue nous dit la classe, Cédric. Allô, Alain. Allô. Allô, Alain. Allô. Ouais, bah alors, cause dans le téléphone, mon Dieu. Comment tu vas? Alain. Aurélien. Hein? Aurélien. Aurélien. Allô. Ouais, c'est toi Aurélien? C'est qui? Ah bah je te reconnais pas. Bah c'est un copain de ta femme, comment elle va? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. D'Ivoire, je voulais passer t'emprunter ta femme pour la soirée là, vu qu'il fait bien chaud. Je voulais aller faire l'amour au clair de lune. Donc je vais arriver dans 5 minutes. Oh. Comme ça tu me la suces. Histoire de bien me la nettoyer et après ça parfaite pour ta femme. Donc j'arrive dans 5 minutes, chérie. T'as la bouche pleine? Tu parles plus, là. Si, il parle, mais il a la bouche pleine, je crois. T'as un truc dans la bouche? Il s'est mis les doigts dans la bouche tellement tu l'excites, comme ça. T'es en train de te lécher les doigts ou tu te suces? Aurélien. Aurélien. Chérie. Bon, bah j'arrive. De toute façon, t'as dit oui, c'est parfait. Ça m'a permis de serrer. Putain. Aurélien. Un peu, soir. Hein. À tout de suite, mon amour. Merci Aurélien pour. Il est bizarre quand même, mec. Imagine, tu racontes un mec. Bon, avec les enfants derrière. Ouais, bah, putain, mais on aurait dit une cour d'école, mais à 22h41, c'est chelou. Les gosses sont très excités en cette fin de vacances, Romano. Ouais, ça doit être ça. Mais ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un troisième tour? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, un dernier. C'est le dernier. Moi, j'ai fait un serrage, on pourrait s'arrêter là. Un drag. Bah, moi, j'ai aussi, je viens de serrer là. Mais t'as rien serré du tout. Bah, le mec, il a pas dit oui. Il a fait. Peut-être qu'il a dit non. Hein. Dernier clash de la drague. Et quand tu fais, ça veut dire oui. Dernier tour, Cédric, pour toi. Allez, vas-y, on va chez qui? C'est là qu'il faut tout donner. Tiens, Jean-Louis. Jean-Louis. comme ton pseudo de drague, Romano. Exactement. Allô. Allô, bonsoir Jean-Louis, comment ça va? Bah, ça va bien. Eh ben nickel. Dis-moi, je t'appelais parce que je suis garé juste à côté de chez toi. Et dans mon camion, ce soir là, j'ai pas de couchette là. Ils sont trompés de camion. Donc du coup, je vais venir squatter chez toi pour dormir. Attends. Ouais, j'attends. Attends, je comprends pas. Bah, je t'explique. J'ai un camion. Et normalement, dans mon camion, j'ai une couchette. Et là, cette fois-ci, ils m'ont pas mis de couchette. Non mais tu es qui? Michel le routier, le beau gosse. Michel. Non mais il n'y aurait pas une petite erreur? Ah non, bah, ce soir j'ai envie de dormir chez toi et j'ai envie de te faire l'amour. Non mais c'est quoi ce boulot là? Bah tu vas voir mon pote, c'est quoi ce boulot? Je peux te dire que ce soir tu vas transpirer des fesses. Non mais c'est quoi là? Bah je vais te faire transpirer des fesses, tu vas voir. Non mais c'est pas, t'es pas bien mon mec? Bah si je suis bien, je suis à côté, je suis là dans deux minutes si tu veux. Non mais c'est quoi ce boulot là? Bah je viens de te dire, moi je suis routier, c'est ça mon boulot. Mais t'appelles qui là? Bah Jean-Louis, c'est bien toi. Mais Jean-Louis qui? Bah Jean-Louis toi. Non mais Jean-Louis, quel nom? Ah bah je sais pas, moi j'ai regardé dans l'annuaire, tu sais, j'ai fait géolocalisation. Ah oui. Moi je suis à côté quoi. Et c'est quoi t'es à rigoler de quoi là? Ah non, je vais pas rigoler, hein. Je peux te dire que ce soir tu vas la sentir. Hein. Ah ouais, tu vas sentir quoi? Non, tu vas sentir quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah je vais te mettre mon zizi dans tes fesses. Oui, non mais t'es à moitié baisé toi là. Ah oui, je vais te baiser, pas qu'à moitié. T'es à moitié baisé toi? Pas qu'à moitié, je vais te faire l'amour mon chéri. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est moi, Michel. Bon, mais t'as à moitié baisé, quoi. Non, je t'ai dit, soir, je vais te faire l'amour, oui, et pas qu'à moitié. Oui. Dégage. J'arrive dans 3 minutes. Oui, arrive dans 3 minutes, oui, si tu veux. Oui. Prépare tes fesses, hein. Oui, mais je regarde ton numéro, d'abord. Bah écoute, j'arrive, je vais te donner mon numéro, si tu veux, mon chéri. Oui, c'est ça. Comme oui. Ça, tu pourras me rappeler après que je te fais l'amour. Allez. Je sens que tu vas me rappeler souvent, allez, toi. Dégage. J'arrive, mon amour, à tout de suite. Dégage. Oh, arrête, sois pas comme ça, voyons. Si, Cédric. Putain. Et alors, on a eu Émile Louis au téléphone. Et toi, tu te réjouis quand je vois. Il dit le prisonnier. Bah, Romano, oui, c'est normal, il joue contre toi, Cédric. Il comprend rien au jeu. Non, je parlais de toi, tu rigolais, monsieur l'arbitre, je t'ai entendu rire. Ah, bah, j'ai le droit de m'amuser. C'est marrant, l'émission. Non, il faut plus rigoler maintenant. Moi, je viens plus, il rigole plus. Non, mais si, mais quand je me fais caler, il dit fou, il rigole, lui. Non, mais il était marrant, lui. Non, mais là, ça mérite d'être clair. Il t'a dit dégage. Tu as serré. Putain, ça a failli. Il a pris cher, le veau, nous dit Vive 35. 16 ans. Salut à toi, Vive 35. À toi, pour ton dernier coup de fil, Romano. Allô? Allô, Samuel? Allô, c'est la femme de Samuel? Oui. Oui, Samuel est dans le coin? Non, il n'est pas encore rentré. Ah bah ça tombe bien ça. Je vais passer. C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, un copain de Samuel. Ce soir là, il fait extrêmement chaud dans mon domicile. J'ai pris le matelas gonflable et je comptais aller dormir à la Belle Étoile avec toi, ma chérie. Allez, je vais passer dans 5 minutes, on fera ça à la maison, ça sera encore mieux. N'importe quoi. Il arrive à quelle heure, le Samuel? Je sais pas. Ah bah voilà, bah on sera tranquille un moment alors. J'amène un petit truc à boire, on s'envoie en l'air et quand Samuel arrive, bah on termine à 3 et puis c'est bon quoi. Bah oui, bien sûr. Eh bah je suis là dans 5 minutes alors, chérie. Bah oui, bien sûr. À tout de suite, mon amour. Oui, à tout de suite, ouais. À tout de suite. Ça va être chaud. C'est beau ce que vous nous avez fait ce soir. Et là, c'est du bip, bip. C'est beau ce que vous nous avez fait ce soir. Bip, vraiment. Bip. Non, mais c'est vrai. Bravo à vous. Félicitations. C'est le clash de la drague. Il y en a qui a la gueule en biais. Non, non, parce que j'ai fait un serrage avant toi. T'es sérieux, toi, quoi? Eh bien, je lance les votes. Il est 22h45. Vous avez jusqu'à 22h50 pour voter. Autrement dit, pile 5 minutes au 41-7-5-9. Avec l'appli Skyrock aussi, vous envoyez un maximum de messages pour votre préféré, celui que vous avez trouvé le meilleur, celui que vous préférez. Votez Cédric. Ou Cédric. Votez Romano. Ou Romano. Cédric d'un côté, Romano de l'autre. À deux invitations à serrage. Votez Romano. Quel mytho, celui-là. Ce soir, on termine la semaine en beauté. Il fait beau, il fait chaud, votez Romano. Et on termine la radio libre de l'été, dernier clash de la drague de l'été pour ce soir. Allez, votez Cédric pour ça, votez Cédric, allez, je vous aime, Romano. Moi. Avec deux belles méthodes d'été. Qu'est-ce que vous nous dites sur les messages? Moi, j'ai même pas pris de rappel, moi. Le poteau du 95 vote pour la team Romano en force. Je crois que la famille, elle est encore là, dit Foul. Il y a la table de mixage. Bonjour, madame. Elle est encore là. Ça va, la dame? Votez Romano. Non, votez Cédric, la famille. La table de mixage vote Romano. Piccolo FCGB qui vote pour Romano. Je suis Marquinhos, vote pour Cédric. Je vote le dieu du clash de la drague, Romano, bien sûr. Ah, ça doit être moi, oui. C'est pour Raptor. Merci, Raptor. Je t'embrasse. Les Côtes d'Armor votent pour Cédric. Beaucoup de messages des Côtes d'Armor, on vous salue. Trotiflute vote pour Romano. Nico vote pour Cédric. Romano, président pu. C'est le cri de guerre de Charminator. Cédric pour Théorino. Théorino, 16 ans, vote pour Cédric. Je vote pour le plus beau. Je vote Romano, Jordi. Didine vote pour Romano. Pezna vote pour Romanou. Ah ben allez, votez Romano. Allez-y, allez-y, on y va. La crime vote pour Cédric. Bon, je vais pas vous lire tous les messages parce que là, je suis parti. Là, on finit l'émission comme ça. Vous votez. Les messages, on va noter pour qui vous votez. On va faire les comptes. Ouais. Et dans 5-10 minutes. Il reste 3 minutes maintenant. Bon, allez, votez Cédric pendant 3 minutes. La votez famille. Romano, on peut y le faire. Bah, c'est 5 ça, minutes, allez, vous connaîtrez les résultats. Bravo, bravo. Voilà, bonne chance à vous deux. Et merci pour ce moment de rêve, d'amour et de romantisme. Vous l'avez promis, hein, pour cette fin d'été. Oui. Il y a Cartman qui est au téléphone avec nous, qu'on va prendre en direct. On va lui demander, tiens, pour qui il vote aussi, Cartman. T'es là, Cartman? Salut, Cartman. Salut les filles. Salut Cartman. Alors, t'as 22 ans et t'es encore dans les Côtes d'Armor, toi aussi? Ouais, dans les Côtes d'Armor, je t'arrête pas là. Mais les Côtes d'Armor, il y a toutes les Côtes d'Armor qui sont branchées sur Sky ce soir. On est au taquet, hein. C'est bien, c'est bien. Alors, Cartman, toi tu nous appelais à cause d'une petite maladie. Ah là, je suis malade, là, c'est Bagdad. C'est Bagdad. Mais oui, toi c'est Bagdad dans tes chiottes, hein, je crois, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, je défonce les chiottes, quoi. Tu défonces tes chiottes? Oh, sympa. T'as quoi? T'as bouffé un truc dégueulasse? T'as fait quoi? Je crois que j'ai attrapé un coup de froid aux urgences hier, je sais pas, mais. Ah oui, t'as pas de chance. Donc t'es allé aux urgences. C'est l'horreur. Pourquoi t'es allé aux urgences hier? Parce que je me suis cassé la gueule comme une merde dans mes escaliers, quoi. Ah, voilà. Donc toi, c'est le double coup de pas de chance. Et tu vas aux urgences pour te faire soigner et aux urgences, tu rechopes une autre maladie que t'avais pas quand t'es allé aux urgences. C'est pas mal, ouais. Ça. Ah bah ouais, c'est la catastrophe, quoi. La catastrophe. Mais t'as quoi? Tu t'es pété une jambe? T'as fait quoi? Bah en fait, je me suis cassé la gueule et je me suis pris un mur dans le bras. Ah quoi, bah moi, je me suis cassé le cul et je me suis pris une bite. Ouais. Bah voilà, cool. Tout simplement. Décidément. Non, t'es con. C'est pas de bol, que de coïncidence. Je suis déjà tombé dans les escaliers, je me suis rien cassé, mais tu te fais bien mal. Moi, j'ai vu un mec tomber dans un buisson cet été. C'est bien, ça amortit. Non, mais en fait, ça dépend s'il y a des ronces. Comment elle a fait? Ben en fait, le mec, il devait être bourré. Tu sais, on l'a croisé avec carriole à 6h du matin. Le mec, bon, il marchait moyennement droit. Donc il était bourré. On s'est croisé et là, on a entendu. Poum. Poum. Et en fait, le mec, on s'est retourné, il avait disparu. Il y a ses potes qui essayaient de sortir du buisson. Moi, cet été, j'ai vu un mec bourré. Il était bourré, il claquait tous les murs, gros. Oh, il claquait les murs, il claquait les pylônes. Oh, c'est pas vrai. Mais je sais pas comment il faisait, gros. Ah ouais. Ah, putain. Non, le con, il parle de moi. Donc. Ouais, j'en avais compris. Il était en slip, c'est même. Exactement, il était en slip. Il était en slip, bourré, il claquait les murs. C'était la soirée du 15 août. C'est la soirée où je me suis démonté. C'était pour ma fête. Démonté la gueule. Exactement, pour la Sainte-Marie. Et le 15 août, on fait des grosses fêtes. On était dans une maison avec des femmes, mais alors partout. Ouais, de la meuf, mais à foison. Et voilà. Et il claquait les murs, après il parlait au mur. Et il répétait pas la même chose. Non, il parlait au mur parce qu'il disait tu m'agresses. Bah oui, tu m'agresses. Tu rentres dedans. Romano, il paraît que t'étais bien aussi le 15 août, d'après ce qu'on m'a dit. Ah bah pas que le 15 août, moi. D'accord. Tous les jours, bon. Toute l'année, t'étais bien lui. T'étais bourré, Cartman, toi, toute l'année. Quand t'es tombé des escaliers ou non, t'étais. Ah non, moi j'ai arrêté de boire, ça fait un an, je me suis. Deux ans, j'ai eu un traumatisme crânien dans mon anniversaire alors. Oula. Ah, c'est ça les Bretons. Assez violent. Les Bretons, quand ils boivent. Ah ouais, c'est la cata quoi. Donc, t'as chopé un coup de froid, mais un coup de froid au ventre, ça peut vous donner. Ouais, ça peut donner la chiasse, ouais. Je sais pas, c'est peut-être ce que j'ai bouffé. Ouais, mais en général, tu vomis. J'en sais rien quoi. Non, en fait, ouais, t'as plusieurs possibilités. C'est ou une gastro, mais alors la gastro à cette période, mais pas. Je sais pas, tu sais, maintenant, il y en a toute l'année, il y a plus de saison. Ouais. Il y a plus de saison, man. Il y a plus de saison de la gastro. C'est fini les votes pour le clash jeudi. Les derniers messages viennent d'arriver. Stop, on fait les comptes et on vous dit qui a gagné. Mais à l'hôpital, là, tiens, les camps, hier? Hier, ouais, vers 2h du matin. Ah ouais, donc ça peut être ça. Hein, t'as pris froid au bide et. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que ça va durer moins longtemps qu'une gastro. Je pense que demain matin, ça ira déjà mieux. Et l'hôpital est bien climatisé, a priori. Ah bah, c'est donc. Chiant, bah, en même temps, bon, là, ah en ce bah moment. Oui, froid là-dedans. Ouais, et puis dehors, il fait tellement chaud. Tu te manges des chocs thermiques. Bah, il faut prendre un petit pull. Voilà. Là, je transpire à mort. En fait, c'est la catastrophe, quoi. Voilà, Marie te conseille d'aller à l'hôpital la prochaine fois avec une doudoune en plein été. Non, mais ouais, c'est mais ça, en fait, ça, tu, mais tu te casses la jambe, tu tombes dans les escaliers, tu te casses la jambe, mais tu remontes jusqu'à chez toi pour prendre une doudoune. Ouais, au fond du placard. Et là, à l'hôpital, ils t'envoient directement au rayon psychiatrie. Mais non, mais c'est pas ça. Regarde-moi ici, je prends toujours une petite laine. Une petite laine. Bah ouais, parce qu'il y a la clim, donc on l'autre sait jamais. Il fait 35 degrés dehors. Oui, dehors, mais on n'est pas dehors. J'ai pris un châle. C'est vrai que des fois, la clim ici, elle est bien violente. Ouais, c'est ça. Tu la règles, Cédric. C'est tout. Bah mais Romano il veut pas la régler. Mais si. C'est lui qui a la télécommande. Non mais Romano, c'est pas le roi de la clim, Romano. Tiens, ouais, je suis pas climatiseur. C'est à côté de toi la télécommande. Bah et alors, tu te lèves ton gros cul, tu la passes, on va la régler. Espèce de bon à rien. Tiens, moi c'est pareil, je suis malade, mais c'est parce que j'ai trop bu hier. Prends-toi ça. Ça c'est le message sur le 41759 de l'inconnu qui nous dit ça. Donc petit coup de froid pour toi. T'as chopé peut-être une appendicite. Ah, j'ai vu un message sur l'appendicite aussi, c'est qui? C'est FLDB qui nous dit, les gars, l'appendicite ça fait comment? J'ai mal au ventre, je vais crever. Appuie. J'ai déjà eu, moi. Faut appuyer en bas à droite, ouais, non? Ça fait hyper mal. Ouais, c'est ça. C'est alors en bas. En fait, t'appuies. En gros, t'as un os en bas à droite du ventre. C'est ça. Tu prends l'os os et tu prends la taille d'un doigt et t'appuies là. Et là, c'est l'appendicite. En fait, quand t'appuies, ça, c'est censé te soulager un peu et quand tu lâches, c'est censé te faire très mal. Ça fait très mal, ouais. Bon, donc c'est ça l'appendicite, je dis ça pour FLDB. C'est une inflammation de l'appendicite, quoi. Voilà. Donc, ouais, donc. Ça fait super fort, quoi. Donc, déjà, on sait que c'est pas l'appendicite pour toi, puisque tu l'as déjà eu. Ouais, ça fait super mal en plus, alors. Bon, donc t'as pas l'appendicite. Non, mais je te dis, moi, t'as chopé un coup de froid demain matin, ça ira mieux. Ouais, t'as un coup de bite. Bah, voilà, j'ai pris un truc gastro-résistant, là, pour le ventre. Et alors, ça va mieux? Ça va bien. Mais t'as fait quoi? T'as chié toute la journée, non? Bah ouais, en fait, c'était ça, quoi. T'as mal au bite, quoi. T'as chié mou, quoi. Bah oui, j'imagine. Liquide. T'as chié de l'eau. Bah, ça peut être ça. Ah ouais. Après, quand on chie liquide, surtout quand il fait chaud comme ça, faut beaucoup s'hydrater. Voilà, je bois mort de l'eau, même du coco aussi, j'essaye. Oui, il paraît que d'ailleurs, aussi, le coca est très bon quand on a des trucs gastriques. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, mais c'est coca sans bulle, hein, normalement. Ouais, mais ça, c'est pas bon, le coca sans bulle. Ouais, mais c'est comme ça, normalement. C'est comme pour la gastro, en fait. C'est pas bon, en tout court. Berk. Quoi, Berk? Ah, moi, j'aime pas le coca, mais j'aime pas ça. Y a pas d'alcool? Ouais, bah ça, effectivement. Whisky coca, oui. Ah, vodka coca, alors, ouais, mais. Bon, bah écoute, bon courage, je sais pas quoi te dire. Sinon, appelle le médecin, le médecin. T'as pas un médecin traitant ou SOS médecin? T'appelles quelqu'un? Bah, je pense que lundi, je vais y aller parce que j'ai. Bah, chez toi, j'irai demain, moi. Hein. C'est clair. Ouais, je vais faire ça, ouais. Ah, bah, non, mais je te dis, si t'as pris un coup de froid au bide, ouais, moi, ça m'arrive des fois, et le lendemain matin, déjà, ça ira mieux. T'auras peut-être même plus rien. Et y a Pulch qui nous confirme le coca sans bulle pour la gastro, par exemple, c'est super efficace. Ouais, y a l'eau de riz aussi. Ça fait vomir. Voilà, ça aussi, c'est dégueulasse, ouais, mais pareil. C'est des trucs efficaces, ouais. Donc soigne-toi rapidement. On ne sait jamais, tu as peut-être fait une intoxication alimentaire si tu as mangé des moules pas fraîches. T'as pas mangé une crêpe, non? Parce que moi, ça m'est arrivé avec une crêpe. Ah oui, c'est vrai. Ah bon, puis j'ai mangé des crêpes. Ah bah c'est peut-être ça. Ah, raconte ta crêpe. C'est Cédric que j'ai mangé. Ah bah Romano était allé dans la crêperie préférée de Cédric. Et alors, non, c'est pas vrai, ça. Il ira plus. Hein. Ah non, j'irai plus terminer. Cédric m'avait conseillé. Bon là, j'ai envie d'une petite crêpe. Je connais une adresse sympa. Bon là, une adresse bien bonne. À dimanche, putain, avec Cariole, on se dit tiens, on va bouffer une crêpe dans l'après-midi. Erreur. Ah ouais, bah erreur fatale, ouais. Le soir, moi, vers 22h, j'ai commencé à chier ma race. Mais. Et à 23h, c'est Cariole la qui s'est mis. Après, moi, j'ai vomi. Elle a vomi. Ah ouais, quand t'as un chiotte, c'est sympa en plus. Bah ouais. Un chiotte pour deux, ouais, c'est pas ah super. Ah ouais, c'est l'enfer. Ah oui, ouais, bah moi. Dégage. Ah ouais, c'était ça, ouais. Lève-toi, je peux plus. Et une solution de la bière de Marie qui nous écoute également. Laquelle des bières de Marie? Parce qu'il y en a un paquet. Ouais, une cuillère de Ricard pure, c'est bon. Bah il paraît que c'est très bon pour la digestion. C'est bon pour digérer. Ouais, mais ça risque de brûler le gosier. J'ai déjà bu du Ricard pur, moi. Ouais, et bah écoute. Il faut en prendre une très peu, hein. Très peu, une demi-bouteille. Hein, non, très peu. Un litre. Non, mais moi, je sais que ça me fait dégueuler direct. Non, jamais, mais non. Si t'aimes bien le Ricard, tu le bois à sec. Ah non, à jeun, moi, je peux pas. Aussi, avec un glaçon. Ah non, mais tu peux le boire également à Paris, Marseille. T'es pas obligé d'aller à jeun. Non, moi, je sais, il faut que j'ai mangé un truc, sinon tout ce que je bois en tease, ça ressort. Et on salue tous les malades qui nous écoutent. Bonjour à Romain Debes qui nous dit, moi, j'ai une otite. Ça me fait chier car je peux pas aller à la piscine, c'est sûr. Moi, je suis enrhumé depuis une semaine, je comprends pas, il fait super chaud et j'ai chopé la crève de la mort. Je teste quand mon truc. Ah ouais, il y a le truc pour la maladie. Avec son rouleau. Non, mais il faut qu'il garde une heure, donc. Bon, on va faire. Bon, et puis, écoute. Tu gardes une heure en plus. Je serai toi si je chie toute la nuit à ta place. Je mets à ta place, Cartman. Je fais quelque chose. Demain matin, j'appelle le médecin direct. Je vais pas passer le week-end comme ça, quoi. Ok? Ouais, je vais faire ça. Bon courage, Cartman. Hein. Impeccable. Même malade, vous avez le droit de nous appeler. Puis si vous avez d'autres solutions pour Cartman, allez. Vous nous dites. Et Marie va être contente et va mettre de l'aluminium autour des pieds. Alors, c'est une méthode médicale qu'on va tester avant minuit. Dans cette dernière radio libre de l'été, on va tester cette méthode géniale. Vraiment un week-end de merde. Et il paraît que ça fait passer les petits rhumes. Romano, lui aussi, il a un petit rhume. Petite maladie de fin d'été. Et donc,

Girl, you throw it back like one love. Even let me slash on the tour bus. Yeah, I told her, but she don't do enough. Even though you in the hood, I'm still pulling up. Dip, dip, straight to your doorstep. This a real thing, can you feel the force yet? I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to fall for free? Is it just me? Yeah, is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to? Would you fuck me for free? Another one, another one. They don't want me to have another anthem, so I made sure I got another anthem. Another anthem. Best over yo. Summer's ours. It always has been. Don't ever play yourself. One time for Future the Prince. One time for 40. One time for Drake. Yeah. Another one. Bless up. DJ Khaled et Drake sur Skyrock, on écoutait For Free. Ils sont de retour en direct. Diffoué. C'est un bronzage classe un peu, j'ai. C'est classieux. C'est la classe, le bronzage des vacances. Je suis les UV aujourd'hui. Romano. T'as vu, on dirait un dalmatien au-dessus. Oui, c'est il ça. Il est tacheté, c'est dalmatien. J'ai une maladie, c'est les cheveux. Ouais. Cédric. J'ai un t-shirt croix rouge, c'est pourquoi. C'est le drapeau de l'Angleterre, tu connais. Ah, d'accord. Celui-là, je l'ai acheté en vacances. Tu l'as payé en plus. Bah ouais. Ah ouais, t'es con. Marie. Moi, je brille. T'es brillé tellement, t'es bronzé, c'est impressionnant. Oui, tu es luisant. Samy. Moi, j'ai un bronzage régulier quand même. Oui, bah t'es blanc. Ouais. Mais, et Karim. Karim, mais là aussi, les mains dans les poches, ouais, tranquille, là, en plein travail, comme d'habitude. Ça va, Alhamdoulilah, tranquille. Come on. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Et il y a plus de pub jusqu'à 3h du matin sur Skyrock. Ah ouais, ça y est. Voilà. 4h, 4h sans pub. 1, 2, 3, 4. Profitez-en. Et jusqu'à la fin de la radio libre, on est free, tranquille, jusqu'à minuit, en direct avec vous au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler. On salue l'inconnu qui revient de vacances. Retour de vacances pour lui. Salut à toi, l'inconnu. Bah, reste branché sur Skyrock. Moi, il y a une semaine d'ailleurs, j'étais en train d'écouter l'émission. Dans la voiture, c'était le best-of de l'émission. Et je revenais de vacances aussi. Eh ouais. J'aime pas revenir de vacances. Ouais, mais il faut bien. Ah, ça. En fait, revenir, c'est. Enfin, être là, c'est bien. Mais le fait de revenir, c'est ouais, un peu relou. C'est vrai, ouais. Je suis d'accord. Ah, ça. C'est chiant. C'est bien triste. On est de tout cœur avec toi, l'inconnu. Merci. Bouchon sur la 7, on vous écoute sur la route. Eh bien, salut à toi, la route du retour des vacances. Eh bien, bon courage. Bon courage, toi, vous nous écoutez partout. Et attention sur la route. Hein. À la maison, en voiture, en train de bosser. Je sais qu'il y en a qui écoutent en train de bosser. Je voulais faire un petit coucou à Grito qui nous dit j'ai bouffé du savon la semaine dernière, j'ai la chiasse depuis une semaine. Non, mais qu'est-ce que tu bouffes du savon? Un petit conseil, ne mange pas de savon. Non, mais ça se bouffe pas le savon. Ouais, j'ai les résultats du clash à vous donner. Ils sont là. Et dans un instant, on découvre les pervers de Pamela, les pervers de l'été. Allez Romano. Ah, tu votais pour Romano, Pamela. Eh ben bien sûr, bonsoir. Bien, mais il est trop tard, ma chérie. Ouais, c'est trop tard. Ta gueule, toi. Bah ouais, mais il est trop tard. Elle parle bien à l'arbitre, toi. Comment tu parles, toi? Non, c'est à toi que je parle. Je crois qu'elle parlait à toi. Je me lève. Le moche. On tape pas les femmes. Non, je vais juste te mettre une fessée, tu vas voir. Ça va te calmer. Ne touche pas, sinon j'appelle la police. La police, ouais. On salue également la police qui nous écoute peut-être. Bonjour, la police. Les résultats du clash, vous avez voté. Vous aviez deux méthodes. La méthode du routier de Cédric et la méthode de la baise. Ouais, la belle étoile de Romano. Ah ouais, c'était ça, du romantisme. Sur un matelas pneumatique, j'ai entendu. Bah ouais, bah attends, classe. Le gagnant du clash est qui, d'après vous? D'après toi, Marie, qui gagne? Je dis Romano. Pourquoi? Parce que tu l'as trouvé mieux? Ouais, je pense qu'il va gagner. D'accord. Merci, Marie. C'est gentil, Marie. Samy, d'après toi, qui gagne? Moi, je pense que Romano a été au-dessus. T'es un peu comme l'OM ce soir. Ouais, tu vois. Ouais. Droite au but, la gagne. Ce soir, on peut dire lundi, tu sais, on est vendredi, quoi. Moi je pense que Cédric c'était Lorient ce soir. Ouais. Ah, Lorient qui a perdu contre Marseille. Ouais, ce soir. Mais moi j'ai fait un vrai serrage au deuxième tour, je comprends pas. En tout cas, ce qui est bien c'est que t'as du soutien dans l'équipe. Ouais, franchement, t'as vu, t'es soutenu. C'est plaisir l'équipe. Non, mais j'ai pas demandé qui soutenait, j'ai demandé qui est-ce qui va gagner. Ouais, moi je miserais sur Romano. Eh bien, vous avez raison, vous avez tort. Tu as peut-être tort, Samy. T'as raison. Le gagnant du clash de la drague de ce soir, dernier clash de cette radio libre de l'été, est. Romano ou Cédric? Ah merde. Non, attends, ne t'emballes pas. Et le gagnant est, je vous le montre, ben oui, Romano, le gagnant du clash. Donc, c'est moi. Avec combien? Attends. Combien pour le pourcentage? T'aimerais faire combien? Je sais pas, 60 ou plus. Cédric, t'aimerais faire combien, sachant que tu perds? Donc dis-moi pas 51 parce que tu peux pas faire 51, t'as perdu. Là, oui, j'ai perdu. Oh là, 49. Au moins 40 quoi. Au moins 40. Non. Eh bien Cédric, ce soir, tu fais le score exceptionnel de 27%. Ouais ouais. C'est pas mal quand même. Je t'ai déglingué. Et Romano 73. Ouais bah merci. Franchement, toute la team Romano, merci. Mais t'es en progrès en plus. Mes amours. Bah ouais. Ouais, cette semaine non-stop. J'étais carburé le cul. Doucement lundi, plus fort mercredi. Oui, et c'est là, ça, ouais. À fond ce soir. Cédric, c'est parce que tu te prépares pour lundi peut-être. Non mais c'est ça, ouais. Je laisse gagner deux trois clashs là, vite fait. Comme ça, il prend la confiance. T'es gentil quoi. Je t'ai baisé. T'inquiète, lundi on passe aux choses sérieuses, mon pote. Lundi, c'est la rentrée. Donc lundi, chose sérieuse. Bon, bravo Romano. Merci pour tous vos votes. Ouais, merci. En tout cas, ça fait bien plaisir. Merci à toute la team Romano. Merci pour tous les votes. Oui, que vous ayez voté pour Romano, Cédric. Balancez du SCH. À la qui veulent du SCH, et bien SCH, on va se le mettre d'ici un quart d'heure. Là. Un quart d'heure, 20 minutes. SCH arrive sur Skyrock. Et Romano embrasse sa coupe. Non, je t'embrasse pas. Je voulais le faire, mais en fait, j'ai. Elle est sale. Oui. Je pense que c'est j'ai sale. Repensé que c'était un cendrier la journée. Donc, j'ai dit. La dernière coupe du clash de la drague de l'été sur Skyrock. Ah, ça pour fait le plaisir. Dernier clash de la drague de l'été. Arrêtez de me filmer maintenant. C'était pour toi. Ça devient gênant. Tu es sur Facebook Live, Romano. Filme son crâne un peu. C'est la classe. Bah non mais j'ai embrassé moi. Voilà, c'est bien. Fais des bisous et remercie. Bon, on vous attend en direct au 01 53 40 30 20. Si vous avez un truc à dire, une petite question que vous vous posez, si vous voulez parler d'un truc, n'hésitez pas. On parle de tout ce que vous voulez jusqu'à minuit. C'est Radio Libre en intégrale sur Sky, comme d'habitude. Oui. Et en direct, donc vos messages au 41 759 et sur l'appli Skyrock. Ça marche aussi. Vous envoyez tout ça et on vous retrouve en direct. On aura Jérémy qui arrive dans un instant. Mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver Pamela. La belle est de retour et surtout les pervers sont là. Ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que trois doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste. Oui, oui. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. C'est sensuel. Oh, oui. Et ouais, c'est sensuel. Elle est venue en maillot de bain. Ah ouais, en bikini. Tu n'as pas mis ton burkini? Que c'est non, joli. En bikini. Voilà, vous connaissez le Burkina Faso. C'est un super pays. Oh ouais. Alors, Pamela, ce soir avec les pervers. Les vacances ont été bonnes, l'équipe. Bah, moi, ouais, magnifique. Ouais, génial, ouais. Magnifique, le soleil, le monde entier. Je sais que j'ai fait un tour du monde pour les vacances. Ah, bah, ça m'étonne pas. J'étais à Rio de Janeiro. Ah ouais. Ouais, c'était super. Cool. Magnifique, j'ai gagné une médaille d'or. Ah ouais. Ah, au JO. En quoi, Avec. En soulevé de poids avec la bite. Vous connaissez Tony Irina? Ouais. Ne le dites pas trop. Hein, parce que Ah, c'était toi qui as fait le combat en fait. Oui. Ah, d'accord, t'es sa doublure. Je suis la doublure quand il est fatigué un peu. Non, mais c'est vrai, vous. Dit, vient, en plus, vous ressemblez. Ouais, vous ressemblez. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de points communs. La carrure. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Rio, j'ai voyagé un peu, l'Italie. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Et l'autre, au fond, il a fait quoi? Une cave? Parce qu'il est blanc. Voyager de parking en parking. Il est blanc comme mon cul. C'est vrai, t'as vu ton cul, toi? Non, j'ai fait l'Espagne. Pas mal, moi. La punchline. Mais t'as pas bronzé. Si, j'ai bronzé. Un petit peu quand même. Quoi, j'étais bronzé. Non, mais j'ai vite perdu, moi, je perds vite le bronzage. Par rapport à d'habitude. Et enfin, tu perds vite les clashs aussi. Bam. Bon, alors, Pamela, je te présente les pervers de la semaine. Je suis là pour ça, moi. Enfin, les pervers de l'été, même ceux qui ont laissé un message cet été, sont ton répondeur. Ah, alors. Écoute bien, alors le premier, je crois qu'il s'appelle Marc. Vous écoutez bien vous aussi, puis vous me dites ce que vous en pensez, parce qu'on les appellera avant minuit. Je rappelle que le principe, quand même, c'est que Pamela arrive à serrer avant la fin de l'émission. Bah oui. T'as 50 minutes pour serrer, Pamela. Oui, ah ben, y a pas de problème. Marc. Bonjour, je suis Marc. J'habite à Nice. Je cherche des filles rondes, même très rondes, même très très rondes, de préférence. Mon numéro 06-71. Je suis à peu près 1m75, 75 kilos. J'attends votre appel, merci. Même très très très ronde. Oui, oui, on a compris. Vas-y, cage. Ouais, Marc, oui, mais fille, ronde. Mais, ou très ronde. Mais, ou même très très très très très ronde. Très ronde, allez, prends. Et la, très très très très ronde. Et à la fin, il te le rappelle un petit peu au cas où tu n'aies pas compris. Hein. Très très très ronde. Très très très ronde. Voilà. Merci. Voilà, merci. C'est Marc. Merci, Marc. T'es pas très très très ronde, quand même, là. Bah, tu dirais que tu pèses un tu peu peux plus. Dire. Ouais, je vais gonfler. Sans gonfler. Alors le premier c'est Marc, fille très très très ronde. Très ronde. Très il a insisté hein. Le deuxième s'appelle Pierre. Écoutez bien Pierre. C'est Pierre. Je suis de Lyon. Je suis 1m80. C'est un clair, j'ai mon noisette. Un cheveu en arrière. Je suis 03. 86. Si une femme veut m'appeler, ce serait avec plaisir. J'ai très envie de jouer au téléphone. Ah bah attends, ça tombe bien, toi. Je m'occupais de ta bille. Vous avez entendu le cri qui pousse à la fin? J'ai très envie de jouer au téléphone. Très envie de jouer au téléphone. vrai qu'à la fin, il te fait flipper. Ah, Pierre, ouais. Les cheveux en arrière. Ouais. Magnifique. Et bourguignon, comme toi, Pamela. Parce que tu es comme Romano, tu es bourguignon. On a deux bourguignons dans l'équipe. Je suis de Bourgogne. Bourgogne. De la Beauce. Voilà. Putain. C'est Pierre avec ses cheveux en arrière, le bourguignon et son cri. Je suis sûr, lui va tout taquer. Et son cri, de guerre, son cri de bête. Bon, donc on a Pierre, vous avez bien noté, c'est le deuxième. Ah, ouais. Oh, ils sont très bien. On a Marc aussi, ouais, qui est fille très très très ronde. Et on passe maintenant à Fabio. Bonjour, je cherche une femme coquine. C'est pas bon, 411 06 37. Dirait Bertrand 07. Un peu. Ouais, c'est clair. C'est Fabio. C'est Fabio. Coquine. Fabio. Ah ouais. Ouais, mais il est un peu la même voix que Bertrand, ouais, qu'on avait eu le pervers. Ouais, un peu le même genre. Ouais. Moi, c'est Bertrand, c'est Fabio. Bertrand, c'était lui. Oh, c'est bon, Bertrand, ça va. Ouais, c'est vrai qu'ils ont la même voix. Ouais, c'est bon, mec, ça va. Mais t'es sûr que Fabio, c'est pas le même numéro que Bertrand? Non, je crois que c'est. Attends, je vérifie parce que j'ai le numéro de Bertrand. Le mec qui pourrait un peu, il a changé juste de pseudo. 0637 pour lui. Non, c'est et pas ça. Bertrand, c'est 33. Ah ouais, 0633. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est peut-être son frère. Ouais. Merci. C'est mon frère. C'est bien, Bertrand. Donc Fabio, c'est le troisième. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce garçon? Il est du 91. Il a une belle voix. Une belle voix. Elle est sensuelle. Je crois qu'il se branle en parlant. Putain, mais ils ont tous des voix, les trois premiers. Vous avez entendu les voix qu'ils ont? Le premier, là, Marc, une voix dégueulasse. Bonjour, je suis Marc, capitaine. Marc est capitaine. Le deuxième, Pierre. C'est Pierre. Voilà, c'est Pierre. Ouais. C'est celui qui fait flipper, qui pousse un cri de bête à la fin. C'est Fabio. Oui, coquille. Et là, lui, c'est Fabio, le dernier. Fabio. Et le cri de bête, ah oui, je vous le mets en remets quand même. Au téléphone. Donc, Marc, Pierre, Fabio. On passe à Daniel maintenant. Ah, attention. Un Daniel, autre prétendant pour Pamela. Daniel, la soixantaine passée, sur Narbonne, attend l'appel d'une voix féminine au 06 74 87 pour passer un bon moment ensemble. Très bien. Ah oui, passons un bon moment ensemble. J'aime bien la soixantaine passée. Ouais, mec, on va avoir 70, 75 passé, ans. C'est ouais, ça, c'est ça. C'est ça, ouais. Passé, il arrange le truc. Un jour, j'ai eu 60 ans. J'ai la soixantaine, mais alors elle est bien passée est bien, quand même. Bien, pas passée. Lui, il s'appelle comment? Daniel. Daniel, ouais. Daniel, c'est le quatrième. Daniel du sud-ouest, je crois. Pas mal. Les voix vous plaisent beaucoup d'après les messages que vous envoyez pour l'instant, là. C'est pas fini. Voici, après Daniel, Michel. Ah, Michel. C'est Michel. Oui, bonjour. Ah, lui aussi, il est bien. Ah, ouais, bonjour. Bonjour, c'est Michel. Là, ils ont tous des voix, mais c'est un truc de fou, là. C'est vrai, eux, il ferait mieux d'envoyer des messages écrits. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bonjour. Sans la voix. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Michel. Salut, alors lui, c'est Michel. Ouais. J'aimerais bien voir votre tête. Bonjour. Michel, j'ai 55 ans. Ah, et j'ai vu jeune. Votre annonce. Ah bah. Et je serais intéressé, moi, par une jeune femme comme vous. Ah bah, puisque j'ai de l'expérience et je peux vous en faire profiter. Alors 55 ans, j'espère. Alors, si vous voulez bien me rappeler, discrète, au 06 84 11. Il est marié. Et en bonne journée. Ouais. Oh, il est mignon. Ouais, je pense qu'il a une femme, lui. Moi, j'aime bien, lui. Ouais, c'est Michel. Ah, il veut qu'on appelle en journée. Non, il a dit. Non, il a dit discrète. Ouais, discrète. Il m'a appelé discrète. Ah, très bien. Et après, qu'il y a la bonne femme qui peut répondre. Il expérimente. Les gosses. Papa, il est dame pour toi. Plus les petits enfants, ouais, son âge. Michel, 55 ans, expérimenté. Alors, tiens, faisons un petit point déjà avec vous. Lequel vous préférez à celui qui crie, on nous dit. Alors, celui qui crie, c'est. C'est le bourguignon. C'est le bourguignon Pierre. Ouais. C'est Pierre. Ouais. Pierre, le deuxième qu'on a écouté, Pierre de Bourgogne. Moi, j'aime bien Michel expérimenté le dernier. Moi, j'aime bien Fabio avec sa voix de merde. Moi, j'aime bien Pierre parce que lui, il annonce cash qu'il a envie de jouer au téléphone. Ah, faut prendre lui. Vrai, ouais. Bon, de toute façon, on va les essayer. Puis, Pamela, tu prendras celui que tu veux. Hein. Le premier qui décroche, il y aura droit. Ouais, déjà, le premier qui décroche, il y aura droit. Tiens, on en a un. Alors, lui, il est un peu con parce qu'on pourra pas l'appeler, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est pas la peine de voter pour lui. Ouais, non, lui. Voici lui, là. Écoutez bien. Ouais, mec, cherche femme pour une bonne baise, hôtel. La voix. Voilà, allez, le con a oublié de donner son téléphone. Il est bien juste message. Ouais. Donc lui, il est un peu con parce que bon, il cherche une bonne femme. Baise. Non, une femme pour une bonne baise hôtel. Ouais. En plus, il prend une voix, tu sais, genre. Ouais. Là, il va peut-être attendre un petit moment, là. Il est belle voix. Ouais, mec, cherche femme pour une bonne baise hôtel. Voilà, donc il a oublié son numéro, un peu con. Moi, je les aime tous, avec leur voix. Ben ouais, je te comprends. Moi, j'aime celui qui crie, nous dit Dama. C'est celui qui ah, gémit. C'est le bourguignon. Ouais, Pierre, c'est le bourguignon, ouais. C'est Barry White, le mec, nous dit Jules du 02. Ah, le dernier, il a la voix de Barry White. Ouais. J'aime bien celui qui se branle. Celui qui se branle, bah, ça doit être... il a beaucoup de succès, tiens, le deuxième Pierre. Hein. Pierre a l'air charmant, on nous dit également. Pamela. Oui. T'es prête? Ah ben moi, c'est quand vous voulez. Toujours hein. Chaude. Allez, c'est parti, on y va pour. Vous connaissez un? Bah, n'importe lequel, ouais. Vas-y, vas-y, alors j'en ai juste un dernier à vous faire écouter. Allez, allez, vas-y. Bon, les chars de chatte sont disponibles pour faire le couple 06-73. Pour rencontre, je reçois. Pardon. Je reçois. Je reçois, mais il a appuyé sur le bouton au même moment. Bon, on a réussi il à avoir preuve de synchronisation. Lui, c'est donc le bon lécheur de chatte, qui est pas mal. On aura une tente sans priver de celui-ci. Ah, bah, avec plaisir, tiens. Voilà, les mecs, je me demande ce qu'ils ont dans la tête quand ils laissent un message pareil, moi. Mais ils sont sensuels. Bon lécheur de chatte. Mais il y a des meufs qui répondent à ça, bon lécheur de chatte. Bah, grave, attends, moi, j'appelle toutes les semaines. Non, mais à part, Pamela, à part toi, Pamela, est-ce qu'il y a des meufs qui répondent à ce genre de mari? Putain, moi, je répondrai jamais à ce genre de truc, hein. Je préfère aller les voir directement. Non, mais ça fait un peu flipper, non? Eh oui. Bon, Marie, je te trouve coincée, moi. Ouais, bah, non, je suis pas coincée. T'es coincée comme fille. Non, mais. Allez, vas-y, passe à mi. Attends, parce que ça marche pas, le standard. Viens, on fait ça dans le. Qu'est-ce qu'il y a de standard? Ah, bah, c'est pratique. Ah, dès que j'appelle. Ça marche pas. Hop. Ça coupe tout seul. Ah, ouais, c'est bizarre, ça. T'essaies sur la ligne YouTube, peut-être? C'est... Ah, attention, coach Cédric intervient au niveau du standard. Voilà, vous avez pas fait péter le standard, pas pendant les vacances, quand même. Alors, fais voir. Ça, ça le fait quand il y a trop de coups de fil. Alors? C'est... Bravo, merci de ton pratique. Conseil, Cédric. Hein. Bah, on aurait essayé. Une fois de plus, franchement, au top. Tu as bien fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, vas-y, tiens, essaye, toi. Ouais, dans deux minutes. Là, tu peux prendre un auditeur qui est déjà en attente. Bon, alors je prends. Non, il n'est plus en attente parce que tout a raccroché. Ah oui, hein, donc il y a un vrai problème de standard puisqu'on a perdu tout le monde. Ah bah voilà. En cinq minutes, comme ça. Bon, c'est pratique. Écoutez, on prépare les pervers de Pamela. Pendant ce temps, les SMS, ça marche encore. Donc vous pouvez en envoyer. Oui. Je serais vous, j'en enverrai plein pour faire exploser aussi les SMS. Ça serait pas mal. Allez, voilà, ouais, on fait tout péter, ouais. Donc, message 41759. L'appli aussi, vous pouvez la faire péter, hein, ça marche également. Pour l'instant, elle fonctionne. Allez-y, téléchargez-la en masse. Si jamais vous allez peut-être la faire péter comme ça. Envoyez des messages. Et après, envoyez-nous tout ça. Et vous nous dites le pervers que vous avez préféré. Marc, Pierre, Fabio, Daniel, Michel. À l'autre qui a pas de numéro, bon, ça sert à rien. Ouais, et le tout dernier que nous allons appeler le lécheur de chatte. Bon, lécheur de chatte est disponible pour femme ou couple 06-73. Voilà. Pour rencontre, je reçois. Eh ben écoute, parfait. Voilà. Il reçoit. Voilà comment ça marche. Il reçoit. Voilà. Et je crois que c'est Pamela qui va recevoir. Ah ouais, j'ai envie de recevoir. D'ici pas longtemps. Le bon lécheur de chatte. Pamela, est-ce que je peux poser une question sur le rap? Parce que je sais que tu es une spécialiste du rap. Tu écoutes Skyrock toute la journée. Ouais, ma gueule. Waouh. Ah, putain. T'as vu ça, hein? Parfois. Donc spécialiste. Est-ce que tu aimes le rap marseillais? J'aime bien. Qui c'est que t'aimes bien en rap marseillais? Bah, Soprano. Oui, et puis. Alonso. Oui, ouais, et puis. Ouais, pas mal. SCH. Je croyais que t'allais dire Vincenzo. Ouais. Oui, et puis. SCH. SCH. Oh, d'accord, une petite préférence, je crois, ce soir pour SCH, dis donc. J'adore ses longs cheveux, j'aimerais avoir les mêmes. Ah, mais je te rappelle que t'es chauve. Cheval. Oui, oui, malheureusement. Bah oui, t'es chauve. Et lui, c'est qui? Allô, maman. Eh ben, c'est SCH. Eh oui, c'est SCH. Allô, maman. C'est le son qu'on va retrouver, le son de SCH. Et sur ça Sky. Remarche, le standard. Ah, et dans un instant, ça remarche le standard. Donc on retrouvera Jérémy, vous tous en direct, allez-y. Refaites le péter, c'est marrant. Se travailler un peu la technique. Ouais, bah oui. En cette veille de week-end. Donc SCH, allô maman, et juste après, Pamela, Jérémy, vous tous en direct, et jusqu'à minuit, radio libre, profitez. SCH. Et plus de pub, hein, jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. 3h du matin, ouais. Voilà, c'est notre cadeau pour les retours de vacances, pour ceux qui nous écoutent dans la voiture. Et ouais, SCH. Non, non. SCH qui était avec nous hier dans la radio libre. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la faute à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, je serai partout, donc tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photos portraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirai que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô, maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô, maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô, maman. Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. T'aurais pas, allons-nous-en. J'aurais mis trop pour l'âge, ni mort pour m'affranchir. Je vis avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'affranchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les thèses de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Que laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. J'crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. Ouais maman, ça va. Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Pardon. Et sur Skyrock, on écoutait Allô Maman et SCH sur Sky. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. SCH qui vient de nous voir dans la radio libre. Il a passé plein de choses dans la radio libre. La rentrée, ce sera lundi. Pour toute l'équipe de Skyrock, bon, on est déjà là depuis lundi dernier, nous, hein, depuis lundi dernier. Le retour de la radio libre de l'été, la toute dernière radio libre de l'été. Et ouais, c'est vrai, ça sent les vacances, c'est avec un petit peu d'émotion que je vous dis ça d'ailleurs. Ah oui. Ah oui. Pamela est en train de pleurer en face de moi, mais c'est pas grave, tu seras avec nous dans la nouvelle saison dès lundi, ah, Pamela. Oui. Je n'ai pas signé mon contrat. C'est vrai? Ah, mais t'en as pas. Salaire. Ah ouais. Mais toi, t'es payé en nature, toi, en baise, et puis c'est bon, quoi. Mais tu vas aller te faire reculer, bah, oui, toi. Attends, on t'a mis, vous les baiser, je crois. Non, mais on tue des hommes tous les week-ends. Est-ce que, c'est vrai, en plus. C'est vrai, ouais. Bon, on peut en appeler un, là. Vas-y, tu vois. On va les tester tout de suite. Il y a Jérémy qui arrive dans un instant. Et puis, vous le savez, Radio Libre, c'est pour vous, c'est pour nous, tous les soirs, en direct. Nous, quand on a un truc à dire, on en profite. Bah, vous faites pareil. 01 53 40 30 20. Notez bien ce numéro. Il vous sert tous les soirs. Vous avez le 41 759, l'appli Skyrock aussi. Et vous avez bien aimé le pervers bourguignon, justement, puisqu'on parlait des pervers. On a écouté leurs annonces. Ah, c'est, il est bon, lui. C'est lui que vous avez préféré. C'est Pierre. Je suis de Dionne. Je suis 1m80. Créa, j'ai mon nozette. Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Marc ? Oui. Oui, c'est Pamela, là, pareil. Excuse-moi de te déranger. J'ai entendu ton petit message sur le réseau. Oui. Pour les rencontres. Je te dérange ? À Nice. À Nice, sur exactement, Nice. Oui, sur Nice. Oui, déjà. Comment ? On s'est vu déjà ? Non, on s'est jamais vu. Non, moi justement, j'appelais là parce que je vais descendre sur Nice. Hein ? Là, d'ici lundi. Et je me suis dit, ben, autant appeler Marc et essayer de fixer un rendez-vous. Oui, et ton numéro, c'est quoi ? Parce que c'est pas affiché. Là, je l'ai pas en tête, là. Je te l'enverrai par SMS. D'accord. Bon, ben, viens alors. Ben, viens. T'es comment, toi, physiquement, déjà ? Parce que là, je suis en voiture. Tu veux que je te rappelle un peu plus tard ? Oui, voilà, oui. Bah, je te rappelle dans combien ? 5-10 minutes ? 30 minutes. 30 minutes ? Ah non, là, c'est trop tard. Là, après, moi, je vais me coucher, je suis dans la mode, je me déliste. Non, 10 minutes. C'est ça, je me... Dans 10 minutes ? Ouais. Ouais, ok. Bah, je te rappelle dans 10 minutes. À tout de suite, Marc. Ouais. Prépare ta queue. Tu l'as excité. T'as vu à la fin ? Ouais, ouais, on comprend. Ouais, hein, bizarre, non, mais ça va être 10 minutes finalement. Oui, oui. Mais qui va bombarder. Alors, si vous avez une voiture du côté de Nice qui roule comme une Ferrari, enfin, la vitesse d'une Ferrari. Si, il est à Nice. Ah, il a dit si, il est à Nice. Ouais. Si, il est à Nice. Alors, je crois qu'il le dit sur l'annonce. Ah, dans son annonce, il dit. Bonjour, je suis Marc. J'habite à Nice. Ah oui, c'est ça. Je suis une des filles rondes. Ah, même ah ronde, faut que tu dises que t'es très très ronde. Même ah ouais, très ouais. Ronde. Dis que tu mesures 1m50 et que tu pèses. 90 kilos, 140 kilos. 180. Combien 540, ouais. Ouais. Non. Ouais, bien sûr. Non, 140. Non, allez. C'est crédible. Non, mais j'ai eu des conneries, genre, des mollets très ronds. 540 kilos. T'as tout qui est rond. Tout est rond, ouais. T'as des avant-bras ronds. Comme un bonhomme de neige. Ouais. Bon. Tu roules, en fait. On réécoute quand même son annonce pour savoir à qui on s'adresse et on le rappelle dans moins de 10 minutes. De préférence. Comment ? Mon numéro 0671. Je suis, je fais 1m75, 75 kilos, voilà. Bon, j'attends votre appel, merci. Très bien. Même très, très, très grand, voilà. Ah, je te l'ai dit, fais 600 kilos. Ouais, bah ouais, ouais. 1m50, 600 kilos. Je fais 1m50, une tonne. Je suis une boule, je roule. Bon, alors. Je roule. On continue. Il y en a un qui a bien marché aussi, c'est celui qui est le bouffeur de chatte, là, tiens. Ah! Je voulais vous le dire parmi les messages que nous avez laissés. Il y a Tristan de Laval qui nous dit qu'il a bien aimé Michel. Michel, c'est lui. Oui, bonjour. Bonjour. Michel. Michel. J'ai 55 ans. Ah ben. Et j'ai lu votre annonce. Oui, oui. Et je serais intéressé, moi, par une jeune femme comme vous. Oui, oui. Puisque j'ai de l'expérience et je peux vous en faire profiter. Ah, offre exceptionnelle. Alors, si vous voulez bien me rappeler et être discrète, offre spéciale. 06 84 11. Sinon, bonne journée. Eh ben, c'est gentil. Moi, Michel, c'est vrai qu'il est sympathique. Vas-y, on essaye de l'appeler, Michel. Et le bouffeur de chatte, c'est lui. Bon, les chars de chatte sont disponibles pour femmes ou couples. 06 73. Pour rencontre, je reçois. Lui, on peut l'appeler et moi, je fais ton. Ah moi, tu préfères. Non, non, mais je vais le faire avec toi. Non, tu non, peux non, être en couple avec Cédric. Non, ça, non, certainement pas. Non. Bien sûr. Ouais. Je ne suis pas zoophile. Oh non. Bah, t'es malade, toi. Allô? Bonjour. Ah. Vous êtes sur la messagerie vocale de. Attends, il va dire le nom de la famille. Ouais. Ah ouais, c'est. Le numéro de il vous rappellera dès son retour. Au revoir. Au revoir. C'est sa femme qui fait son message et lui donne le numéro de. Attends, je raccroche. Il t'imagine. Non, mais. Ben ouais, mais comment en fait, non, sa femme, elle a juste fait le message, je pense. Ah bah ouais. Ouais, et elle sait pas qu'il y a des meufs qui. Non, non, non, mais non, mais lui il prend des risques, quand même. Ben un peu, ouais, quand même. C'est vrai. C'est, tu m'étonnes qu'il veut qu'on soit discret. Ouais, ça. Ah, ouais, sois discrète. Et Pierre, il répond pas le bon. Ah, le bon. Je viens d'essayer à l'instant, là. Ah, Pierre, ah. Le bourguignon ne répond pas. Ah, dommage. Sinon, nous reste Fabio, Daniel, Michel, on a essayé. Vas-y, appelle n'importe lequel. Michel, on vient d'essayer, ça répond. Ah, c'est Michel, c'est lui. Fabio, Daniel, et. Ah bah, t'as le bouffeur de chatte, mais oui, quand même. Ah bah, le fameux. Voilà, il y a Kenza XBit. Kenza BKT qui veut les femmes rondes. On a essayé la femme ronde. Ah, mais c'est lui qu'on doit rappeler dans 10 minutes. Ah, c'est celui qu'on rappelle dans 10 minutes. Bah oui, bien. C'est bon, le rendez-vous est pris. Hein. Bon, de toute façon, je suis très ronde. On a rendez-vous avec Marc, puisque je vous rappelle que Pamela mesure 1m50 et pèse. Et allô? Allô, c'est Pamela? Oui, exactement. Et moi, c'est Antoine. Et donc, t'as 34 ans? Exactement, ouais. Et t'es célibataire ou t'es marié? Je suis célibataire. Et t'as déjà été dominé ou c'est un fantasme? Je me suis déjà fait un petit peu dominer, oui. Quoi? Je me suis déjà fait dominer. Ouais, tu t'es déjà fait dominer, tu aimes marcher en laisse? Ça j'ai encore jamais fait. Oh, et tu peux faire les mots tendres, les mots crus ou l'alternance? Bah écoute, les mots crus par exemple, tu as un exemple à me donner? Salope, traînée. Oui, quoi d'autre? Chialasse. Oui. Petite truie. Oh. Une ça... bonne truie. Ah ouais, ça m'excite. Ça te dérange pas si je me caresse un peu? Vas-y, vas-y, grosse cochonne, t'es une truie. Ah. Et ouais, je suis une cochonne. Et j'aimerais bien que tu fasses le bruit de la truie. Allez, vas-y, fais le bruit de la truie. Oh, t'es une bonne cochonne. Oh, t'es une bonne cochonne. Hein. Oh, vas-y, Antoine. Oh, j'ai envie de te mettre un collier et une laisse. Oh, oh. Oh, je peux faire waf, waf. Ouais, vas-y, aboie encore. Waf, waf. Waf. Est-ce que tu t'es déjà fait renifler par un chien? Ah non, mais ça, je le ferai pas. Oh, oh. Et tu te caresses quelle partie de ton corps, petite salope? Ah bah, à ton avis? Tu te caresses la chatte, hein. Ouais, la chatte. Oh, t'es une truie. Oh, t'es une truie qui est... Oh, tu es mal baisé, hein. Ah ouais, baise-moi bien, toi. Ça fait combien de temps que tu t'es pas fait baiser, salope? Ah là, ça fait bien 2 mois et demi, hein. Oh, oh, et tu mesures combien, petite pute? J'ai mesuré 1m72. 72, oh. C'est toi sur la photo, salope? C'est moi, oui. Et c'est quoi ton tour de poitrine et ta tête de pantalon? Alors, en poitrine, je fais du 95B et du 85A. Ouais. Et le pantalon, je fais du... Attends, j'ai pas compris ton tour de poitrine. 95B et 85A. Et pourquoi les deux? Bah parce que j'en ai deux. Mais t'es une femme? Ah oui, je suis une femme, oui. Et tu as combien de pantalons? Bah j'ai deux jambes de pantalon, 38. Et tu es hétéro ou tu es bi, salope? Eh bien, je suis bi, enculé. Oh, est-ce que tu t'es déjà fait prendre par deux mecs en même temps? Non, jamais, non. Oh, jamais. Qui casse tous les jours? Ah ouais. Oh, t'es une bonne chienne. Ah ouais, ouaf. Oh, t'es une bonne traînée. Oh. Ah, je peux péter? Oh. Ouais, vas-y, pète. Pète. Et tu te fais enculer? Ah bah ça s'entend, je crois, non? Ouais, mais... Et tu aimes bien te faire enculer? Ouais. Oh. Et t'habites où, toi? Là, je suis sur Paris, là. Et moi aussi, je suis à Paris. Ouais. T'es où, dans quel coin, toi? Je suis au Trocadéro, et toi? Moi, je suis vers le Forum des Halles. Et tu cherches des rencontres? Ouais, éventuellement, ouais. Est-ce que t'as déjà rencontré quelqu'un de chez Coco? Ouais. Et ça s'est bien passé, tu t'es fait tirer comme tu aimes? Ah ouais, j'ai adoré me faire tirer. Et tu aimes te faire goder? Éventuellement, oui. Et tu aimes recevoir une fessée? Ah oui, fesse-moi. Oh, tu veux que je te fesse parce que t'es une vilaine? Ah ouais, je suis vilaine. Oh. Oh, je suis vilaine. Une grosse vilaine. Ah, je suis vilaine, ouais, comme Cédric. Ah. Oh. Ah oui. Oh, je suis vilaine. Oh, t'es une grosse vilaine et je vais te punir, je vais te donner. Ah. Je vais te donner la fessée. Ouais, le dis-moi des mots crus. Oh, tu veux que je t'élargisse? Tu veux que tu puisses. Élargis-moi, dilate-moi. Je vais t'élargir. Ah, ouais. Dilater. Oh, tu pourras plus t'asseoir. Ah. Oh. T'as une grosse bite, toi? Ouais, j'ai une grosse bite. Fais combien? 19 sur 6. T'as quel âge? Et j'ai 43 ans, et toi? Moi, j'ai 28. T'as 28? Ça te dérange pas? Bah non. Bon, attends. Et t'es disponible quand? Bah, plutôt la semaine, parce que le week-end, je défile, je travaille dans la mode, je suis modéliste. Ok, et dans la mode, tu trouves personne pour te sauter? Non. Je mélange pas. No zob in job. Oh, t'es une bonne traînée, t'es une bonne chienne. Mais du zob, j'en prends sur Coco. Oh, est-ce que t'es un petit peu coincé dans la vie ou t'es libéré? Oh, je suis libéré. T'es libre. Je suis libéré. Libéré. Délivré. Et donc. Tu pourras bien me piner. Oh, j'aimerais bien te mettre sur la table et prendre tes jambes sur mes épaules et t'enfiler comme ça. Mais sur la table du salon? Ouais, sur la table du salon. La table du salon, ouais. C'est pas mal, ça? Ouais. Tu te branles, et là? Je me casse la poitrine. La poitrine? Ouais. T'as des seins? Bah non. Non, mais je suis sensible des tétons. Ah, tu te pinces les tétons? Ouais. Tords-toi le téton. Oh. Tords-toi le téton. Oh. Et toi, tu aimes qu'on caresse ou qu'on maltraite tes seins? Comment? Et tu aimes qu'on caresse ou qu'on maltraite tes seins? Ah, les deux. Les deux? Oh. Ah, tu te pinces le téton. Ouais, je me pince le téton et je bande. Ah. Est-ce que tu es rasé ou naturel? Moi, je suis épilé devant, un peu plus longue sur les côtés. Oh. Et une encre de marin au niveau des poils pubiens. Oh, et t'as un tatouage mignon? Bah, c'est une encre de marin, oui. Ouais, oh, c'est mignon ça. Ah bah énormément. Une encre de marin rouillée. Oh, et tu serais disponible quand pour qu'on se voit? Bah éventuellement la semaine prochaine, tu peux te déplacer toi? Bah, je peux recevoir, me déplacer. Bah il faudrait que tu te déplaces. Ouais. Est-ce que tu as Skype? Skype? Non, j'ai pas, non. Oh. Si, je peux avoir... J'ai Skype. J'ai WhatsApp sinon. Oh, et moi j'ai pas WhatsApp. Skype, c'est nickel Skype. Ouais. Tu veux mon adresse Skype ? Non. Non, j'aime bien le téléphone, moi. Oh, t'aimes bien le téléphone ? Ouais, j'ai envie que tu me dises des choses cochonnes. Bon, oh, t'as vu que tu t'humilies encore ? T'as vu que je t'insulte ? Vas-y. Oh. Oh, j'aimerais bien te donner la fessée. Te donner la fessée devant, en public. Ah. Et pour que tout le monde sache que t'es une vraie cochonne. Ouais. Oh. Oh. Je peux péter ? Ouais, vas-y. Ah, ça pue. Allô? Regarde, le P l'a tué. Le P l'a achevé. Je crois que le P c'était trop. Mais que d'amour. Il y a des gens comme ça. Le mec qui se caresse les tétons. Lui, il est romantique. Je caresse les tétons. Je vais t'écarter. Je vais t'écarter. Hey, tu vois, un gars comme ça, ça nous fait la soirée. Ça, je vous le dis. Tu as l'impression que ça n'existe pas. Mais si, mais bien sûr. Ah, je vais t'écarter. Oh. Tu pourras plus t'asseoir. Voilà, et puis plein de petits mots doux en plus. Oh, hein, ça va. Hein. Comment il s'appelle lui ? Chénasse. Oui, il s'appelle. Tiens, je t'ai passé la conversation. C'est Antoine. En fait, ça a commencé rapidement comme ça parce qu'on était en train de lui parler par message. Oui, parce qu'en même temps, on drague sur tous les sites. Romain. Le gars, il a décroché direct. T'as fait, c'est Pamela. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, il est chaud. Pamela et partout. Salut d'ailleurs tous ceux qui sont notamment sur Coco ce soir. Partout. Je rôde partout. On change de site. Je crois que c'est ça là. On est sur. Méfiez-vous, Pamela traîne sur Smax aussi. Ouais. Sur l'appli Smax. Bah, attention. Je suis partout. Elle traîne dessus. Il faut se méfier. Faites gaffe. Moi aussi. Tu traînes aussi dessus. Ouais. Bah oui, je sais que t'es sur Smax, Cédric. Et Smax, ouais. Le problème, c'est que tout le monde arrive à serrer sur Smax, mais pas toi. Ouais, c'est pas grave, ça prend du temps, mais je vais y arriver. C'est ouf, c'est quoi ça? C'est les photos là des mecs qui étaient qui. C'est lui qu'on a eu. Non. Ah, si, il a pas 43 ans. Je voulais l'appeler. Lui, il a une bière. Ah, génial. Une bière surprise. C'est sa bite à lui. Le même. Ouais. Ah putain, avec des arbres derrière. C'est bucolique, hein. Il y a des sapins derrière la bite. Hop. Regarde la tête et la bite. Ça te plaît, Pamela, ou quoi? Et là, t'as la bite. Mais la bite, elle fait plus vieille que. Ah, t'as vu? On a l'impression que sa bite, c'est pas la bite. Ouais, mais ouais, une bite de vieux, un peu. Ah, dégueu. Il y a une bite de vieux, ouais. Avec des sapins derrière, c'est vrai, C'est bucolique. C'est très joli. C'est un très beau paysage. Vous avez vu? La teub et des sapins en arrière-plan, magnifique. C'est vrai que la seule radio qui vous propose des sapins pour la dernière radio libre de l'été. Ah ouais, c'est magnifique. Ça, c'est cool. C'est déjà Noël, c'est fou. Bon, on rappelle notre ami Marc. Dans un instant, parce que juste avant, puis en plus il était en voiture. Juste avant, on a Jérémy au téléphone avec nous qui nous attend. Alors qu'il était dans le standard tout à l'heure quand il a explosé. Mais tu es encore là, Jérémy, tu es fort. Salut. Allô. Salut Jérémy. Allô. Ouais, ça va. Oh putain, t'as une voix de dragueur de... On dirait le pervers d'avant. Pervers, ouais. Je vais t'écarter, tu vois. Je vais t'écarter. Vas-y, parle mal à Pamela, vas-y, parle-moi mal. Non. Bon, t'as entendu sur quoi on tombe sur les sites quand même. Méfiez-vous hein, si vous allez sur des sites. C'est une émission de prévention, hein, parce qu'il faut faire attention. Ouais, c'est des malades. Eh, au fait, Karim. Ouais, allez, Paris. Hein. Ah, bien joué, gros. Eh, j'ai cru t'allais me dire, allez, l'OM. Les Parisiens, vous avez vu la belle victoire de l'OM ce soir, 2-0. Ah non, mais je suis dégoûté. Toi aussi, tu voulais qu'ils perdent. C'est rien, gros. Faut bien qu'il gagne un match à un moment donné. Ça va être celui-là et après. C'est pour gagner un match dans l'année au moins. Ouais, voilà, c'est celui-là. Non, mais j'ai mon pote là, Hugo là. Il fait que me dire, il est pour l'OM. En plus, il passe une dédicace à sa famille là. Ah, c'est un bon Hugo. Salut-le de ma part. Et il me dit, ouais, c'est le sang. Il fait que me dire ça tout à l'heure. Tous les deux. Oh, sang, le sang est or. Ah non, sang et or, c'est l'or, ça. Vous avez trouvé ça. Nous, c'est le sang. Le sang. Bon, alors, Jérémy. Allez, le sang. Toi, tu nous appelais. Alors, avant qu'on rappelle Marc là, dans un instant. Et puis, on vous offrira Gims aussi, je vous dis, parce qu'il y a des messages. Quand est-ce qu'il y a un Gims? Eh ben, Gims, c'est avant minuit, on vous offrira vos places de concert pour aller le voir en concert avec Sky. Ouais. Ah, moi, j'en veux bien une. Hein. Ah, bah, il faudra t'inscrire. Ah, bah, c'est par deux. Je vais lancer le top inscription dans 10 minutes. Moi, j'aurais pu tester mon truc. Qu'est-ce que tu voulais? Ah, ouais. Ah bah, tu seras lundi, Marie. De toute façon, ça dure une heure. Donc, de toute façon, ça ne marchera pas. Oui. Non, oui. Marie voulait qu'on teste un truc anti-rhume. Il paraît qu'il faut se mettre les pieds dans du papier alu. Ouais, mais ça marche pour. Donc, tu as l'air d'un con ou d'un extraterrestre ou des deux. Ça marche aussi pour la fatigue, je pourrais essayer sur vous. Pour la fatigue. Ouais, bah, va pas nous faire des trucs à la con pour que ce soit encore plus pratique. On va nous faire foirer le morning, Marie. C'est un truc sympa. Bon, t'appelais pour quoi, toi, Jérém? Moi j'appelais pour celui qui avait mal au ventre là. Ah oui, c'est Cartman qu'on a eu tout à l'heure. Alors Cartman, c'est, on parle souvent de ceux qui ont pas de chance. On peut dire que c'est le mec qui a pas de chance du tout. Hein, Cartman, hier, il casse la gueule dans les escaliers, il va aux urgences. Aux urgences, il y avait la clim à donf, il tombe malade. Et depuis hier, il chie. Il a la chiasse. Il fait caca mou. Il fait caca mou et il est tout malade. Ça peut être un choc thermique. Donc c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce qu'on nous disait sur les messages. C'est Carré qui nous laissait ça. Il a la diarrhée. Ouais, c'est ça. La courante. La colique, j'ai la chiasse. L'alcoolique, Marie, ouais, c'est ça. Et donc, Jérémy, ouais, toi, t'es arrivé quoi? Bah, en fait, moi, il y a deux semaines, dans la nuit, j'étais malade et pareil, j'avais la diarrhée, je vomissais et tout. Et le lendemain, je pouvais même pas avaler des médicaments et tout, je vomissais les médicaments. Et le lendemain. Ah, dans ce cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, le suppo. Bah, non, tu le chies. Bah, non, parce que. Non. Ah, ouais, c'était la chiasse, ouais. Ah, bah, ouais. Alors, ça tu fais quoi dans ce cas-là? Ouais, c'est grave chaud. Bah, du coup, j'ai appelé SAMU et ils m'ont dit de partir en urgence. Ouais. Et l'urgence, ils m'ont fait prise de sang et j'avais une inflammation au niveau de l'appendice. Et donc, ils m'ont gardé. C'est un gros appendicite que t'as eu alors? Non, même pas, parce qu'en fait, ils m'ont gardé deux jours et au final, j'allais mieux. Et en fait, c'était une grosse gastro, mais ça flingué et tout. Ouais, ça fait déjà deux semaines là, je m'en remets. Tout juste là et je suis encore un peu malade. T'es parti à l'étranger, non? Parce que des fois à l'étranger tu peux choper des trucs. Non, même pas. Non, je suis pas parti à l'étranger. Ça fait pour mes vacances d'ailleurs. Ah bah deux jours à l'hôpital déjà, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, c'est... puis chiotte pendant des années. Ah ouais, et puis chier constamment, c'est horrible. Alors si la gastro, ça veut dire que c'est un virus que t'as chopé. Quand on a une intoxication alimentaire, c'est une saloperie qu'on a bouffé. Moi, je sais pas, parce que moi, j'avais mangé des burritos avec du guacamole et tout, à fond et tout. Oh là, je connais un super restaurant du côté du 94. C'est ce que j'allais dire. Arrêtez d'embêter Cédric, hein, c'est mon gars. Moi, je vote pour lui, moi. Ça tombe bien, il a perdu. Bah, le prochain cas, je t'aurai voté pour moi, ma gueule. Ah ouais. Et on est ensemble, hein. Toujours. Bah là, il y a plus grand monde, là. Arrête de dire ça, Romano. Ce soir, vous étiez 27% pour Cédric. Ça fait quand même du monde. La team se réduit, là. Oui, mais bah, alors, on va dire, ils sont pas rentrés. 27% quand même de vacances. Ah ouais, non, donc c'est lundi. Donc c'est ouais, donc tu sais pas ce que c'est, si c'est une gastro, ils t'ont confirmé que c'était une gastro, donc parce que après j'ai été voir un gastro-entérologue et il m'a dit que j'avais une grosse gastro, mais là j'ai un traitement à prendre de fond et si ça va pas mieux, il faut quand même que je fasse un IRM et tout. Moi je suis toujours pas trop guéri. Donc moi ce que je lui conseille c'est ça a dû t'inflammer l'intestin en fait. Bah moi je sais que j'ai eu la même chose que toi lors de vacances de Noël, mais il y a longtemps. Hein. Ah vacances de Noël, je suis jamais malade. C'est vrai, est-ce que vous m'avez déjà vu malade? Jamais. Bon, c'est Marie. À part ma tendinite, mais j'ai survécu, tu as vu. Ouais, toi, t'avais fait le 31 à l'hôpital, en fait. J'ai fait le 31 décembre à l'hôpital, j'avais chopé une gastro de ouf. Et pareil que toi, ça m'avait enflammé le duodénum. Ça, tu commences bien l'année, quoi. Vous connaissez que c'est le duodénum? Non, c'est quoi? C'est une espèce de petit. C'est un bout de câble. Non, c'est un petit truc, ouais, peut-être, en quelque sorte, oui. C'est un tuyau, quoi. C'est un petit truc qui relie deux trucs dans le bide. Ah ouais. Entre l'estomac, je sais pas quoi. C'est ou pas l'estomac et l'intestin? Je crois que c'est ça, ouais. Et donc, le truc, c'était enflammé, ce qui fait que dès que je bouffais un truc, ça ressortait illico, j'étais malade, j'avais mal au bide, mais en crevé, et je chiais, mais pas trop. Mais tu mais toi, pour un peu, t'as l'intestin inflammé, ouais. Ouais, moi, c'est. Appelle les pompiers! Non, mais moi, c'était la merde, et moi, je conseillerais d'aller voir. D'aller à l'hôpital ou d'aller voir ce que je dis, hein, s'il est encore, il a été malade toute la journée depuis hier. Si elle est encore malade demain, il voulait attendre lundi pour aller chez le médecin. Faut y aller avant. Ouais, hein. Parce que moi, par exemple, quand je suis parti aux urgences, en fait, je pouvais rien avaler. Donc moi, j'étais desséché. Ah, mais je peux toujours avaler. Tout, sans problème. Tout passe. C'est con. Ouais, et ça fait que limite, si je restais, j'aurais pu mourir, je sais pas, parce que je mangeais plus, je buvais plus, je faisais plus rien. Donc tu commences à te déshydrater. Bah, comme moi, quand tu buvais un verre d'eau, par exemple, tu le vomissais direct. Et tu sais, en parlant d'eau, vous savez que c'est très mauvais pour la santé. Vous avez pas vu cette info d'un mec à Paris, là, qui a bu, en fait, de l'eau en fait dans un bar? Ah oui, j'ai vu, il va mourir. T'as vu le truc? Non, ça y est, il est sorti, mais en fait il va avoir des problèmes toute sa vie. Un mec demande une bouteille d'eau dans un bar. On lui amène la bouteille d'eau, il boit la bouteille d'eau. Ouais, une bouteille d'eau, mais quoi, c'était de l'eau du robinet quoi. Non, c'était une bouteille d'eau parce qu'en fait on a su après que en fait c'était un serveur qui avait foutu du liquide vaisselle ou je sais pas quoi dedans, qu'il avait rangé tu sais automatiquement dans le réfrigérateur et en fait il est brûlé mais jusqu'à l'estomac. Ah mais c'est horrible. Du coup, c'est le restaurant Cédric. Mais il a bu avec sa nana aussi. Restaurant qui a 4 vomis d'or sur le petit guide de Cédric le Belge. Où manger pour être malade? Ah bah, truc de dingue. Un mec de 25 ans, et donc du coup, bah, il va avoir des problèmes toute sa vie, quoi. Ah, ouais, mais il aurait dû regarder, parce que moi, je regarde, par exemple, quand t'as mis une bouteille d'eau. Ouais, normal, elle est fermée, ouais. Ouais, normalement, moi, il doit l'ouvrir devant toi. Ouais. Bah, ouais. Si là, le mec, en fait, ouais, c'était une bouteille qui stockait, c'est comme chez toi, tu peux mettre de la javel, en fait. De l'eau de javel dans une bouteille d'eau, quoi. T'as un produit à la con. Mais il a pas senti. Ouais, c'est vrai, quand tu le sens. Bah après, ouais, c'était quoi, du produit vaisselle? Ouais, je sais plus ce que c'était, mais c'était un produit pour nettoyer. Ouais. Ah ouais, du détergent ou quoi, peut-être plus, ouais. Ah, ah ouais. Ouais, mais genre, ouais, parce que produit vaisselle, je pense pas que tu te brûles la gorge quand même. Oui, puis ça mousse, tu fais des bulles, non, au pire. Mais ouais, c'est genre de l'eau de javel. Ouais, c'est ça, eau de javel ou écarlate, un détergent, un truc. Il y a PS4 là qui nous dit que quand il était petit, il a passé 17 jours à l'hôpital à cause d'une gastro, dont deux en réanimation. Mais une gastro, ça peut te. Eh ben, tu vois, t'es le premier qui passe à l'antenne à qui on parle, première d'ailleurs. Parce que les filles, c'était pareil. Qui a eu le même truc que moi, qui se retrouve à l'hôpital en urgence avec une inflammation de l'intestin ou je sais pas quoi. On est pareil. Une tendinite aussi. On est ensemble, Jérémy. Ouais, on est pareil. On est beau gosse tous les deux. Mais en plus, t'as vu comme je suis beau gosse. Depuis tendinite du duodenum. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, l'épaule, Romano. D'ailleurs, il se fout de ma gueule, Romano. Il se foutait de ma gueule avant les vacances. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis à tout le monde. Non, mais c'était moi, je suis parti à tendinite. Non, avant les vacances, j'ai donc fait une tendinite, mais carabiné, un truc terrible. Vraiment, j'ai souffert. Le martyr. Ah bah, je sais pas si nous aussi on a souffert si un être, martyr, hein, mais un être normal supporterait ça. Ah bah ouais, bah nous on les a supportés, mais mais tu n'es pas normal. Et donc ouais, tendinite de ouf. Moi, et pendant ce temps, Romano arrêtait pas de dire, il arrête pas de se plaindre avec son bras. Et alors? Bah cet été, j'en ai fait une. Bien fait. Parce qu'en fait, tu as été puni par Dieu. Je portais des sièges de plage. Ouais. Et en fait, j'ai voulu faire le fier. J'ai mis les deux sur mon épaule. Parce qu'il est très musclé. Hein. Et en fait, j'ai pris le chemin pour aller à la plage et ça m'a niqué l'épaule. Et après, pendant deux jours, j'avais trop mal à l'épaule. Ouais, ça va, deux jours. Difool, c'était deux semaines. Ouais, deux semaines. Mais un mois quand même. Et t'as eu le bras bloqué comme moi. Ouais, non, mais je mettais le bras, tu sais, j'étais obligé de mettre le bras en écharpe. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'était comme ça que je me sentais le mieux. Mais moi, j'ai acheté direct des cachets parce que je voulais pas que ça limite mes vacances. Je sais ce que vous pensez tous, mais Difool, comment as-tu fait pour survivre? C'est vrai. Eh bien, la réponse que je vous donnerai, c'est que j'ai pris des médicaments. Je ne sais pas moi. À un moment donné. Parce qu'au début, Difool, il prenait pas ses médicaments. Tu sais, ouais. Il prenait pas, il mettait pas le truc là, tu sais, pour avoir la son telle. Bras. Ouais, la telle pour avoir son bras bien. Il mettait pas, gros. Ou il mettait à moitié, tu vois. Non, mais c'est ça, vrai. Ça a duré deux semaines. Et voilà. C'est vrai, une fois que j'ai mis, ça allait mieux. Eh ben ouais. Mais moi, j'ai tout fait bien et deux jours. T'as deux jours. Tu vois, c'est une petite tendinette. Ah, c'est rien. Eu, toi. Non, mais attends, avec des sièges de plage, ça m'a niqué l'épaule. Hein, c'est parce que tu t'es trop musclé. Ouais, mais c'est ça. Elle est fragile. Non, mais j'ai. T'as vu, hein. C'est un petit gars fragile. J'ai voulu porter le siège de carriole et ouais. J'aurais. Mais l'Holman l'a porté les deux, du coup. Ah, tiens, démerde-toi. Il dit full dit ça, mais c'est quand même démis l'épaule en ouvrant son frigo, hein, une fois quand même. Aussi, oui, en dormant également. Oui, en dormant, c'est vrai. Bon, bah en tout cas, merci les éclopés. Merci Jérémy. Donc, on redonne le conseil à Cartman, sérieusement, à Cartman. Si, ouais, parce que ça peut être une appendice en vrai. Hein. Ça, il faut faire gaffe. Hein. Ouais, ça, il faut pas attendre, hein, par contre. Ouais. Si après, ça vrille en péritonite. Ah, mais il est encore là, Cartman. T'es là, Cartman. Ouais, mais il paraît que ça fait tellement mal. Allô? J'imagine que ça t'a rassuré, le témoignage de Jérémy. Hein? Hein? Il t'a rassuré, Jérémy? Ouais. Non, mais sérieusement, attends pas lundi pour aller chez les médecins si t'es encore malade. Hein. Ouais, non, mais vois comment t'es demain matin. Faut faire gaffe. Oui. La nuit, il porte conseil. La nuit porte conseil. Ok, bah merci. Bon courage, Cartman. Ouais, merci. Salut à toi. Difool. Et ouais, Jérém. Ouais, je peux passer une dédicace, s'il te plaît. Allez, vas-y, fais péter. Là, on va rappeler Marc, nous, hein, parce qu'il est déjà. Ah, c'est l'heure. Ok. C'est l'heure. Bah, je fais une dédicace à Hugo. Il se prend pour le Duc et il est pour Marseille, ce con. Je fais une dédicace à Noé le Nain, Julien le Puceau. Zigzag, tonton Zigzag, et fuck le DUTGE, hein, parce que c'était mange merde à Nanterre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, petite humeur, et vous avez le droit, c'est Radio Libre. Ouais. T'en profites. Allez, et Cédric et Karine, ils peuvent me suivre sur Insta. Sucer sur Insta, pas de problème. Ouais, sucer, mais ailleurs aussi. Hein. Non, me suivre. Suivre sur Insta. C'est quoi ton Insta? C'est Jérémy The 13TH. Vas-y, The 13TH. Elle va suivre @lebelge et vas-y, je vais te suivre, poteau. Ouais, mais je te suis déjà, en fait. Voilà. Pose-moi des likes, je suis pas sa team. Et je crois que je vais. Je suis pas sa team. Moi. Ouais, j'ai compris, t'es la team Romano, toi. Non, team Cédric. Cédric, ouais. Ah ouais. Jérémy. Genre, c'est Jérémy avec un Y. Prenant. Oui, Jérémy, quoi. Ah si, t'as une casquette. Ouais, voilà. Enfin, ta tête. Tiens, c'est lui. Moi, tu votes pour le belge. Vas-y, va laquer les photos, poto. La casquette et le costume. Ça avec le costume. Casquette, costume. Nickel. C'est le costume au daron, ça se voit. Quoi, c'est trop large. C'est bien. Bon, merci, Jérém. Et attention, place. Tu quittes pas, t'envoies le t-shirt Skyrock à la maison. Et bon courage à Cartman. Oui, et puis merci pour les messages que vous avez envoyés. Mais attention, attention, attention. C'est parti. Voici Pamela. Eh ben oui, c'est reparti. On y va, Marc. Ouais. Blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Ah ben là, je peux vous dire, on est au top de la sensualité. Ah, on a eu vraiment un très très. Comment il s'appelait l'autre déjà? Alors, Antoine. Antoine. Antoine le déglingo. On a eu l'autre complètement. Complètement normal. Ouais. Ah. Antoine au téléphone. On a eu Marc et Marc avait été en voiture. Il voulait qu'on rappelle Marc. Il est très très ronde. Faut que je vous le représente. Alors là, oui, je suis ronde, mais ronde. Alors tu fais combien alors? 1m50, ça on est d'accord. Sur le poids, tu voulais pas dire que tu faisais 750 kilos. Non, mais c'est le mec, il faut pas le faire. Pas possible. 40, c'est bien. Ouais. Pourquoi tu veux pas faire 750? Déjà 50, 150. Bon. Ouais, c'est bien. Lui, c'est Marc, c'est lui. Bonjour, je suis Marc. Je suis habitant Nice. Je cherche des filles rondes, même très rondes, même très très rondes, oui. De préférence. Donc, mon numéro 06-71, je suis à peu près 1m75, 75 kilos, voilà. Bras. Et attention. J'attends votre appel, merci. Des filles rondes, oui. Même très très très rondes, voilà, merci. Donc il a fait, je cherche des filles rondes, des filles très rondes, même très très rondes, et très très très rond. Ah ouais, ouais, bah il précise bien. Ouais. Il insiste. Allez, c'est parti. Allez, main grosse. Allez. Putain, c'est chaud. Ah, c'est avec sa bagnole. Allô? Ouais. Marc? Non. Mais si, c'est Marc. Allô? Ouais, tu m'entends? Allô? Oui, Pamela, à l'appareil. Allô? Oh là là. Allô, Marc? Mais tu m'entends, Marc? Marc? Marc? Mais qu'est-ce que tu fais, Marc? Je te rappelle. Je raccroche, je te rappelle. Oui, vas-y, raccroche. Ouais, je sais pas si branle, lui. Ça bite. Ça m'a l'air d'être un champion. À mon avis, ça bite. Ah ouais, tu m'étonnes. À mon avis, ça bite. Bon, peut-être qu'il nous entendait mal, c'est vrai qu'il est en voiture. Donc, Marc, Denis, qu'on rappelle tout de suite et on prépare Panda. J'ai lancé le top pour la roulette. Préparez-vous. Si vous voulez gagner Maître Gims, c'est dans quelques secondes. Ah, non, je suis plus la voiture, je suis dans le fossé là. Non, mais tu sais que j'y pensais. J'espère qu'il s'est pas cassé la gueule. J'espère qu'il s'est pas cassé la gueule, le con. Je crois qu'il était en voiture. Non. Non, mais là il avait dû rentrer, mais on avait l'impression que ça coupait. Allô? À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bon, on le rappelle dans un instant. Tu fais chier, connard. Dans un instant, on lui repasse un coup de fil. Marc, le retour et les inscriptions pour la roulette, c'est parti, c'est maintenant. Si vous voulez gagner Maître Gims en tournée avec Skyrock, et ben oui, ça continue, ça tourne. Vous gagnez vos places pour aller le voir où vous voulez. C'est bien, vous choisissez ce que vous voulez. Deux places à choper tout de suite. Pour ça, il faut s'inscrire. Vous inscrivez au 7-20-20 et vous envoyez roulette, tout simplement. Exact. Roulette au 7-20-20, très très vite. Vous vous inscrivez, on vous rappelle, vous faites tourner. En plus, vous vous retrouvez en direct avec nous pour bien terminer cette semaine, cet été, cette radio libre de l'été. Ouais. Sur Skyrock et Panda tout de suite. Ça c'est gros son découvert sur Skyrock. Première radio urbaine mondiale. Voici Designer et Panda sur Sky. Tous les soirs, 10 full radio libre. 21h minuit sur Skyrock. I got broads in Atlanta. Just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting no licks in the van. Legacies, family. Wait, see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacies, family. Wait, see, panda. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they pull up your bandit. Over killers on the stand. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey, kid is Alejandro. Legacy, family, why is he Johnny? Package move, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. The nigga pull up your family, hope the killers understand me. Hey! Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, chase a domain and shoot, sip a fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over to Lattice, shoot. They be acting rats, I know we clapping, shoot. I be pulling my stuff in the finest, shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, final, why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime and gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest, no niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of new money. No killers pull off in the end of baby. CTD pull off in the killer baby. Call a filler, fill up on filler baby. Niggas up in the baby, gon' drill it baby. Fuck, gon' kill it baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I flood the bonds when he spinning. The Bobby be trending. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the fool, and I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the band. Legacies, family, why is he look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, why is he panda? Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. The nigga pull up your band. Killers understand me. I got broads in the line. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. The nigga pull up your band. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Sur Skyrock, on écoutait Designer. Come on. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Et ouais, radio libre, on a passé une belle soirée. C'est pas fini tout à fait, restez bien dans le coin. Puis juste après, il y a la nocturne de Planète Rap avec Fred. La nocturne, c'est tous les vendredis soirs. C'est 100% rap français avec toutes les nouveautés du rap français. Ah, et toutes les nouveautés de l'été aussi, puisque la nocturne est partie en vacances et revient de vacances. Ouais. Ce soir, la rentrée sur Skyrock, c'est lundi avec, bah tiens, on parlait de Fred. Le retour de Fred de 9h à midi le matin. Notre grand retour dans le morning, c'est entre 6h et 9h. Et attention, c'est nouveau. C'est toutes les demi-heures, en tout cas pour le début de ce morning dès lundi, que vous gagnerez 1500 euros. Vous savez, logiquement, les 1500 euros, c'est tranquille toutes les heures comme ça. Bah là, dès lundi, toutes les demi-heures, on vous offre 1500 euros. Ça va tomber dès 6h du matin. Bim bam boum badadam. Bim bam boum badadam. Ok. Ça va tomber partout. Voilà, le morning de retour, les nouveautés du morning, enfin tout ça à ne pas louper. Et puis la radio libre aussi, nouvelle saison qui démarre dès lundi, yes. Dès lundi soir. Je réessaye le pervers en antenne. Vas-y, au si bon. Si je vous le passe. Vas-y, réessaye-le. On n'a pas un petit dernier à rappeler, non? Ouais, vas-y, tu veux. Ouais, juste pour le délire. On réessaye Marc. Marc, c'est celui qui veut des filles très, très, très rondes. Alors, on nous proposait Romano, c'est Thibaut qui laissait le message sur SMS. 50 kilos. Non, attends. 1m50 et 500 kilos. Il trouve, ouais, non, mais il trouve que quand, kilos, j'ai, quand j'ai dit 700 et quelques, c'était trop, c'était pas crédible. Non, mais 500, ça le sera pas non plus. Parce que le Marc, il cherche des filles rondes, très rondes, très très rondes et même très très très rondes. Ah bah, t'as très très bon, très très rondes. Marc, il répond pas. Hein. Ah, bah, il nous casse les couilles. C'est qui, lui, ça? C'est un mec du chat. Ah, on est en train de chatter en même temps. Pamela, chat. C'était la folie, Pamela. T'es toujours là? Oui, toujours. Bah, bien sûr que je suis là. Très bien. Allô? Allô? Ouais, c'est toi, beau mec? Oui. T'es en train de te branler? Oui. Oh. Ils sont chauds. T'habites les comment? Dans une croix. Parle mieux, j'entends mal dans le téléphone. Parle mal. Cédric, toi t'as dit parle mal derrière. Ah ouais, tu voilà. Fais chier. Parle mal, parle mal. C'est pas moi, c'est du fou. Bon, rappelle, tu c'est pas du fou, tu as reconnu ma voix? Bah, pas du tout. Bon, bah voilà. Bah, bien sûr. Paul Mall. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas répondu l'autre parce qu'il y avait une bonne idée. c'était pour Marc qui voulait des filles rondes. Autine proposait Cédric en fille ronde. Ouais, j'y ai pensé. Ouais. Allô ? Allô ? Oui ? Ouais, pourquoi tu raccroches ? Ça a coupé. Ça a coupé, ah ouais. Bon. Bon, ta queue, elle est belle, hein. J'ai vu la photo, elle est belle. Hein. T'es seule, là ? Hein ? T'es toute seule ? Ah ouais, mais je suis toute seule, là, ouais. Là. Oh. Là, t'es comment, là ? Là, je suis à poil, là. Ah ouais. Ah. Mmh. Ah, il y a des poils partout. Mmh. Mais je te laisse ta chatte. Ah, mais je t'entends mal, parle mieux dans le téléphone. Et je te lèche la chatte. Ah ouais, tu me lèches la chatte et après. Je te casse les seins. Ah ouais. Tu mets trois dans le cul, là. Trois. Trois, ok, ouais, tu me prends les trois seins, ouais. Ah, ouais, trois dans le cul. Ah, trois doigts dans le cul, direct. Ah ouais. Ah, c'est bon, ça. Ah ouais. Moi aussi, je te mets un doigt dans ton cul. Ah ouais, vas-y. Je peux péter. Ah ouais. Attends. Ah. Ah, dis-moi des choses. Ah ouais, je propose ma bite dans le cul. Ah ouais, vas-y. Tu penses bien. Ah ouais, vas-y, t'es romantique. Ah ouais, en même temps, je t'ai calé sur mes temps. Je te baise. Ah ouais, tu me baises, ouais. Ah ouais. Et moi, je pète pendant ce temps-là. Ah ouais. Je te pète sur la bite. Ah ouais, c'est bon. Ah. Allô ? Cédric. Ah oh, putain, mais tu fais chier, c'est Cédric. Pas moi. Cédric, le paix était très bien, mais pourquoi tu as fait tap-talap-talap-tap oh, après? Oh ouais, j'ai pas pu me retenir. Le mec, ça l'a fait partir. Ça va été dans les chiottes, non? Je sais pas, oui, je pense. Wow. Mais ils sont chauds, ouais. Hein, sur ce chat-là. Ah ouais, et puis les mecs, tu les appelles, ils ont la bite en main et tout. C'est... Ils sont romantiques. Ah ouais, beau gosse, t'as vu. Ils sont romantiques, je te pète le cul. Bon, en tout cas, Pamela, ce soir, bah, grand succès pour la dernière radio libre de l'été. Je suis contente. Bah oui. Je ne suis pas déçu d'être venu. Ah bah ça, je peux te dire, il y a eu Antoine. Ils nous ont fait presque une demi-heure, les pervers. Antoine. Il y a eu Marc, qu'on a eu au début. Bon, après, le mec a eu un problème psychologique, ça on le savait, mais peut-être un problème de téléphone, je sais pas. Et le là, tout dernier. Là, on a eu beau mec. C'est beau mec. Mais il a envoyé une photo, lui, faire la gueule qu'il a. Non, attends, la photo, non, je l'ai pas. La bite. Ah, tu l'as pas hein? C'est la bite que t'as vue tout à l'heure, la bite fétrie. Ah. La bite de vieux. Ah, ah oui, avec le sapin. C'est ça, ouais, les, oui. Il était pas tout jeune, lui, a priori. Hein. Ah. Sa bite est un petit peu fatiguée. Ah. Et bien voilà, terminé la soirée avec Pamela. PTDR nous dit. J'ai pas vu le message. Mais merci pour ton message. Merci à toi. Et bien voilà une belle soirée qui se finit. Ah, oh, c'était merveilleux. Allez, on va prendre Marc là-haut. Marc. Marc. Mais c'est Marc lui qui cherche. Tu veux des rondes? Tu veux des filles très, très, très, très. Très non, des filles normales. Ah. Marc du. Ah, il cherche quand même. 62. Du 62, voilà, c'est bien ça. Ça va, Marc, bien? Ça va bien, de la famille. Écoute, nous, ça va bien. Tu veux gagner Maître Gims, toi? Tu t'es inscrit au 720. Ouais. Et ouais, bah, je veux gagner Maître Gims, ouais. Eh ben, t'as raison. C'est l'heure maintenant de faire tourner la roulette des places pour Maître Gims. Alors, je vous l'annonce encore tout au long du week-end. Et comme ça a cartonné toute la semaine, on remet ça dès lundi matin dans le morning. Donc, tout ce week-end, ouais. Toute la semaine prochaine, vos places pour aller voir Gims en concert avec dans la roulette. Et ouais. Ouais, ça va être lourd. Allez, c'est du lourd. 200 places de concert, Maître Gims. C'est du lourd, ouais, c'est du lourd. Skyrock. Sur Maître Gims. Et ça tourne, Marc, on fait tourner la roulette. Allez, c'est parti. Allez, on tourne. Allez, on tourne la roulette. Oui. Allez, c'est parti. Oh là là. C'est bien. Pas mal. Elle souffle. Ne tombe pas. Hein. Ouais. Bah attention, deux places de concert pour Gims pour aller le voir où tu veux. C'est gagné, Marc. Merci les gars, merci Skyrock, merci Nugi, merci toute l'équipe. Ah ouais, t'as deux places, Marie, veut savoir qui t'y va. Ah, ouais. Ça déchire, franchement, ça fait plaisir. Qui c'est que tu vas ramener au concert? Ouais, je vais ramener peut-être une copine, moi je vais voir, je pose la question quoi. Oui, de toute façon, t'as le temps, ouais, c'est le 28 novembre à Lille, tu vas l'envoyer aller, ouais. Tu vas y aller à Lille. Ah, ça fait, bah ouais, je vais y aller, je vais emmener madame avec, hein, si Dieu le veut, Inch'Allah. Bah, c'est pour le 28 novembre à Lille, le concert de Maître Gims, il tourne. Ah, c'est lourd. Et il est dans la roulette tout au long du week-end. Bravo, ouais. Marco. Hein. Ah, merci, vas-y, merci, franchement, ça fait plaisir, je vais bien dormir ce soir. Bah, c'est cool, ouais, il va faire chaud. Hein. Ah ouais. Je suis bien, ouais. Une petite question, vous dormez avec des couvertures, avec. T'es malade? Parce que moi, j'ai du mal à dormir sans rien sur moi. Et bah, alors là, il fait tellement chaud que je dors sans rien. Ah, moi, je dors avec mon ventilo sur moi. Moi aussi, non mais un drap, non, c'est trop un drap, c'est vrai. Bah oui, c'est trop. Cette nuit, c'était l'enfer. Tu aurais qu'un drap. Non, tu n'auras pas qu'un drap, tu aurais qu'une couette, Cédric. Non, un drap. Cédric prend la couette en entier. Ah ouais. La housse de couette. Ah, j'ai retiré la couette parce qu'il fait trop chaud là. Tu transpirais comme un porc même avec un drap, gros. Non, un drap, ça va encore. Vous avez pas vu la méthode là qui tourne sur les réseaux sociaux? Alors tu prends une feuille d'aluminium et tu la manges avant de dormir. Et bien après, ça va super bien si tu ne dors pas. En fait, le mec, il s'est foutu dans la housse de couette, donc sans couette, il a foutu le ventilo, tu sais, à l'entrée du truc. En fait, ça lui fait de l'air. Ça a l'air pas mal. Ah bah pour choper une bonne crève, ouais, c'est pas mal. Ça, au moins t'as de l'air. Très très bonne idée, une bonne crève, un torticolis, enfin des trucs. Pareil, pareil. Si tu dors avec le ventilo sur toi, tu vas tomber malade. Hein. Mm. Bah écoute, pour l'instant ça va. Bah oui, oui, c'est dangereux ça. Je dors avec un drap et la clim, nous dit Matt du 44. C'est pas très bon la clim, mais c'est vrai que ces temps-ci c'est plutôt pas mal. Hein. Ah bah c'est bien la clim. Hein. Bah ouais. Moi je dors avec un drap parce que j'arrive pas à dormir sans. J'ai l'impression que je vais me faire attaquer par des esprits. C'est ça. Bien sûr. Non mais tu sais que moi j'ai du mal à dormir sans rien non plus. Bah moi aussi c'est pareil. Mais là, ce temps-ci, je mets rien là. Mais je mets un petit bout de drap quand même sur ma jambe. Ah oui. Ah ouais. Ouais, mais je sais pas, sinon j'arrive pas. Moi, je me pose sur mon lit et j'essaie de plus bouger. De toute façon, il fait tellement chaud. Voilà, je peux me poser à côté de toi. Non. Ça, ça va aller. Non, Cédric, c'est très gentil. Non, dis fou, là, il y a une place. Exactement. En tout cas, je n'ai pas un lit 5 places, donc tu rentreras pas dedans. Ah, dommage. C'est trop chaud à Sarcelles, on nous dit. Il fait encore 31 degrés. C'est chaud, c'est chaud. Moi, je dors avec une feuille sur ma bite. Mais bien feuille. Sûr. Ouais. Feuille de vigne. Feuille de vigne, comme Adam et Ève. C'est ça. Moi, je dors sans rien. Il fait trop chaud, trop chaud. Bon, toujours avec ma couette. Putain, avec ta couette. Diffoule le beau gosse 18 ans qui nous envoie ça. Mais comment tu fais pour dormir avec une couette avec la chaleur qui fait? Bah, tu transpires comme un gorée. Ah ouais. Bon, bah, bonne nuit, bon courage, bon week-end, profitez bien. Fredo. Et là, je suis là pour la nocturne. En pleine forme. Bah, j'espère bien. Retour de la nocturne. Ouais, coup d'envoi de la nocturne pour cette nouvelle saison. Bon, il y a des nouveautés. Des nouveautés. On fera une heure de classique tout à l'heure. Bref, on est bien. Ah. Donc, ça commence par une heure de nouveautés. Après, il y a une heure classique. C'est 100% rap français, nocturne. Spécial année 96. Ah, année 80, remonte 20 ans en arrière. Eh oui. C'est ça. C'est retour vers le futur. Vers le passé. Voilà, vers le futur. Le passé, là. Bon, on va rester là. La nocturne, à pas louper. Ça vous accompagne si vous êtes sur la route en train de remonter de vacances. Je sais qu'il y en a plein qui sont. Ou sur la plage, encore en profiter. Ouais, bah, apparemment, il y avait des bouchons. Il y avait des bouchons sur la route. Soirée, mettez-vous bien. Oui, profitez bien. Puis si vous êtes chez vous, dans votre lit, essayez de ne pas bouger pour ne pas transpirer. Bougez pas trop. Bougez pas trop. Profitez. Nocturne, c'est parti. Lundi matin, eh ben on est de retour. Dès 6h. Romano et Cédric, on se retrouve. Ouais. Morning. Bonne rentrée, les mecs. Merci. Merci. Et la rentrée de la Radio Libre, c'est. Bah oui, c'était la dernière Radio Libre de l'été. C'est lundi soir. C'est fini. De 21h. Profitez bien de ce week-end, éclatez-vous. Et nocturne dans. 30 secondes. C'est parti. Yes. Quand vous voulez, c'est parti. Bien. Salut Fredo. Ciao. Salut à lundi matin. Ils vont tous se réveiller sur Skyrock. Hi, this is Rihanna. Maître Gims. Hey, it's Beyoncé. Salut, c'est Romano. Wesh, l'équipe, c'est Jules. C'est Sabrina. This is Justin Timberlake. Salut, c'est Difool. Salut Difool, c'est Momo du 4-2. This is Bruno Mars. Bonjour, c'est Pamela. This is Eminem. The Morning Show. Toi aussi, rejoins-nous lundi matin en direct de la part dès 6h pour le retour du Morning de Difool avec 1 500 € à gagner toutes les 30 minutes si tu réponds que ta radio préférée c'est Skyrock. Skyrock. 6h-9h. The Morning Show. C'est le Morning de Difool sur Skyrock. Allez, salut. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne. Coup d'envoi, première saison de la nocturne en ce 27 août 2016. Bienvenue à vous tous. On le disait avec Difool, ceux qui sont peut-être sur la route, ceux qui sont posés à la maison, ou ceux encore les plus chanceux qui profitent des derniers moments de vacances à la plage peut-être. Tiens, dites-nous où vous êtes pour écouter le son de la nocturne. 100% rap français, un petit message avec le hashtag la nocturne sur Skyrock, ça arrive direct. Une heure de nouveautés, une heure de son classique. On repartira, bah tiens, pour fêter aussi les 20 ans de la saison de Planète Rap. 20e de saison pour Planète Rap. Et pour la nocturne, on ira faire un tour dans l'année 1996, ce sera dans la deuxième heure d'émission. Coup d'envoi de la nocturne 100% rap français, c'était tout à l'heure dans l'émission, il nous l'a dévoilé en exclu. Gims nous a ambiancé son remix de Sapé comme jamais, on va débuter avec. Sur le morceau, il y a Gradure, il y a Alonso, il y a Que Black et la belle Hawaii Mani, ainsi que Maître Gims. On débute avec maintenant 100% rap français, 100% explicite lyrics. La nocturne. En direct de Skyrock ce soir, Planète Rap, on est vendredi. Et un contre-cœur est déjà sorti, c'est dans les bacs. Là c'est le remix, je sapais comme jamais. Avec Alonso, Gradure, Que Black, Hawaii Mani. Lourd dans le game, un peu comme Guy. Voilà qui n'y va, il faut doper dans Bangui. On le fait tiens là. C'était pas le monde dans le bolide. Allez tout le monde. Sapé comme neve, comme neve dans le carré. La bouteille sur la table, je vais encore finir. Il s'appelle Gradure. Allez, Yamato, comme jamais. Bienvenue dans la terre du milieu. On est sapé comme jamais. Les soeurs qui ont posé un point de vue. Normal que l'on casse la démarre. Au cousin c'est faux, Joe, que j'ai des mains. Je suis sur la piste pour la laisser des demain. En tout du poignet, j'ai le salaire à Nema. Dans mes grands coups de foi à l'avenir. Ça se passe sur Skyrock. Ça fait comme jamais. Ça se passe sur Skyrock. Ça fait comme jamais. En featuring un autre genre de plaque à dire oui, Mali. Mais ce film, c'est craca. Ton nom, mamé. Je n'aime pas tout ce qui me fait un dégât des eaux, mamé. Carrosse, gamos, beau gosse, vamos. Je bouge à Phuket un mois demain. Je fais les 100 pas, je pense aux pesos. Je t'oublie, tu boudes un mois demain. J'ai mis la wea, Drogba, Kwame. J'ai marqué le terrain. J'ai un jean en or, Balmain. J'ai un jean en or, cousin. Passe avant minuit. Passe à 23h42. J'avance sur la piste, toi, je suis habillé comme jamais être humain n'était habillé sur terre. Oui, c'est nous, oui, c'est sorti. Un contre-cœur. Allez, saper comme jamais. Saper comme jamais. Saper comme jamais. Saper comme jamais. Y'a Loulou et Boutin. Loulou et Boutin. Coco n'a jamais. Coco n'a jamais. Why many flow harmony? Je sais bien qui je suis, je ne vais pas le maner. Et dans la nuit, ce soir, grosse soirée, faut pas que je vise le décor. En voiture immobilisée, mais mon panier est relativisé. J'arrête de supplier, regarde pour la jouer vite. Yeah. Tu parles, moi j'agis, j'adite te l'avais dit. Oh, ce soir, on sort entre filles, mais tu sais, les manches d'habitude. Planète rap. La nocturne. J'te un boucan, excuse le sang, j'suis tropical. Bouge ton boule là, j'veux pas le goal. Bouge tes hanches dans ce col. J't'ai chauffé, j'te un boucan, excuse le sang, j'suis tropical. Je vais pas te courir derrière. J'en garde ta tête et ça ton derrière. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe avec ton verre. Tu vas me chauffer là, sur grand-père. Si un jour j'la crois, j'vais faire le signe de la Rihanna. Cours plus, j'fais plus de sport à part qu'à sa criara. Allez, le sang, allez, on y va. Allez, le sang, allez, on y va. Allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang, allez, on y allez, le sang côté de Marseille et saluer Elams. Pensez à toi, au poteau Elams, maintenant dans la nocturne. Planète Rap, 100% rap français. Never forget. Forget. Elams dans la marine, tu connais, c'est comme ça. La crise parce que je rentre tard, je lui dis ouais ouais, ouais ouais. Elle me demande à sortir le soir, je lui dis ouais ouais, ouais ouais. Elle veut plus que je traîne avec mes potes, je lui dis ouais ouais, ouais ouais. Elle veut que j'oublie ma team, je lui dis ouais ouais, ouais ouais ouais. J'suis badawan, ouais ouais ouais. Elle écrime la woman, elle me dit qu'elle en a marre. Mais bla bla bla, moi j'veux la mailler. Elle est bla bla bla. Quand je suis dehors, elle me dit, je lui manque. Quand elle me demande où t'étais, je lui dis avec mes potes, elle me dit, je lui mens. Ouais, ouais, ouais, mais non, hôtel, elle me dit. Ouais, ouais, ouais, mais rentre, ouais, mais pas maintenant, t'es pas ma maman, donc faut que tu te détendes. Elle me fait la crise parce que je rentre tard, je lui dis, ouais, ouais, ouais, ouais. Elle me demande à sortir le soir, je lui dis, ouais, ouais, ouais, ouais. Elle veut plus que je traîne avec mes potes, je lui dis, ouais, ouais, ouais, ouais. Elle veut que j'oublie ma team, elle lui dit, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, elle croit que j'ai la maille. Elle est comme les Schmitt, ils croient que je suis boss du haze. Tes commentaires, je m'en passe. Elle me dit que j'ai des tasses. Elle mesure pas ses phrases. Mon album sort dans les bacs. Ouais, ouais, ouais, pourquoi tu parles mal? Je vais te mettre une gifle, va dormir toute la night. Le rap, ça la dérange. Chip et tout si romante. Tous mes gars me disent ça démente. De janvier à décembre. Elle me fait la crise parce que je rentre tard. Je lui dis ouais, ouais, ouais, ouais. Elle me demande à sortir le soir. Je lui dis ouais, ouais, ouais, ouais. Elle veut plus que je traîne avec mes potes. Je lui dis ouais, ouais, ouais, ouais. Elle veut que j'oublie ma team. Je lui dis ouais, ouais. T'es mon amour, t'es mon petit cœur, ça n'en doute pas. Ouais, ouais, ce que je fais, c'est pour nous deux. Ça n'en doute pas. Ouais, ouais, c'est toi et pas une autre. Ça n'en doute pas. Ouais, ouais, toi et moi, c'est pour la vie. Ne t'en fais pas. T'es mon amour, t'es mon petit cœur, ça n'en doute pas. Ouais, ouais, ce que je fais, c'est pour nous deux. Ça n'en doute pas. Ouais, ouais, c'est toi et pas une autre. Ça n'en doute pas. Ouais, ouais, toi et moi, c'est pour la vie. Ne t'en fais pas. Elle me fait la crise parce que je rentre tard. Je lui dis ouais, ouais, ouais, ouais. Elle me demande à sortir le soir. Je lui dis ouais, ouais, ouais, ouais. Elle veut plus que je traîne avec mes potes. Je lui dis ouais, ouais, ouais, ouais. Elle veut que j'oublie ma team. Je lui dis ouais, ouais. La crise parce que je rentre tard, je lui dis ouais ouais, ouais ouais. Elle me demande à sortir le soir, je lui dis ouais ouais, ouais ouais. Elle veut plus que je traîne avec mes potes, je lui dis ouais ouais, ouais ouais. Elle veut que j'oublie ma tune, elle lui dit ouais ouais. Français, planète, la nocturne. C'est comment, Jingo tape sur ton joint. J'ai de la frappe qui t'emmène loin. Minuit pile, on se rejoint. T'es l'hôtel pour grosse joint. C'est comment, les cons des routes dans le coin. C'est comment, moi tu me vois, mais je me porte. Salam à mes frères, j'me méfie des potes. Sur moi, rien qui papote. Audi R8, j'm'en dis des capotes. C'est comment, toujours à la cause, toujours la cote. C'est comment, pas la gueule de l'emploi. C'est comment, pourrais partir en croix. C'est comment, tu parles mais tu vas faire quoi. C'est comment, tes concurrents font pas le poids. C'est comment, respect aux frères qui sortent laser. Mi conduite sous la colle sans permis. Ligne de gauche dépasse, on assume la chasse. C'est pas dans un mur qu'on termine. C'est comment, cramé dans la tête, cramé dans la vie. C'est ça qu'on me dit, raconte pas ta vie. Tu parles derrière le dos devant sus la bite. A mon avis, tu oublies, tu passes tous par ta vie. T'as fermé, vas-y, fais-le. Y'a un œuf tout feneux pour t'accueillir, espèce de haineux. Bang, bang, bang, personne me freine. dis-moi avec qui tu traînes. Je te dirai qui va te balancer. Pour Coco, qu'assume sa peine. Garde à dépôt, déféré sans lancer. Les cœurs vont passer, vont se faire caillasser. T'as beau faire la halle, on connaît ton passé. Y'en a assez, des frères nous quittent. J'ai big rap lancé, big rap du shit, c'est comment. On veut quitter l'illicite, c'est comment. Comment. Pas la gueule de l'emploi, c'est comment. Pourrais partir en croix, c'est comment. Tu parles mais tu vas faire quoi, c'est comment. Tes concurrents font pas le poids, c'est comment. Respect aux frères qui sortent de la zermie. Conduite sous la colle sans permis. Vite de gauche des passes, on assume la chasse. C'est pas dans un mur qu'on termine. C'est comment. Cramé dans la tête, cramé dans la vie. GLK. C'est ta comédie, raconte pas ta vie. Tu parles derrière le dos, devant sus la bite. A mon avis, tu oublies qu'une basse rousse par vie. Cramé dans la tête, cramé dans la vie. C'est ta comédie, raconte pas ta vie. Tu parles derrière le dos, devant sus la bite. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Elle a levé. Urbo CH. Ouais. Ouais. Wormsty dans la nocturne. Je préfère me tromper qu'écouter les autres. Elle a levé. T'as besoin de moi, j'ai pas besoin de toi. Ouais. T'es mal à vie de mauvais garçon. T'es mal, les rappeurs attendent la leçon. T'es mal, il devient froid comme un glaçon. Pourtant il était bouillant, apparemment. T'es mal, ce que j'ai à la vente. T'es mal, il me demande à le pousser. T'es mal, il a du mal à vendre. T'es mal, je vais aller le crosser. T'es mal, je fais encore des chasses en phaser. T'es mal, je fais du lourd comme le cul danseur. T'es mal, j'enlève les preuves à l'extincteur. T'es mal, je suis en sur un gros traceur. T'es mal, le frigo est vide. T'es ma maman est touchée. T'es ma j'arrive plus à me coucher. T'es ma je vais devoir cartoucher. T'es ma les Tommy et leur démarche. T'es ma ce que je transporte au T-Max. T'es ma quand je parle de gros voyous. C'est que je mange avec eux à la terrasse. T'es ma les keufs quand ils contrôlent. T'es ma ils me contrôlent pas. T'es ma la roca ils parlent pas. La zone est dangereuse comme un coma. Veux-tu c'est que Grim il est parti dans moi. Veux-tu c'est une BH et on sait que tu passes pas. Tu vas faire un tour ailleurs. J'arrive dans ta cité. J'vais vendre un fusil mitrailleur. Au bord de ta cité. Téma, il calcule tout. Téma, c'est la donne qu'il me faut. Téma, y'a la BST en train de se snapper. Téma, il est pas sorti. Téma, ils lui ont mis une peine. Téma, j'suis déjà parti. Rien que tu parles de ta casette. Téma, c'est qui va piloter. T'as Téma, le fils de ma cruauté. Téma, sa jupe elle l'a ôté. Téma, c'est de la viande en brochet. Je suis pas là pour te briefer. Deux fois à la troisième tu es viré. Téma, je suis dans le camo, je fais une virée. Le 93 dans le carré pour tirer. Veux-tu on sait que Grim il est parti dans moi. Veux-tu on sait que t'es une BH et on sait que tu brasses pas. Va faire un tour ailleurs. J'arrive dans ta cité. J'vais vendre un fusil mitrailleur. Au bord de ta cité. Ça vient de la rue. Elle est arrivée. Wormsty Téma dans la nocturne 100% rap français. On va rester dans le 9-3. Kalash criminel. Caris. On est pas comme eux. Du son de PNL aussi. Ça sort le 16 septembre l'album de PNL. Planète rap. 100% Explicit Lyrics. 2-7 10-12 R S à Boutiquet en direct de la A9. Sauvagerie 2, 16, 10, 12, 14, bureau annonce la couleur. Sauvagerie. Beaucoup de l'art peu de repenti comme Larry Hoover. Sauvage. Calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Ça vient de se vendre les airs. Sango le dozo. Cagoulé lourdement armé sous la plage arrière. Sango le dozo. En matière, faut que la juge et le commissaire. 2-7 Calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Sauvage et le Zaïrois. Sauvage et l'Ivoirien. Tout ce que j'ai retenu de la Marseillaise, c'est aux armes citoyens. Africain sauvage. Sans oublier que le jour de gloire est arrivé. Ici le produit est tarifé. Et s'il y a un problème mon gars on va le clarifier. Au comico tout nier. Regarde si tout y est, cette année je vais tout plier. Obama une carotte. On t'a juste fait roupiller. Ah ouais. Pendant ce temps là en Afrique en train de tout piller. Je fais du bien et du mal. Mais le bien ils ont oublié. Je leur mets des coups de pression. En plus sans trop crier. Yoki. Je suis albinos parce que je suis né pour briller. J'écoute pas les actes qui paraissent et on m'a dit encore moins les soi-disant. Sauvage. J'incite pas la violence mais Annick ta mère égale un mec en sang. Rien n'a changé pour toi l'esclavage était aboli. Comme dans tous les cas, t'aimes pas si t'es de la police. Sauvage. Famas, Kalash, 9mm, Uzi et P38. Les armes sont payantes, mais les rafales sont gratuites. Arrêt du cœur. Sauvagerie. 2, 16, 10, 12, 14, bureau annonce la couleur. Sauvagerie. Beaucoup de l'art peu de repenti comme Larry Hoover. Sauvage. Kalash sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Ça vient de se vendre les airs. Sango le dozo. Cagoulé lourdement armé sous la plage arrière. Sango le dozo. En matière, faut que la juge et le commissaire. 2-7 Calage sur la mélodie. Chez nous, pas de félonie. J'ai grandi dans la Zermi et je ne me suis jamais plaint. Moi, je m'en bats les reins. Ça ne me fait ni chaud ni froid de mettre du Philippe plein. Tant que le réfrigérateur de la daronne est toujours plein. Je ne trahirai jamais un vrai frère pour une choix. Je matin, midi et soir au refou. Je fais des soupes pendant que tu jappes. Ouais. Je me fais des sandwichs de gnou. Ouais. Je bois de la limonade de chatte. Ouais. Tu veux pas, y'en a qui veulent. Quand on trouve moi vite des feuilles. Quand des gros fiacs nous accueillent. Comme Fetty Wap, j'ai un œil. Je rôde en ville comme un check. Toi t'as une tête appuyée de la schneck. On parle pas avec toi pour la crapie. Pouka vu une fois, Pouka va vie. Tu m'as vu moi ou Kadhafi. Y'a du produit dans mon réseau. Pitié ta faim, monte dans le vaisseau. Mange-moi les yeux qui n'y gobent resto. Pas besoin d'appeler, allo resto. Sango. Mon couplet viendra s'abattre sur toi comme la peine de mort. Sango. Tu te comportes comme si on t'avait conçu avec du sperme de porc. Puis j'arrête de mentir, je suis mignon que quand je dors. Pas de réchauffement climatique, ça devient chaud que quand je sors. Arrêt du cœur. Sauvagerie. 2, 16, 10, 12, 14, bureau annonce la couleur. Sauvagerie. Beaucoup de l'art peu de repenti comme Larry Hoover. Sauvage. Calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Ça vient de se vendre les airs. Sango le dozo. Cagoulé lourdement armé sous la plage arrière. Sango le dozo. En matière, faut que la juge et le commissaire. 2-7 Calage sur la mélodie. S-E. Chez nous S-E. Pas de félonie. S-E. R.A.S. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Thank you. bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le scène. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et lendemain dans le père. T'entends du PNL. T'entends du PNL. Dans le hood, dans ville on a vie. La jungle elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires. Du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Nico, on fait ce qu'on peut. Toi reste en chien, toi reste en chien. Majeur traverse le ciel. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. 2-3 millions. 7 mois là juste pour quitter la terre. Je fais plus ta gare. Tu élèves, se fait le rap FR. L'odeur de la mer. Je sens qu'il est temps de se refaire. Je suis bien chez père. Je rattrape les années en l'air. J'aime son accent. J'aime la vie en vrai. Je prends ton temps. Je réfléchis après. J'ai souri à la merde. Souri à l'envers. Sans commentaire. Sans commentaire. Sans commentaire. Sans commentaire. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. Je prends mon oseille, je chante, je me casse de la de bois. Elle est sombre, elle est timide. Ce soir, la lune rouge. Je pète Max, véritable. Le temps, c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bisous. Même adresse, personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Personne nous inquiète. Dans le vide, vois le monde en entier. Le monde en entier. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. C'est la nocturne, c'est 100% rap français PNL. L'album arrive le 16 septembre, je suis QLF. C'est ce qu'on écoutait à l'instant dans la nocturne. On va faire un tour du côté de Lyon. Planète rap. 100% rap français. Une jeune fille qui s'appelle Sheila, on l'avait découverte, tiens, elle était passée dans un Planète rap avec Big Flo et Oli. J'arrive dans l'arène, passe-moi le micro, pousse-toi. J'arrive dans l'arène, passe-moi le micro, pousse-toi. J'arrive dans l'arène, passe-moi le micro, pousse-toi. J'arrive dans l'arène, passe-moi le micro, pousse-toi. Je suis dans l'arène, passe-moi le micro, pousse-toi. Je suis dans l'arène, passe-moi le micro, pousse-toi. Non, je suis dans l'arène, passe-moi le micro, pousse-toi. Je n'ai pas le temps que t'as, non. Je suis dans l'arène, passe-moi le micro, pousse-toi. Je me balade sur ton ring. Pas de stress, tu rates mon micro-test. Micro-test, micro-test. Quoi tu veux, tu bling. Je t'en lâcherai pas, je ne fais que du rétro fraîche. Rétro fraîche. Je sers de la good vibes à ta génération. T'as plus droit, et écoute. Tu seras perché comme Walter White. Je suis dans l'arène, passe-moi le micro, pousse-toi. Je suis dans l'arène, passe-moi le micro, pousse-toi. Je n'ai pas le temps que t'as. Mon style s'incruste dans ta team. Prends le bis, nationalement MC, je vous fais la bise. OG, j'ai pour le génie un OG. Tu es dans le déni. Je suis dans l'arène, passe-moi le micro, pousse-toi. Ne les écoute pas, dénigrer l'art de s'exprimer. Dans leur peur, tout est pour tout exhiber. Tout est fait pour exagérer. J'évoque les dames, ils parlent de tasse. On parle de rap, d'autres parlent de classe. Il n'y a pas de place dans le game pour les femmes. Je retourne la donne et vous donne du glam. Donne-moi la mèche, passe pas le micro, pousse-toi. Man, tu ne seras pas déçu. 1, 2, 3, test pour le début. 1, 2, 3, 4 pour le déluge. Quand je le veux, mon flow se décupe. Ils viennent me parler de problèmes, mais dis-moi combien sont paumés. Tu rap pour prendre la haine, je vise pour atteindre le sommet. J'écris jusqu'à perdre le sommeil. Je manie les mots colorés de métaphores. Je manie le flow qui te porte sur la galaxie chill qui t'inspire et te guide. Ce titre pique, te fige et indique que j'ai plus que le niveau qu'ils ont. J'ai ma conscience qui parle en moi. Je serai au top des listes, j'ai décidé ça. L'ordre des choses, c'est le karma, mais faut garder son calme. J'ai vu trop de potes subir le sort de déception menant à ce genre de dépression qui pousse à l'addiction sans chercher la raison de la pratique, comme s'il y avait une prophétie. Voilà la tragédie. Il n'y a pas de loi contre le karma. Il n'y a pas d'autre choix que de vivre comme ça. Mais j'ai brisé quelques codes et je vise le grade. Je fais futur pas le passé. Français, planète La Nocturne. Habite à m'habillant, mais j'en fais ma billon. C'est pire qu'un avion, j'y pense en m'habillant. Mauvaise pour ma billage, écoutez-moi bien. Ce que je ressens dans le ventre, c'est le couteau papillon. Pour de la chaîne, je vais pas chez la ménage. Cuisine ce que tu trouveras pas chez la ménage. Dans le tourbus, le studio est aménagé. Premier saut de la falaise, j'affiche aménagé. Non, mais j'ai fait le saut de l'ange en criant seulement chaud devant. Faut que je sorte de là, tous ces gens sont des lâches. Et le sursaut de là, je prends des morceaux de l'âme. Faut que je sorte de là. J'ai rempli le seau de lave avant le seau de l'ange. J'aperçois l'au-delà. J'suis pas dans le crime, mais beaucoup des miens sont dedans. On aime bien, ouais, nos vies sont dangereuses. On se maintient, ouais, que des questions d'enjeux. Né pour mener, hey, compter la monnaie, hey. Né pour mener, hey, compter la monnaie, hey. On aime bien, ouais, nos vies sont dangereuses. On se maintient, ouais, que des questions d'enjeu. Né pour mener, hey, compter la monnaie, hey. Né pour mener, hey, compter la monnaie, hey. Moi ouais, tu peux m'apercevoir chanter à tue-tête. À 200 à l'heure, le crâne est collé contre la pute-tête. J'ai rien contre la vitesse, jamais en état d'ivresse. Moi, mais c'est la merde quand ça sort un test salivaire. Tu pensais que ma carrière ne passerait pas l'hiver. Maintenant, tu sais qu'après le feu, les flammes se ravivèrent. Du coup, c'était dommage, on s'accapare le business. Les rappeurs sont au chômage, on fait pas dans l'humanitaire. Tu es tourmenté, j'ai besoin de me confesser. C'est un coup monté, je ne peux pas le contester. Trop mouvementé et les fans sont pressés. Le rap souffrait, j'ai provoqué son décès. On aime bien, ouais, nos vies sont dangereuses. On se maintient, ouais, que des questions d'enjeu. Né pour mener, hey,